Ah bah voilà, une nouvelle fois, Avicii reste l'artiste le plus joué dans tous les clubs d'Europe avec le Addicted to You, numéro 1 des clubs en Norvège cette semaine pour ce morceau qui est juste une petite merveille. À la place numéro 2, David Guetta et Shotek avec Bad, dans ce cas-là, c'est numéro 1 des clubs en Autriche cette semaine et en Allemagne pour Bad, 3ème Chainsmokers avec Selfie, carton des clubs du côté de la Hongrie et de la Suisse et le reste du classement à retrouver dès maintenant sur le site de Fun, funradio.fr, rubrique Eurodance 25. Allez, belle soirée à tout le monde, rencard des minuits avec Party Fun et un des groupes que j'adore, The TYP avec The Young Professional, ça sera une heure de mix à ne pas louper tout à l'heure entre minuit et une heure et d'ici là. Je croyais que tu parlais nous, un groupe que t'adores. Bah ouais. Je me dis, ah putain, il sait nous, il arrive à nous mettre en valeur. Je vais garder le meilleur pour la fin, d'accord. Ah ça va alors, ok, très bien. Bon, Rico, on va passer un bon week-end. Mais oui, au soleil. Ah non. Si, ça. Oh, il a fait beau. Non. Oh, ah, bon. Ça va. Je ne savais pas. Autant pour moi, je n'avais pas vu cette information. Non, non, mais c'est par rapport. J'en parlerai dans quelques minutes, mais c'est tout. C'est putain de photos de soleil sur Facebook. Ouais. Oh là là. Ah oui, bah oui, donc c'est bon. Voilà. On sait, il fait beau. On l'a vu sur TF1, tu vois. Je veux dire, c'est. Il n'y a pas de problème. C'est nul. Bon, bah oui, mais qu'est-ce que tu veux. Bon, bah Miko, tout à l'heure, alors, minuit. Tout à l'heure, minuit pour le retour de partie. L'oreille va mieux ou pas? Le quoi? L'oreille. Non, mais l'oreille va bien. Ah, c'est le dos bien. Qui allait très très mal. Mais l'oreille a. L'oreille, pas de problème. Animateur en kit, allez. Ouais, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, je bosse chez Ikea, moi, le week-end. Ah, bah, très bien. Allez, bon week-end. Enfin, bonne fin de week-end à toi. Lego No Limit, bisous. Ciao à toi, on est parti jusqu'à minuit sur Fun. Écoutez, oui, c'est à vous que je parle. Cette semaine, vous avez préféré dormir, regarder la télé ou tirer votre coup? Vous avez raté ça. Maxou, le retour. Ouais, Paul, comment ça va? Je t'appelle de Bikini Bottom, ce fond de l'océan chez Bob l'éponge. Et qu'est-ce que tu fais là-bas chez Bob l'éponge? Bah, je suis parti en voyage aujourd'hui et je suis très bien arrivé. D'ailleurs, j'ai emménagé dans une autre coco. Merci Maxou. Toujours là, Aurore? Oui. Toi, tu fais l'amour aux arbres? Ça m'est arrivé une fois. Ouais, il a eu du bol finalement, l'arbre. J'ai été un striptease si tu veux. Ah ouais. Je me suis frotté comme un ours qui se frotte à un arbre. Mickaël No Limit, pour rester connecté et ne rien rater. Mickaël officiel sur Facebook, Twitter et tous les soirs en live. Sur Fun Radio. Bonsoir tout le monde, ça y est. Et oui, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez bien profité du beau temps. Oui, c'est bon, on a vu tout le monde qui avait son petit soleil. Tout le monde a fait sa petite photo du ciel bleu avec le soleil. Mais certains avaient un petit nuage quand même, hein. Oh les pauvres. Ah ouais, ouais, ouais, ouais. On a pu remarquer ça qu'à Nancy apparemment cet après-midi il y avait un petit nuage. Oh, j'ai vu, c'est pas de chance. Un auditeur qui avait posté la photo. Donc oui, bon, globalement il a fait plutôt beau, hein. Globalement. Ouais, on l'avait remarqué, on ça. On l'avait bien remarqué, ouais. Surtout Polo, il est passé la journée au soleil. Ouais, j'étais dans j'étais loin. Voilà. Ouais, j'étais bien dans un parc et tout, c'était magnifique. Il s'est mis bien, il a maté les meufs. Je me suis branlé aussi. Voilà, oh, c'était non, magnifique. Top, c'était, ouais, top, franchement, ça, ça commence bien, oh. Dès 20h là. Bon, même dans le nord, il a fait beau, hein. Belgique, tout ça nickel, impeccable. C'est pour dire si c'était un week-end de ouf. Comme tous les dimanches, on est là jusqu'à minuit pour que vous ayez enfin quelque chose de bien à écouter le soir à la radio. Et puis c'est comme ça également la semaine, hein, de 23h à 2h. D'ailleurs, on va saluer Félix sur le Twitter. Mickaël est de retour, c'est faux rire assuré. Bah écoute, je sais pas, mais en tout cas, on a tout prévu pour. Timothée aussi, voilà une nouvelle semaine de Mickaël qui commence. Il y avait un auditeur sur le Twitter qui disait que c'était spécial best-of ce soir. Pas du tout, hein. On est là en direct, y a pas de problème. Alors certes, on va se réécouter le canular de jeudi parce qu'il était quand même de haut niveau. De toute beauté. Voilà, il était quand même de haut niveau. Certes, on s'écoutera aussi le chéri, je peux te faire cocu de la semaine dernière, car lui aussi était de haut niveau. Mais malgré tout, nous aurons aussi les appels de Toff que nous ferons tout à l'heure. On va également accueillir Raphaël qui est avec nous maintenant d'Indre-et-Loire. Salut Raphaël. Salut à tout le monde. Comment ça va? Bah très bien, et vous? Bah écoute, très bien, comme fan de Fun là, qui dit hello la famille No Limit. Salut fan de Fun et Fred S34 qui nous salue également, qui va manger, qui revient après. Bah t'auras pu bouffer avant Fred S34 pour être prêt à 20h, voyons. Bon alors Raphaël, attends, je vais te poser une question. Est-ce qu'il a fait beau en Indre-et-Loire? Super, super, on a eu 37 degrés. Non, ah, c'est beau. Ah, c'est beau. J'ai c'est fait une belle partie de pêche avec mon copain. Génial. Ah, génial. Ouais. Toi, tu sais vivre, mec. Ah, ouais, t'as pêché du thon ou pas? Parce que Toff a réussi, lui. Hein. Ah, oui, oh là là. Ah, ce week-end, il a été à la pêche également. Il a pris que du thon. Hein, bah, toujours, toujours. Bah, moi, d'habitude. Je pense que je peux. Hein. Bah, c'est normal, oui. Pour un macro. Ah, Yonk. Quand c'est fan de Fun qui avait dit faux rire garanti. Eh ben voilà. Finalement, c'est pas gagné. Non, c'est faux rire garanti. Bon, Raphaël, qu'est-ce que t'as fait du week-end, toi, à part la pêche? Bah, foire de Tours, et puis etc. J'ai rien compris. Quoi? La foire de Tours. La foire de Tours? Non, la foire. Ah, la foire de Tours, d'accord, oui. Ok. Tu dis une nouvelle Ford, je suis pas au courant, tu vois. Ah, la foire de Tours, d'accord, ok, très bien. Bon, alors, qu'est-ce qui t'amène, toi, Raph? C'était pour savoir si je pouvais devenir hindou en fait. Bah t'as quel âge? Ah ouais mec, c'est chaud là. Ah bah non, non. Alors pour être doux, je tiens à le rappeler, doux était quelque chose de très important. Ce n'est pas n'importe quoi, ah bah oui. On ne donne pas. C'est une confrérie. Voilà, on ne donne pas ça à n'importe qui. Ah bah il oui. faut être évidemment mineur, mais même pire, avoir moins de 15 ans maximum. Et surtout ne pas avoir muet. Explication, c'est que là, la douce, c'est avant 15 ans que la douceur prend tout son sens. Exactement. Et toute sa complexité, au-delà sa saveur ça, et son arôme. Au-delà de ça, malheureusement, je ne peux rien pour toi, Raphaël. Tu vas donc devoir prendre tes affaires et rentrer chez ta mère les mains vides. Ah, ouais. Ah oui. Ah bah oui, je suis désolé, Raph. Ah bah oui. Bon, oui. Tout ce que je peux te proposer, c'est d'écouter un son. T'as envie d'écouter un son ce soir ou pas? En particulier. Oui, pourquoi pas, oui. Lequel? Oui. Ah ouais, c'est pas mal ça. Putain, ah ouais, ça a l'air. Ça déchire ce son. Il a l'air bien. Moi, je l'ai entendu tout le week-end en boîte, t'as raison. Le meilleur. Ça déchire. Ah, le meilleur. Bah, alors, le meilleur, je vais donner celui-là, moi. Celui que je préfère en tout cas pour l'instant. Le son d'Avicii avec Lay Me Down, tu connais? Oui, c'est ça. Et ben voilà, il déchire tout celui-là, vous l'avez découvert sur Fun, c'est normal, c'est Avicii. Et en plus, on l'écoutera tout à l'heure avant minuit, donc restez bien sur Fun Radio. Je vais également taper le son de Guetta et Showtek. Avec Bad, évidemment, que vous avez découvert sur Fun. Pareil, t'aimes bien ou pas, toi, Raph? Super, moi j'aime bien. Et ben très bien, parfait. Et puis la chanson du selfie, hein, avec Chainsmokers. Et en parlant de selfie, je sais pas si vous avez vu sur le Facebook, j'ai fait un selfie, alors je croyais que c'était Toff, mais en fait c'est son cousin. Non mais il y a une ressemblance quand même frappante. Ah bah frappante, moi je me suis retrouvé en lui direct. Ah mais grave, putain, en fait je le vois, je fais un selfie, je dis oh bah tiens, comme c'est samedi soir, je fais un selfie avec Toff. Et en fait il me dit non, je suis le cousin. Bah je dis merde. Donc la photo est sur le Facebook. Alors vous savez quoi, je vais vous la mettre en top, comme ça vous allez la retrouver plus facilement. Alors attendez, bougez pas, je le fais ça de suite. Non mais franchement il ressemble Toff, on peut pas dire l'inverse. Hein. Au début je me suis trouvé beau gosse et puis je me suis rendu compte que c'était pas moi. Bah ouais, voilà, je le verrouille en haut la photo. Donc allez voir sur le Facebook de l'émission, vous allez voir le cousin de Toff. Facebook.com/MIKL officiel. T'as été voir ou pas toi, Raph? J'ai pas compris. Non, est-ce que t'as été voir sur le Facebook la photo de mon selfie avec. Je croyais que c'était Toff hier soir, mais en fin de compte, c'était son cousin. Non, j'ai pas encore vu parce que je suis sur la route en fait. Donc du coup, faut que je me connecte encore sur Facebook. Bon bah écoute, tu regarderas et puis tu me diras, pas de problème. Donc voilà, bah, donc, si vous n'avez pas encore, si vous êtes intéressé de savoir un peu ce qui se passe dans les familles, dans les amis d'équipe de l'émission, bah le cousin Toff est sur le Facebook. Voilà. Non, franchement, beau gosse. Ah ouais, t'as vu toi, Sandro, ou pas, le cousin? Non, j'ai pas vu. Hein. Ah bah va voir. J'y vais. Eh bah regarde, là maintenant, je mets ton avis en direct live. Là, tout de suite. Voilà, j'ai fait un selfie hier soir. Alors, Mikael officiel. Voilà, j'ai fait le selfie hier soir. Et sincèrement, je jurais que c'était le Toff. Mais non, c'était... Oui, effectivement. Il y a une ressemblance. Oui. Hein, oui, il y a une ressemblance. Dans l'esprit, dans le physique, tout. Même Polo, il m'a dit putain, ce con, il était chez toi ce week-end, tu m'as pas invité. T'es vraiment un bâtard. Bah oui, j'étais vexé, je pensais qu'ils avaient fait un barbecue en falche comme ça. Bah c'est ça, bah non, bah en fait pas du tout. Donc c'était avec le cousin Toff, donc allez voir. Tapez Mikael officiel. Bon, bah Raph, tu repasses quand tu veux, puis passe une bonne fin de week-end et puis bonne semaine. Hein. Raph est déjà parti, alors très bien. Bon, bah voilà, il y a du Lucas également qui est avec nous de Marseille en Beauvaisis, dans l'Oise. Salut Lucas. Salut Mikael. Ça va bien? Ouais, toi. Je savais pas qu'il y avait un Marseille dans le Nord. Ah bah si. Ah putain, c'est dur hein. Quelle horreur. T'as Marseille, t'as pas le soleil quoi. Non mais il fait pas le même temps que le vrai hein. Ah ouais, t'as pas la bonne mer non plus alors. Non plus. Ah putain, t'as quoi alors? Il y a quoi à Marseille en Beauvaisis? Beauvaisis, pardon. Attends, il va falloir d'abord que soit déjà il y a pas de téléphone. Hein. Ouais, soit tu dois enlever ton kit main libre ou ton haut-parleur parce qu'on entend rien. Ah excuse-moi. Vas-y. T'es là? C'est fait, ouais. Ah bah voilà, nickel. Donc il y a quoi à Marseille en Beauvaisis? Avec des immeubles, tu sais, il y a pas grand chose. Ah ouais, bon, c'est déjà pas mal. Ça, tu nous as donné envie là. Ah ouais, là, ça me donne envie d'aller visiter. Ouais, tiens. Carrément. Non, mais c'est pas mal. Bon, t'es là pour la colle, toi. Tu as envie de repartir. Ouais. Et cette semaine, on file des GoPro Hero 3 Plus. J'ai également à vous offrir, ça c'est pour la fête des mères. Fête des mères, j'aurai des coffrets cadeaux Wonderbox I Love Maman. Oh, so sweet. Et puis j'aurai des mini enceintes Divoom Voombox aussi. C'est des enceintes d'extérieur Bluetooth et waterproof. Vous allez brancher directement sur votre téléphone ou sur votre tablette, même sur votre ordinateur, et ça vous mettra du son si vous êtes en terrasse, si vous êtes en vacances, à la piscine, à la plage. Ça va être plutôt sympa. Voilà, on aura à vous offrir ça tout à l'heure. Et puis bah là en l'occurrence, les GoPro qu'on va filer. Donc Lucas, vas-y, fais péter la colle pour repartir peut-être avec la GoPro Hero 3 Plus. Alors la colle ce serait: tu aimerais m'avancer ou me reculer, tu aimerais me posséder et parfois les gens en manquent. Alors, tu ne peux pas m'avancer, tu aimerais me posséder, parfois les gens en manquent, qui suis-je en gros, c'est ça? C'est ça. Très bien. Si vous avez la bonne réponse, eh bien vous envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64 900 par SMS ou au 63 22 depuis la Belgique. Et je vous mets la colle. Bah là maintenant, pour aller voir facebook.com, tapez Mickaël officiel. Et puis vous verrez donc bah déjà le cousin Toff. Et puis vous verrez également la colle écrite avec la GoPro à gagner. Donc si jamais ça vous intéresse, eh ben voilà, la GoPro Hero 3 Plus, ça vaut quand même 250 €, je pense. Oui, à peu près, un peu donc, plus. Donc grosso modo, hein, peut-être un petit peu plus, mais voilà. Donc on vous l'offrira ce soir et on vous l'offre également tout au long de la semaine. On te récupère avant 22h30, Lucas. C'est là qu'on donnera le, eh bien, la réponse, Lucas. À tout à l'heure. Ok, ça marche. À tout, Lucas. T'as passé un bon week-end, toi, au fait? Bah ouais, nickel. Bon, bah nickel. Tant mieux, t'as fait quoi? Bah j'ai été voir ma copine et puis voilà. Ok, d'accord, bah nickel, parfait. Bon écoute, tant mieux, bah Lucas tu restes avec nous. Dites-nous d'ailleurs vous si vous avez passé un bon ou un mauvais week-end. D'ailleurs on aura également Sandro d'ailleurs. Ça s'est bien passé le sport ou pas? Bah cette semaine ça, mais en fait j'ai pas profité. Ah bah non, du c'était les 50 hier. Ans de Nutella. Alors je pouvais pas faire, je peux pas tout faire hein. J'ai dû manger j'ai mangé 50 pots de Nutella. Voilà. Un pot par année. Exactement, ouais. Non, je suis en train de souffrir là, j'ai mal. J'ai des courbatures partout. Ouais, c'est trop de vent, trop de gras. Ah oui, c'est du ça. Du coup, ça, en fait, elle a des palpitations. Elle a des courbatures avec le bras, en fait, qui a dû le amener la bouffe à la bouche, non? Eh bah, et c'est lourd, un pot de Nutella quand bah, c'est là. J'imagine. Toff également, qui fera les appels tout à l'heure. On casse les couilles, là. Exactement. Petit-fils d'enculé. Voilà, fils de putain, même. Voilà, bon, bref. Donc, on fera les appels de Toff tout à l'heure. On aura le chéri, je peux te faire cocu, les canulars. Polo également, donc, avec ouais. Bah, l'armée des doux, bien sûr. Et exact. Est-ce que vous avez vu cette info incroyable? Il y a des étudiants qui achètent un canapé dans une brocante. Mm-hmm. Bon, jusque-là, tout va bien. Et quand ils arrivent à la maison, ils trouvent 40 000 $ dedans. Oh, c'est bon ça. La folie totale. Et le plus ouf, c'est pas qu'ils aient trouvé le pognon, c'est non, c'est qu'ils aient fait des pieds et des mains pour retrouver le propriétaire du canapé pour lui rendre l'oseille. Donc ils ont fini par retrouver une vieille la propriétaire en l'occurrence, hein, une petite vieille qui leur a donné 1 000 $ chacun pour les remercier. Ce qui est sympa. C'est sympa. Mais bon, c'est sur cool. Les 40 000 quand même. Et faut expliquer aussi que c'est la fille de la petite vieille qui avait donné le canapé pour en offrir un plus confortable à sa mère. Oh. Donc venez nous dire ce que vous avez déjà, si vous avez déjà trouvé de l'argent ou un objet de valeur et ce que vous avez déjà cherché à le rendre. Ou pas, voilà. Si ça vous arrivait par exemple de retrouver 40 000 $ ou euros, quoi, est-ce que vous les rendriez ou pas? J'annonce, moi, jamais de la vie. Moi, oui. Alors, le bon samaritain de cette émission, c'est Polo. Mais mais c'est normal. Si je connais le propriétaire, je ne peux pas. Non, mais là, tu connais pas le propriétaire. T'achètes un truc sur la brocante, tu fais des pieds et des mains pour le retrouver. Ouais, mais c'est bien. Je suis content. Enfin, moi, j'aurais gardé les 40 000 $, mais bon, là. Ouais, voilà. Rappelons que Polo, même pour une barre de chocolat, il va essayer de retrouver le propriétaire. À retourner toute la radio pour retrouver le propriétaire de la barre de chocolat. Ouais. Donc appelez-nous, on a fini par manger, dites-nous, faut dire la vérité. En plus, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Il y a Jérôme également avec nous de Montluçon dans l'Allier. Salut Jérôme. Salut Mickaël. Comment vas-tu? Salut. Ça va et toi? Eh ben très bien Jérôme. Tiens, si ça t'arrivait toi de trouver un truc avec genre 40 000 €, tu vois, dans un canapé que t'as chopé dans une brocante, est-ce que tu ferais des pieds et des mains? Est-ce que tu retournerais tout pour retrouver le propriétaire et lui rendre l'oseille? Ah bah bien sûr, moi oui, bien sûr. Non mais t'es sérieux? Ah bah oui. Ça alors? Il y a encore des gens bien sur cette planète. Non mais tant mieux, c'est bien. Mais sincèrement, moi je le ferais pas. Enfin, je préfère être honnête, tu vois. Mais faut que je dis pas si je croise le mec et que je sais que c'est son pognon, je vais pas le voler, je lui rendrai en espérant qu'il me fasse. Ah bah oui, moi aussi, c'est pareil. Mais là, c'est vraiment faire des recherches et tout pour retrouver le propriétaire. Bah, c'est comme le mec qui avait retrouvé mon Mac dans l'autolib. Je veux dire, le mec, il a fait la démarche d'aller chercher dans le sac, il y avait pas un numéro pour m'appeler, me dire ouais, j'ai votre ordinateur. Moi, j'aurais fait pareil, j'aurais retrouvé le numéro, j'aurais envoyé merci. Ouais, on n'est pas des enculés, on remercie, tu vois. Et le mec, il a été cool. En plus, il a essayé de me rappeler 2-3 fois pour parce que voilà, je sais pas pourquoi, mais le téléphone m'avait pas affiché le message. Cool, non, le mec était c'est vraiment bien. Cool. Bon, bah appelez-nous les autres pour nous dire. Tiens, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. T'as passé un bon week-end, Jérôme? Ouais, impeccable. Bon, très bien. Tu nous appelais pourquoi, toi? Ben parce que je me suis fait larguer par ma copine très bon week-end. Ah oui, très très bon week-end alors. Bon bah écoute, célibataire, tu vas en profiter. Ouais, mec, on en parle dans quelques minutes Jérôme, là reste avec nous, là bouge pas de là surtout. Et puis je vous cale aussi le son de Katy Perry. Katy Perry avec Burley, c'est ce qui va arriver dans quelques minutes sur Fun. Il y a Laura qui dit moi si je trouve de l'argent je le rends car il faut être honnête. Et Lucas qui dit yo l'équipe, bonne soirée qui s'annonce. Ouais, on va faire ce qu'on peut. Et cœur d'encre, c'est Pauline qui dit j'aime le Nutella, soutien à Sandro et Bac Lacrim aussi qui dit je vous ai ramener toute ma classe avec le Jean-François. Dédicace à Damien. Un petit message de bienvenue, s'il vous plaît. Bah, bien sûr. Petit fils d'enculé. Voilà, fils de putain même. Voilà, bah, merci en tout cas, Bac, de nous avoir ramené du monde là. Bienvenue à tout le monde. Hein, si vous venez débarquer sur Fun Radio pour la première fois, c'est Mickaël No Limite. On est là le dimanche de 20h à minuit et toute la semaine de 23h à 2h. Et puis dans 3 secondes, là, je vous cale Katy Perry Birthday sur Fun. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël No Limite. De 23h à 2h sur Fun Radio. Mickaël No Limite. Le dimanche soir, 20h minuit, sur Fun Radio. Fun Radio. Allez, on est en direct sur Fun Radio. La bienvenue tout le monde, 20h17. Il y a le swag en une phrase. Allez, alias Alex qui dit sur le Twitter: j'ai amené tout le monde, même les bolos. Ah. Eh ben, on aime tout le monde, nous, ici, on n'est pas dans le détail. Il y a Fan de Fun qui, une fois, je trouvais 10 euros par terre, je n'ai jamais trouvé plus. Ouais, j'ai beaucoup de chance. Et il y a un message aussi de Jacques qui dit: les amis, vous pouvez m'ajouter, s'il vous plaît, ça me ferait grave plaisir. Et continue, je vous adore, vous êtes parfait, surtout toi, Mickaël. Oh, merci, Jacques, c'est gentil. Ben, en fait, on n'ajoute pas, il suffit simplement de nous rejoindre sur la page Facebook de l'émission. Vous tapez Mickaël officiel, vous faites un like et vous faites partie de la communauté, tout simplement. Et puis sur le Facebook et le Twitter, ah bah vous faites pareil. Sur le Twitter et l'Instagram, pardon, vous ajoutez Mickaël officiel. Et puis si vous m'ajoutez, eh bien je vous ajouterai également à mon tour. Voilà, comme ça on se suivra mutuellement. Et pareil également sur la chaîne YouTube de l'émission, hein, qui s'appelle également Mickaël officiel. Si vous me, si vous suivez la chaîne, eh bien je vous suivrai également. Voilà, on s'abonnera mutuellement, comme ça c'est plus simple. Bon, 20h18, retour avec Jérôme qui s'est fait plaquer, avec Clément également là, qui veut nous parler de pêche, tout un programme, on va se marrer. Et puis surtout bah, l'info là ce soir, donc c'est des étudiants qui ont trouvé un canapé avec 40 000 $ à l'intérieur. C'est un canapé qu'ils ont acheté en brocante, et donc ils ont fait des pieds et des mains pour retrouver le propriétaire du canapé pour lui rendre les 40 000 $. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Est-ce que vous les rendriez ou pas? Et surtout, est-ce que vous êtes déjà tombé sur des trucs que vous avez trouvé de valeur? Est-ce que vous les avez rendus? Est-ce que vous les avez gardés? On en parle sur Fun Radio. 20h18, il y a le canular, il y a le chéri, je peux te faire cocu, qui va arriver dans moins de 30 minutes. Et le son de Katy Perry, la belle, c'est Birthday sur Fun Radio. Happy birthday. Le son de Katy Perry sur Fun Radio, c'était Birthday. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Yes, we can. Toff est père de famille. Polo est un gangster. Et Sandro, un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël, ils sont à la radio tous les dimanches de 20h à minuit sur Fun Radio. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a Gino à suivre à 20h23 sur Fun Radio. Bah, bon dimanche soir, hein. Profitez bien si vous êtes encore sous le soleil, il est en train de bronzer. Note, à mon avis, il doit plus être au top le soleil à cette heure-ci. Mais bon, bref. Qu'est-ce que vous faites actuellement? Est-ce que vous écoutez Fun en train de bronzer, en train de boire un petit verre pépère? Est-ce que vous êtes en train de manger? Est-ce que vous êtes en train de préparer les cours de demain? Je sais pas, moi. Ou comme Miko, vous êtes en train de préparer un mix? Je sais pas. Ouais. Bref, il y a plein de trucs à faire. Bon, si vous avez envie de nous parler ce soir, on est là jusqu'à minuit, donc profitez-en. Vous nous appelez 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Il y a Bac sur le Facebook qui dit: on s'est fait niquer par les profs, moi et Damien, car on a crié Jean-François. La prof nous gueulait dessus. Moment de fou rire avec toi, Damien. Voilà, dédicace à toi. Bah, salut, merci, Mac. Et Théo qui dit: ça fait toujours plaisir pendant les révisions du bac d'avoir votre humour et votre bonne humeur. Merci encore. Comme quoi, parce que hors antenne, je vais vous dire, il y a Toff et Polo qui disent: ouais, putain, c'est enculé, je suis sûr que c'est en train de bronzer, etc. Je dis: mais non, attends, ils sont pas tous en train de bronzer. La preuve, il y en a qui sont en train de bosser. Voilà, la preuve, c'est bien. Ouais, bon, ils sont pas nombreux, hein, mais. Oh, mais arrête, mais si. Adam qui dit: salut l'équipe, je suis en retard, un coup de pelle pour moi et deux pour Toff car il est moche. Bah écoute, avec plaisir. Ça, c'est pour toi. Alain pour Toff. Et un second pour Toff aussi, c'est gratuit. Et Fan de Fun qui dit: perso, ça dépend. Si c'est un truc tout pourri, je le rends, sinon je le garde. Ah oui, non, mais d'accord. Ce que je vous demandais juste avant le temps de Katy Perry. Est-ce que, si vous trouvez quelque chose, comme des étudiants qui ont trouvé 40 000 € dans un canapé, est-ce que vous le rendez? Est-ce que vous les rendez? Parce qu'au final, le canapé, ils l'ont acheté. C'est vrai. Avec le contenu. Fait, avec le contenu. Parce que c'est comme si vous êtes dans une brocante et que le gars vend un canapé hyper cher, mais comme il sait pas, bah, il le vend pour que dalle. Bah, vous l'achetez, vous avez fait une bonne affaire, tant mieux. Oui. Bon, bah voilà, bah, là, c'est pareil. Il l'a vendu un canapé, certes, il y avait 40 000 € dedans, mais bon, il pouvait pas le savoir non plus. Donc, je vous demandais si vous rendriez vous l'argent ou pas. Vous nous appelez, et pareil aussi, si vous trouvez un objet de valeur, hein, dans l'absolu, pas forcément de l'argent, vous nous appelez 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Il y a Noémie avec nous maintenant, là, de Saint-Cyr-en-Val, dans le Loiret. Salut Noémie. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Noémie? Ça va très bien. T'as passé un bon week-end? Oui. T'as fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est une expo. Une expo de quoi? Ouais, une expo d'architecture. Ah ouais, là. La nuit des musées. Ah non. Putain, tu te la ramènes un peu, non? Ah bah ouais, je me la Non mais t'as raison. Bon, dis donc, Noémie, est-ce que tu ferais quoi, toi, si tu trouvais de l'oseille, genre le canapé, ou bref, de l'argent ou un objet de valeur? Est-ce que tu ferais des pieds et des mains pour le rendre? Ah, voilà. Give me five, Noémie. Voilà, tapons dans la main. Eh oui, mais non, mais c'est normal, je veux dire, il y a un moment. En revanche, si tu trouves un objet de valeur, mais que tu connais le propriétaire, ou genre, tu vois un mec devant toi qui perd son portefeuille, ou qui perd son portable, ou un truc comme ça, est-ce que... Ah voilà, bon, alors on est pareil. Alors on est pareil, moi je le rendrai aussi, si je vois le gars. De toute façon, ça ne m'étonne pas, vu que les architectes sont des escrocs. Non mais la raison, payer pour faire des dessins. Non mais c'est ça, comme les animateurs radio sont des escrocs, et Dieu sait que je suis loin d'être le pire. Ah ouais, très très loin. Ouh là là. Sur l'échelle du pire. Ah ouais, sur l'échelle du pire, on en connaît. On en connaît. Et pas fun. Enfin bon, bref. Bon, et donc du coup, Noémie. Donc du coup, toi tu 40 000 euros, tu les garderais? Ah oui, je les garde. Ok. Attends, on va demander à Mathias également, qui est avec nous là, de Boisdevillers. Salut Mathias. Salut Mickaël. Comment ça va? Ça va très bien. Bah écoute, ma foi, plutôt pas mal. Tranquillement. Bon. Est-ce que t'as vu, Mathias, la photo avec le cousin de Toff là, que j'ai fait en selfie ce week-end? Non, j'ai pas vu. Ah, parce que moi, j'ai vu sur une soirée, donc... Ah mais c'est rien, tu vas sur le Facebook, tu l'as pas vu, toi, Noémie? Non, j'ai rien vu. Bon, alors, vous tapez Mickaël Officiel sur le Facebook, elle est en top. Ah, mais c'est Facebook aussi, moi. Eh bah, juste, bah, va voir, Noémie. Ah ouais. Voilà, et tu peux aller en direct, là, ou pas? Bah, non, en direct, bien sûr, oui. Bah, alors, vas-y. Donc, et tu vas voir la photo, j'ai fait une photo donc avec le cousin de Toff. Je pensais que c'était Toff à la base. Et en fait, c'est son cousin. J'ai pas lu aujourd'hui, c'est con. Non, mais c'est pas grave, va te faire voir toi. Les gens sont pas connectés aujourd'hui. Ah bah non, ça il fait beau, on a tout rangé quoi. Ah bah. Tout est rangé là. Bon, Mathias, alors toi tu ferais quoi? Si tu trouves de l'oseille, si tu trouves un objet de valeur ou de l'oseille, tu fais quoi? Tu le rends ou tu le rends pas? Mais ça dépend, l'argent, si l'argent je le rends, mais si c'est un souris, quoi, ça je le prends tout de suite. Mais si c'est un quoi, j'ai rien compris. L'argent, tu le rends? L'argent, gros, mais si c'est un objet de valeur, TGSM et tout, ça je prends d'office, quoi. Ah là, tu gardes. Ouais. Mais alors, attends, si tu vois le mec, alors le mec, il est là, il se balade, comme j'ai donné comme exemple à Noémie, là, le mec, il se balade, son téléphone tombe de sa poche, tu le vois tomber de sa poche, est-ce que tu le rends ou pas? Bah non, moi je le prends. Oh, le voleur pas, non, non, parce qu'un téléphone, c'est pas cool, parce qu'au final, tu peux chercher dans le répertoire, genre le daron, ou tu vois, genre la sœur. Alors ça dépend, parce que si tu tombes sur un iPhone, par exemple, tu l'as dans le fion. Bon, tu peux rien faire, tu peux rien regarder, tu peux retrouver personne. Ouais, enfin, ça dépend du type de téléphone, mais si c'est un téléphone, tu peux regarder à qui il est, voilà, c'est con, tu vois, tu t'appelles le mec, tu dis, voilà, je trouvais votre téléphone. Mais oui. Ouais, toi, il appellerait d'abord, il chercherait un numéro de fille d'abord. Ouais, tu sais que l'honnêteté paye, parce qu'il y a. Je connaissais un mec qui avait trouvé un téléphone portable. Ouais. Bon, c'était un Blackberry, hein, ça sert à rien, mais bon, c'était un Blackberry. Il l'a ramené aux objets trouvés, donc à la police. Et un an et demi après, il a reçu un petit papier qui lui a dit, mec, viens prendre ton bien. Parce et le mec, il a répondu, va te faire un plus, je passe quoi, le téléphone, il est vieux. Non, il l'a donné à un petit. D'accord, non mais c'est bien. Et bah, même un portefeuille, je connais un mec, mais il n'y avait rien, il n'y avait pas d'argent. Ah oui, c'est ça, il n'y avait rien dedans. Bah oui, c'est ça. Et vous savez qu'on m'a volé mon portefeuille? Ah oui, mais attention, mais voler, c'est pas pareil. Ah oui, voler et perdre, c'est différent, ouais, évidemment. Voler, perdu, tous les papiers. Ah putain, ouais, mais ça c'est relou. Ouais, moi aussi, j'ai eu ça une fois aussi. Parce qu'à la limite, si je perds mon portefeuille, que le mec pique l'oseille qu'il y a dedans, et tu sais qu'il n'y a pas grand chose dedans en règle générale, mais qu'il ait au moins, tu sais, la gentillesse de me ramener les papiers, tu vois. De ramener les papiers, quoi. Oui, au moins les papiers, parce après c'est une galère, quoi, c'est clair. En soirée aussi, hein, soirée quand on est bourré, Mais. Ah oui, il faut pas être bourré, Mathias. Moi j'avais une copine, le téléphone il reste là, il tombe par terre et puis Bah oui, ça c'est sûr. Moi j'avais une copine, il lui avait arraché son sac à main et tout. En fait, ils ont juste pris tout ce qui était argent, machin, et le reste ils ont mis dans une poubelle, et c'est les mecs de la ville de Paris qui ont trouvé le sac et elle a pu aller le chercher quoi au commissariat. Bon bah Mathias et Noémie, merci en tout cas d'avoir appelé, hein. Merci beaucoup. Ouais, pas de soucis, bonne quand vous voulez. Gros bisous à vous. Mathilde également qui est avec nous là dans de Montbrison. Salut Mathilde. Salut. Ça va? Ça va. Oh, t'es une douce, toi? Oui. Ah ouais, t'es une douce. C'est bien. C'est bien, c'est la première de ce soir. Il y a juste un qui a essayé de nous enfumer, Raphaël, à 20h, là. Mais là, t'es la première. Les douces, donc, je rappelle, ce sont les auditeurs qui n'ont pas encore mué ou ceux qui ont en dessous de 15 ans et qui sont doux, dans l'absolu. Bon, alors, Mathilde, n'importe quoi. Mathilde, toi, tu trouves quelque chose d'un objet de valeur. Est-ce que tu le rends ou est-ce que tu le rends pas? Ah, moi, je le rends. Ah, tu le rends, toi? Bravo. Sauf si... Sophia, il y a des conditions, quand même. À l'intérieur du collège. Je le garde. Ah, mais t'as raison, tu trouves une pièce, tu le gardes. Oui, mais oui, une pièce, on s'en fout. Moi, je trouve un billet de 500 euros, je le garde. Ça dépend. Je vous ai raconté cette histoire où j'avais trouvé un billet de 10 euros. Enfin, s'il y avait un mec en face de moi. Attends, c'est déjà pour un chocolat, tu nous as cassé les couilles deux semaines. Et un le mec billet de 10. Le mec était très beau gosse. Beau gosse, costume, un blondinet avec une belle coupe. Non. Et il avait deux sacs à main, tu vois. Ouais. Deux sacs en plastique, il avait fait ses courses. Et en fait, je pense qu'il fouillait dans sa poche. J'ai tourné la tête et je passe. Et je vois un billet par terre. Et je me dis, c'est à lui obligé. Donc je le cours, je lui dis, ouais, c'est votre billet. Il me dit, mais non, j'en sais rien et tout. Et le mec, il m'a dit, mais je suis sûr. Puis il me dit, ouais, mais je peux pas savoir, j'ai plein de billets, bah. Bon, bref. Et il me dit, vous savez quoi? Il est parti dans le café, il a fait de la monnaie, il a fait deux billets de 5 et m'en a donné un. Il m'a dit, et ça, allez boire un coup à ma santé pour votre honnêteté. Oh, et ça, c'est beau. Et mais là, j'ai dit. Et là, on peut dire que l'honnêteté paye. Bon, 5 euros. Ouais. Mais comme quoi, la valeur de l'honnêteté. Mais oui, la valeur de l'honnêteté vaut 5 euros, apparemment, chez Polo. Ouais. C'est bien, c'est pas mal. Et ben, moi, j'aurais dit, merci, ma gueule. Allez. Bah oui, attends, il y a un moment. Non, mais ça se fait pas, t'es toujours embêté quand les mecs ils te ramènent un truc. Ouais, mais justement, quand, bah voilà, comme ils sont embêtés, autant pas les mettre dans l'embarras, autant garder le truc. Non, mais tu vois, au moins comme ça, tu mets personne dans l'embarras, c'est mieux au final. Bon, bah Mathilde, bah merci d'avoir appelé en tout cas, je te fais des gros bisous. Bisous. Salut Mathilde, passe un bon week-end. Tu veux une dédicace ? Ouais, vas-y, à une seule personne, choisis la bonne. Bah, une dédicace à vous. Oh, bah c'est gentil, Mathilde. Ah, bah, c'est gentil. T'as prévenu tes potes, Mathilde, que tu passes à la radio ce soir ? Une. Bah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Non, c'est un début. Bien. Si vous écoute quand elle peut. Eh ben écoute, tant mieux. Tu l'embrasseras pour nous. T'as vu la photo où j'étais avec le cousin Toff? Non, parce que j'ai pas Facebook. J'ai mais c'est dingue. Les gens sont pas connectés ce soir. C'est dingue. Ah mais j'ai que Twitter. Bah oui, mais je l'ai mis sur Twitter hier soir. Ok, je regarde. Ouais. Ah bah regarde dans le fil d'actu à 20h. Je l'ai mise à 20h30, je crois, un truc comme ça. Bon, salut, gros bisous Mathilde, je t'embrasse. Bisous. À bientôt, ciao à toi. Et puis vous restez tous là, hein, on va prendre dans un instant Damien, il y aura Lucas avec la colle, on va la répéter, on aura les appels de Toff. Appel de Toff à base de Merde, je sais plus. Ouais. Quelle pièce? Je sais plus. Ah oui, voilà, quelle pièce. Mais c'est parce que en fait, les Anglais, l'endroit où ils préfèrent faire le plus l'amour après la chambre, c'est la cuisine. Très bien. Eh ben, on va en parler dans quelques minutes. On va se faire les appels grâce au numéro que vous envoyez comme tous les soirs sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. 20h32 sur Fun. C'est Mickaël No Limite. Prévenez vos potes. On est là de 20h à minuit le dimanche et également tous les soirs de la semaine de 23h à 2h du mat. C'est Gilo qu'on écoute. Le son de Gilo sur Fun Radio, c'était First Love. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Yes, we can. Toff est père de famille. Polo est un gangster. Et Sandro, un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël. Ils sont à la radio tous les dimanches, de 20h à minuit sur Fun Radio. Et on est en direct, effectivement, avec à suivre dans quelques minutes le son de David Guetta. David Guetta et Showtech évidemment, hein. David Guetta, ce sera Bad dans quelques minutes sur Fun Radio. Si vous voulez écouter un son particulier, hashtag et Mickaël sur le Twitter, vous demandez. On fera le top tweetos également tout à l'heure, ce sera vers minuit. Le principe est simple, plus vous balancez de messages avec le hashtag et Mickaël, plus vous avez de chance d'être donc l'auditeur le plus influent sur le Twitter de l'émission. Donc allez-y, dès maintenant, si vous voulez participer, c'est très simple, vous balancez un maximum de messages avec le hashtag et Mickaël. Même si vous parlez pas spécialement d'émission, hein, si vous parlez avec des potes et tout ça, c'est pas grave, hein, vous mettez le hashtag et Mickaël, ça vous fera monter dans le classement. Il y a Marinette qui dit coucou mes chéris, sauf Toff, hein, parce qu'il pue. Comment ça va? Eh ben, très bien Marinette, gros bisous à toi. Il y a Mathias qui dit stylé la photo. Ah bah oui, avec le cousin de Toff. Ouais, bah allez la voir, allez sur le Facebook, tapez Mickaël officiel. André va aussi, une fois j'étais sur le périph parisien, il y avait des billets de 500 euros sur le pare-brise avant, mais le vent les a emportés. Comment ça, il y avait des billets de 500 euros sur le pare-brise? Des faux. Qui ont dû voler, qui se sont calés sur. Ah. Ouais, sinon il y avait eu cette histoire où il y avait, je sais plus, c'était un fourgon, un truc comme ça qui avait. Qui s'était ouvert et t'avais tous les billets qui s'étaient répandus sur l'autoroute. Putain, ça c'est la folie. Et mais moi je m'arrête, je ramasse. Ah, oui, mais c'est ce qui s'est passé, il y avait un embouteillage de dingue parce que les gens essayaient de ramasser tous les billets quoi. Bah tu m'étonnes. Et il y a Mathilde aussi qui dit en début d'année au collège, on nous a donné le livre pour l'année et j'ai trouvé un billet de 50 euros. Moi j'ai rien dit à mes parents et je l'ai gardé chez moi. Et ma meilleure amie a trouvé un billet de 5 euros dans son casier. Sympa. Camille aussi, moi je rends rien du tout. Même si je connais la personne, les gens n'ont qu'à faire gaffe. Trouver c'est trouver, reprendre c'est voler. Oh oui, saleté. Bon, faut quand même pas déconner. Nathan aussi qui dit salut, c'est quoi le mail de Toff pour les appels? C'est toph@funradio.fr. Pas plus compliqué que ça. Alors il y a Philippe qui est là et qui veut donner une réponse. Tiens, pour la colle. Bah la colle justement, on va le reprendre. C'est Lucas qui est avec nous. T'es là Lucas? Lucas? T'es dans une machine à laver? À nouveau le kit main libre. Voilà. Voilà. Bon, plus de quitte ma libre, Lucas, parce qu'à chaque fois le son est pas bon. Ouais, non, c'est parce que je suis en voiture, du coup j'avais dit le haut-parleur. D'accord. Bon, alors, fais péter la colle, Lucas. Je rappelle qu'il y a une GoPro Hero 3 Plus à gagner. Si quelqu'un trouve la bonne réponse et qu'il passe à l'antenne, il gagne et tu perdras, Lucas. Si jamais c'est le cas inverse, c'est toi qui repartiras avec la GoPro Hero 3 Plus qui vaut quand même quasiment plus de 250€ dans l'absolu. Vas-y, fais péter la colle, Lucas. Alors, si tu ne peux ni m'avancer ni me reculer, tu aimerais pourtant me posséder. Et parfois les gens en manquent, qui suis-je? Voilà, tu ne peux pas m'avancer, tu aimerais me posséder, parfois les gens en manquent, qui suis-je? C'est si ça. Vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël par SMS au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. On proposait la levrette par SMS. D'accord. Non. C'est pas ça. L'amour. Non plus. Non, il y a Philippe sur le Facebook qui proposait la confiance. Non plus. Bon bah les autres, allez-y, hein, facebook.com, tapez Mickaël officiel et vous pourrez gagner également la GoPro Hero 3 Plus. On donne la réponse vers 10h. Tu restes avec nous, Lucas, on te reprendra encore tout à l'heure pour répéter la colle, d'accord? Ça marche, ok. À tout à l'heure. Allez hop là, on va prendre également. On va d'abord faire les appels de Toff, tiens maintenant. Ah oui. Eh oui, appel de Toff donc. Nous allons aller du côté de l'Angleterre. Oui, parce que donc les Anglais, ils ont. Mangent mal. Ah, mangent mal. C'est pas le, et donc c'est du coup, ils en profitent pour baiser dans la cuisine. Exactement. Et c'est la deuxième préférée. Pièce. C'est la deuxième pièce après la chambre où ils aiment faire l'amour. Tout à fait. Donc ça, c'est un peu ouf. Oui, forcément. Donc du coup, on appelle des gens afin de vérifier si chez eux c'est pareil, hein, quel est l'endroit qu'ils préfèrent, etc., etc. C'est parti maintenant. 20h39 sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde. Oui, allô. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, je vous appelle parce que je voulais savoir dans quelle pièce vous avez, de votre maison vous aimez faire l'amour, monsieur. Eh pas mal, c'est gentil. Oui, mais ça répond pas à ma question, ça, monsieur. Au même endroit que toi. Pardon, j'ai pas compris, monsieur. Au même endroit que toi. Ah oui, mais c'est où, monsieur? Eh bien, là où tu le fais. Ah oui, mais moi, j'ai pas de chez moi, monsieur, donc... Mais moi non plus. Ah, vous non plus. Bon, mais alors, il n'y a pas une pièce où vous préférez le faire? Oh, basta, oh. Bah oui, mais ça répond pas à ma question, monsieur. Ouais, mais on va te faire voir. Ah bah non monsieur, non. Ah bah si. Bon, à un moment il s'est énervé avec le basta, hein. Je pense qu'au début il a rigolé, ouais. Et bon, pas trop longtemps, donc on va le rappeler, hein. Allez hop là, c'est parti, 20h40 sur Fun. Non. Bah y'en a pour longtemps là. Bah non, mais je suis désolé, on a été coupé monsieur, mais vous avez pas répondu. Non, on a pas été coupé, j'ai raccroché. Ah bah ça se fait pas monsieur, vous aviez pas répondu à la question. Et ta sœur, elle va bien? Bah je pense, oui. A priori elle va bien, hein. Bah écoute, elle va bien. Normalement, bah mieux que ton cousin. Oui. Voilà, qui est toujours sur le Facebook de l'émission, je tiens à le rappeler, en tapant Mickaël officiel, allez la voir. La photo, on rappelle le monsieur, on rappelle en Corse, c'est parti. Allô? Oui, je m'excuse madame, mais j'ai pas bien compris l'histoire de votre mari avec ma sœur. T'as que ça à faire, connard. Mais pas du tout madame, pourquoi vous dites ça? Ça t'amuse. Mais attendez, je comprends pas. Je vous appelle pour poser une question et votre mari me parle de ma sœur, alors du coup... Non mais attends, connard, il y a 2 minutes, t'appelais pas chez moi, d'accord? Tu t'es trompé de numéro. Tu comprends le français ou il faut que je vienne te l'expliquer? Non mais pas du tout madame, je me suis pas trompé de numéro, c'est bien le numéro de chez vous que j'ai appelé. Qui t'a appelé, connard? Ben je suis tombé sur votre mari. J'ai pas de mari de toute manière, gros con. Ben il y a bien un monsieur qui décroche chez vous madame. Il y a un monsieur qui décroche chez moi, quelle science c'est? Ben parce que je l'ai eu au téléphone juste avant, donc je le sais. Et en plus, je viens de l'entendre parler. Quel numéro tu fais? Ben, je fais votre numéro, madame. C'est lequel, mon numéro? Ben, c'est le numéro que je viens de faire, puisque vous avez décroché. C'est le numéro que je viens de faire. Tu vois pas que c'est un gros con, allez. Ah non, madame, je peux pas vous laisser dire ça. Ah si, si, pour le coup, elle est quand même relativement lucide. Oh non. Ah si, elle s'est directement rendue compte que t'étais un gros con. On va quand même la rappeler, hein. Afin de prendre quand même toutes les informations nécessaires. Ouais. Oui madame, c'est pas gentil. Ouais, tu veux savoir où mon mari préfère faire l'amour? Tu veux que je vienne te mettre en prenant la gueule, gros con? Alors maintenant, écoute-moi bien, je préviens les flics. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Non, je vous rappelais parce que je voulais savoir, en fait, le truc avec ma soeur, j'ai pas compris. Dis-moi. Oui. C'est quoi cette plaisanterie, non? Mais c'est pas une plaisanterie, monsieur, je voulais juste savoir dans quelle pièce vous aimez faire l'amour. C'est bien, et on en arrête là, hein? Et bonsoir monsieur. Ah bah oui, mais... Allô? Ah bah oui, ben bah, allô, rien du tout. Ouais. Bon, bah c'est pas grave, on en fera l'eau tout à l'heure des appels. Hein. Oui. Tout à l'heure, on parlera de gros sexe. Ah oui. Voilà, j'en dis pas plus, restez bien avec nous. Il y aura Ludivine, enfin il y a Ludivine qui a envoyé un message aussi sur le Facebook. Salut l'équipe, c'est pour répondre à la colle. Ah, est pas mauvaise. Je pense que même c'est la bonne réponse. Faudrait que je vérifie, mais je crois que la réponse n'est pas mauvaise, Ludivine. On va vérifier ça. Si jamais c'est la bonne réponse, de toute façon, quoi qu'il arrive, je vais pas la donner parce que je suis pas sûr de mon coup. Donc, si jamais, on sait jamais. Bon, bref, quoi qu'il en soit, Ludivine, si jamais t'es tiré au sort, tu passeras avec nous d'ici une bonne heure, une heure et demie. Donc, Ludivine qui disait aussi, je pourrais avoir un bon courage, s'il vous plaît. Demain, j'ai brevet blanc d'histoire géo. J'ai raté le premier. Si j'ai un message de vous demain, je bosse comme une malade. Bon, bah écoute, bonne chance Ludivine, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Voilà, j'espère pour elle. Le message de courage qui ne sert à rien te donnera quand même un peu de courage justement. Ouais, mais regarde ça, peut-être demain en se levant, ouais, ça va la motiver. Ouais, ça va lui donner envie d'aller passer ce brevet. Et Damien qui dit grosse barre avec Bac Jean-François. Oui, Bac qui avait balancé le mot, qui avait crié Jean-François en plein cours, ça a mal fini. Sarah également, vous êtes géniaux, truc de ouf, continuez, ne changez pas. Ben, c'est pas prévu Sarah, merci beaucoup. Et Clément qui dit salut Mickaël, est-ce que je peux avoir un message de bienvenue? Bah bien sûr. Petit fils d'enculé. Bon, c'est voilà, pas celui que je voulais mettre. Putain même. Voilà, mais comme ça tu l'as eu au moins. Bon, on a également avec nous, où est-ce qu'il est? C'est Angelo qui est avec nous, là, de Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône. Ouais, comment allô. Ça va, Angelo? Ça va et toi? Ça va, tranquille, tranquille. Bon, alors, qu'est-ce qui t'amène, Angelo? Mais en fait, c'est pour parler à Doudou. À Doudou, le marabout? Ouais. Oh là là là là là là là là. Bon, alors, attends, qu'est-ce que tu lui veux, à Doudou, Angelo? Parce qu'en fait, tu m'as dit que j'allais rester encore 2 mois avec. Et j'ai cassé Yann. 2-3 jours. Attends, de quoi tu me parles? Ah, t'avais appelé pour ta meuf? Et ouais. Et Doudou, t'avais dit que t'allais rester 2 mois avec elle et en fait, ouais. C'était moins long. Et ouais. Bon, attends, il est là justement, là, bah vas-y. Doudou, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Bon, 2 minutes, Doudou. Hein. Ah, bah oui, moi je reste jamais longtemps, vous voulez jamais je reste ou je reste ouais, discuter, bah, enfin, que normal. Je raconte ma vie un peu. Bon, il y a Angelo qui voulait le service après-vente. Enfin, le service après escroquerie plutôt. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, vous l'avez eu la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je me souviens plus. Vous lui avez dit qu'il allait rester 2 semaines, 2 mois avec sa copine. Ouais. Sauf qu'il a cassé hier. Non, alors c'est pas vrai. C'est pas ce que j'ai dit, que c'est pas du tout ça que j'avais dit. J'avais dit, je me souviens. Oui, bah souvenez-vous. Attendez, j'ai réfléchi. Oui, donc j'avais dit, je me souviens. Non, c'est pas Louis. Oui, voilà. J'avais dit qu'il allait se séparer avant les vacances. Où est-ce qu'on est? Mais après les vacances. Non, non, non. Non. Après, c'est. Attends. Oui, je t'écoute, mon garçon. Ouais, je pense que je reste encore une semaine. Et tu m'as fait. Non, moi, je pense que tu vas rester 2 mois. Tu m'as dit ça. Non, c'est pas vrai. Tu as interprété, mais c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'avant les vacances, ça serait fini. Et que pendant les vacances, tu trouverais une autre. Ah ben voilà, tu vois, tu nous fais un drame pour pas grand chose, là. Tout va bien. Ouais. Bah oui, y a rien, là. Tout va bien. T'es célibataire, tu vas trouver une autre meuf, donc. Ouais. Eh ben voilà, ben écoute, alors là. Mais d'ailleurs, attends. Apollo il m'a fait signe qu'on avait qu'est-ce le son. On a retrouvé le son de ce que Doudou a dit, j'ai coupé le. J'ai fait un petit montage et on va l'envoyer maintenant. T'es prêt? Écoute ce que Doudou t'a dit. Hein. Alors moi je pense que normalement, tu devais te séparer avant les vacances, mais qu'après d'ici un mois ou deux, tu vas trouver quelqu'un d'autre. Voilà, ça c'était le son original de Doudou ayant fait sa voyance il y a quelques mois. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas d'escroquerie. Tu vois, je te l'avais dit que tu essayais d'interpréter, que tu comprenais pas ce que j'ai dit. Mais oui, t'avais mal entendu, c'est pas grave, Angelo, ça arrive même au meilleur. Ça va. Bon, tu nous appelles quand t'as trouvé une meuf? T'inquiète, bon. Et je te dis si tu vas rester longtemps avec. Demain ou après-demain, je t'appelle. Bon, bah tant mieux alors, très bien. Bon, allez, bon courage, Angelo, salut à toi, Angelo. Allez, restez sur Fun Radio, il y a du monde, sûr, encore. Il y aura Clément, il y aura Jérôme, il y aura Noémie, il y aura Maxime, il y aura également Damien. Et puis on va se faire également le chéri, je peux te faire cocu, sera avec Marion sur Fun Radio dans quelques minutes. Et le son de David Guetta et Showtech, ce sera Bad. Ça va arriver dans un instant. Bienvenue si vous arrivez, c'est Mickaël No Limite, 20h minuit sur Fun. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-S. Suivi de votre message au 64 900 par SMS. Mickaël No Limite. De 23h à 2h sur Fun Radio. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te barres tellement avec Mickaël No Limite que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limite. De 20h à minuit sur Fun Radio. Exactement, et restez bien là aussi, hein, comme promis, David Guetta arrive. David Guetta et Showtech, il y aura Bad. Et puis elle met son préféré, je l'avais promis aussi. Hop là, Avicii, Lay Me Down.

C'est vrai. Il faut le dire, il faut le dire. Bon, Ludo. Ouais. C'est Mickaël, t'es en direct sur Fun. Ouais. C'est le chéri, je peux te faire cocu. Non, c'est une connerie là. Bah oui, c'est une connerie, évidemment que c'est une connerie. Et sinon, t'inquiète pas, je me serais déjà fait Marion là. Bon, Marion. Oui. Ça va, tu m'as dit que c'était un nerveux et tout là. Ça a été encore, il s'est retenu hein. Là, il a été calme. Bah oui, c'est dommage. Pourquoi tu t'es resté calme? Ah, parce que je t'aurais eu en face de moi, j'aurais été moins calme. Je t'aurais mis une patate. Oh, bah, t'aurais pu essayer. Ah, j'aurais lâché Toff pour voir comment tu te défends. Oui, c'est ça, c'est toujours moi d'abord. Pas de problème. Bon, Ludo, bah du coup, on va filer le cadeau à Marion alors, hein, évidemment, normal. Hein. Non, parce qu'elle a un cadeau pour avoir fait une connerie comme ça. Bah oui, évidemment. C'est le but. Bah évidemment. On va te filer l'iPad mini, du coup, Marion, d'accord? Ouais, trop bien. Ouais, je t'en prie. Même pas en rêve. Tu ne touches pas d'ailleurs, il sera configuré uniquement pour qu'il fonctionne avec les doigts de Marion. Ouais. D'accord. Complètement. Bon, gros bisous tous les deux en tout cas. Ouais. Vous revenez quand vous voulez. Gros bisous. Bon allez, vas-y, il y a une seule personne, choisis la bonne. Allez-y à Marine. Voilà. Ah, t'as vu, hein, espèce d'enfoiré, va. Ouais, ça, c'est quand on vient du Nord, ça. Ouais. Quand on vient d'Arras, quand on vient de Bapom, on se la ramène. Bapom, c'est ridicule. Bon, allez, salut on tous les deux. Une tarte avec du Bapom ou pas? Bien sûr, une double tarte aux pommes, pas de problème. Salut, salut, à bientôt. Salut, à bientôt. Bon, et si vous voulez refaire un petit chéri, je peux te faire cocu, on met le couvert demain, bien sûr, avec GoPro à gagner, avec les packs. On en a plein d'ailleurs aussi. Hein. Je vous le rappelle que toute cette semaine, on a des GoPro Hero 3 Plus à filer. On a des enceintes Divoom Voobox également, c'est des enceintes d'extérieur Bluetooth et waterproof. Alors ça ne veut pas dire que vous pouvez aller dans l'eau avec, parce que ça ne sert à rien d'avoir un haut-parleur dans l'eau, mais en gros si jamais il y a de la flotte qui va dessus, c'est pas très grave, donc vous pouvez l'amener tout près de la piscine, à la plage, tout ça, donc c'est plutôt bon esprit. Dans les chiottes. Et pour la fête des mères, on a la fête des mères, on a des coffrets cadeaux Wonderbox I love maman. Voilà, si vous voulez lui faire plaisir à maman, et ben on aura des box à vous, des packs pardon, à vous offrir des Wonderbox tout au long de la semaine. Félix qui dit ce géri, je peux te faire cocu, et pas mal du tout. Il y a Jojo qui dit maman en ton cul. C'est toi qui vas l'avoir, il était grave vénère le mec. Oui, mais pas très insultant. Pour une fois, il était poli. Mort de rire, le karaoké ringard, c'est Eric qui est fan de Fun, qu'il y a eu la fameuse question, bah pourquoi t'en as connu? Mais toujours, hein, ça c'est la question du chéri, je peux te faire cocu. Sébastien aussi, énorme le chéri, je peux te faire cocu. Bah ça tombe bien, on en refera un demain à partir de 23h, donc soyez bien branchés sur Fun Radio, bien entendu. Bon, on va se faire comme promis le son de David Guetta dans quelques minutes. On va récupérer Jérôme, il y aura Clément, il y aura Noémie, il y aura également Damien, il y aura Lucas avec la colle. Et je vous ai mis la photo de mon chat là, de Easy, la vidéo également, la semaine dernière, je l'ai mis, la vidéo de mon chat d'Easy qui s'était mise en mode guerrière. Et vous allez voir qu'il n'y a que le mode guerrière qui a tenu le coup. Allez voir surtout la fin de la vidéo, bien entendu, hein, c'est ça le plus important. Allez, restez sur Fun, il est 21h10, on est là jusqu'à minuit sur Fun Radio. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. MIKL, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Allez, plus de pub maintenant. Si Mickaël et son équipe avaient vécu dans un autre siècle, ils auraient été exécutés. Car ils sont trop dangereux. Mickaël nos limites. En 2014, ils sont en liberté. Mickaël. De 20h à minuit sur Fun Radio. 21h12 sur Fun Radio. Plus de pub pendant 30 minutes. Il y a Ludivine qui dit « Je vous remercie du petit message, je vous adore. Ça me motive pour demain. Je vous décevrai pas, je vous enverrai la note quand je l'aurai. » Bah, j'espère pour toi. J'espère, Ludivine, que ça va bien se passer. Il y a Mazing aussi sur le Twitter. On finit la semaine en beauté avec Mickaël. Où on la commence, alors ça dépend où on se place, nous par exemple on la commence. Tanguy qui dit je vous écoute en train de jouer à GTA 5, et ben sois bon cool. Tanguy. Et Amandine aussi, aussi vous êtes super géniaux, je vous adore, je vous écoute sans arrêt dans cette radio. Il n'y a aucun sujet tabou, bisous de nous les Liégeois. Bah salut Amandine la Liégeoise. Et Johan aussi, salut, je peux avoir un message de bienvenue bien sûr. On casse les couilles là. Et là, bah voilà Johan, tu l'as eu ton message de bienvenue. Retour avec tout le monde, Clément, Jérôme, Noémie, il y aura également Damien, il y aura Lucas pour la colle. Et puis on aura les appels de Toff dans un quart d'heure. Donc restez bien sur Fun Radio. Je vous l'ai promis, bah il est temps de le mettre là. Hein. Le son de David Guetta et Chotek que vous avez découvert sur Fun Radio. Et c'est normal, c'est cette place qu'ils doivent avoir. On écoute le son de Bad sur Fun. C'était David Guetta et Bad sur Fun Radio. Mickaël, Mickaël, No Limit, le dimanche soir, 20h minuit sur Fun Radio. Fun Radio. 21h16. Et alors il y a un message de la friterie Alba qui dit Mickaël, vous êtes pas en direct? Non. En fait, on a inventé un nouveau système qui permet d'enregistrer toutes les émissions à l'avance et de lire vos messages en même temps. Et ça, c'est fort quand même. Hein. On est trop balèze. Là, actuellement, par exemple, je suis au Bahamas. On appelle ça le checker. Voilà. On met tout dedans et puis ça redonne quelque chose de. Voilà. De neuf. Exactement. Voilà. C'est beau. Polo, par exemple, lui, il est en Chine. Ouais. Et Toff est dans la merde. Comme d'habitude. Voilà. Et en fait, tout est bien réparti comme ça. On est pas mal. Et l'équilibre est préservé. Donc là, nous ne sommes pas en direct. Nous avons lu tous les messages avec une nouvelle machine extraordinaire. Ça, c'est quand même de la technologie. Hein. Alors, il faut dire la vérité, c'est qu'on voit dans le futur. Donc on voit les messages qui vont arriver. Exactement. Comme là, il y a Florian qui a envoyé un message. Hein, je le voyais venir. Je pourrais avoir un message de bienvenue. Ça fait 8 mois que je vous écoute. S'il te plaît, Mickaël. Bien sûr, avec plaisir. Attends, je vais t'en mettre un petit là. Alors. Mets-tu là, tiens. Ta gueule, gros bâtard. Notre amie Virginie, bien entendu, du Nord, qui peut nous appeler évidemment quand elle le souhaite. Voilà. Non, blague à part, on est vraiment direct. Hein, parce que des fois, qu'il y en a qui croient vraiment que. Non, mais on sait jamais. On a une machine qui voit dans le temps. Mais oui, on est là de 20h à minuit tous les dimanches et tous les soirs de la semaine également, de 23h à 2h du mat. Bon, qu'est-ce qu'on allait faire maintenant? Oui, on va prendre Clément et puis on va également tenter de démonter la tête de Toff. Oui. Voilà. Je vais encore souffrir. Bon, je vous en dis pas plus, mais on en parlera dans quelques minutes. J'ai hâte. Salut Clément. Salut. Ou t'es un doux toi Clément là? Ou t'es une. Ou alors t'es Clémence? Non, c'est Clément. Ah, c'est Clément, donc t'es un doux? Bah, de Grussheim. Comment? Oui, c'est un. Ah, de Grussheim? Oui, non, d'accord, non, mais t'es pas un doux d'Inde. T'es un doux de la douceur, tu vois, tu es quelqu'un de doux. Il est. Attends, c'est quoi le nom de la ville là? Grussheim, yeah. Effectivement. Mais j'ai une très mauvaise géographie. Où est Grussheim? C'est chez les saucisses. Ah! Voilà, c'est dans le Haut-Rhin, c'est ça Clément? Oui. Très bien, parfait. Tout près de l'Allemagne. Oui. Quel beau pays. Tout est gris. C'est vrai, hein? Oh, c'est vrai. Tout est gris, même la Polizei est verte et blanche. Les gens sont tristes. Non, ça va. Enfin, je pense pas qu'ils soient tristes. Hein. Mais oui, c'est particulier l'Allemagne quand même. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de ça. Tu nous appelais pourquoi toi, Clément? En fait, j'étais à la pêche. Non, j'entends rien. Tu peux prendre ton téléphone, éviter le kit main libre ou le haut-parleur. En fait, j'étais à la pêche. À la pêche? Oui, et sur ma chaise, et puis d'un coup, ma chaise a crié, je tombe dans l'eau et il y a des poissons qui commençaient à me manger les parties sensibles. Ah, c'est bon ça. Attends, mais c'est quoi comme. Qu'est-ce que c'était comme poisson? Je les ai pas vus. Ah, t'as pas vu les poissons? Non. Mais comment tu sais qu'ils sont venus te bouffer les boules? Parce qu'au final, c'est ça, hein. Parce que je les ai sentis. Mais t'es sûr que c'est pas psychologique? Mais oui. Parce que entre le moment où tu tombes dans l'eau et le moment où tu essayes de ressortir, ça fait quand même beaucoup de vagues et tout le bazar qui pour les poissons c'est un bruit énorme. Mais en plus c'est un flip un poisson, ça dégage tout de suite, à part les requins et les piranhas. Parce que le requin blanc, je peux dire qu'il met une patate. Hein. Mais oui, mais à Vatsra, je sais plus comment ça s'appelle sa ville. Grussheim. Grussheim, y a pas de requin. Non, y a pas de requin, Mais c'était des gros poissons, des petits? Bon, c'était une truite. Ah, c'était une truite? Ah bah oui. Et la truite, elle est venue te bouffer? Oui. Elle a essayé, quoi. Ouais, elle a essayé, ouais. Bah enfin, t'es rien arrivé, t'es avec nous, là. Oui. Bon, bah très bien. T'imagines, tu te serais fait bouffer les couilles par une truite. C'est dur, ça. Oui. Bah c'est quand même dur comme accident, quoi, tu vois. Ouh, il va se taire. Il veut sortir une vanne, là. Pas du tout. Bouffer les couilles, la truite. Je le vois tout de suite. Ferme ta gueule ou je te mets une baston. Ouais, parce qu'on est armé. On expliquera dans quelques minutes pourquoi on est armé, mais on est armé. Bon, et donc du coup, Clément, là, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Ben, juste que vous me passez une chanson. Ah, tu veux quoi? Ben, en fait, t'es venu tout ça juste pour une chanson. Ouais, c'est ça. Tu veux écouter quoi? Team BS casse départ. Team BS avec casse départ. Attends, je suis même pas sûr que je l'ai, celle-là. Non, j'ai. Attends. Alors, Team BS, je tape, je regarde ce que j'ai en stock. Et casse départ, t'as de la chance, je l'ai. Bon, alors attends, bouge pas. Hop là, voilà. Alors, on va mettre ça là. Donc, c'est celui-là. C'est ça? T'es sûr? Bon, très bien. Bon, on va te le mettre tout à l'heure. Parfait, on te le mettra tout à l'heure avec plaisir, Clément. En fait, t'as juste appelé ton histoire de poisson, c'était d'enfume. Tu voulais juste qu'on passe la chanson. Ouais. C'est triste. Bravo. D'en arriver là. Clément. Oui. Rien que pour ça, on devrait pas te la passer. C'est mal, Clément, de mentir. Tu sais ça? Est-ce que ton père est là? Non. Ta mère? Non. Si, si, il y en a et là, et là encore, là. Tu nous mens et ce n'est pas là, bien. Là, t'es encore en train de mentir, Clément. Ton grand frère. Tu sais que plus tu mens, plus t'as de chances d'avaler ta langue et après tu deviendras muet. Non, je dis pas. Non, mais c'est vrai. C'est la vérité. C'est vrai. Plus tu mens, plus ta langue rétrécit. Un jour, elle sera tellement petite que tu vas inspirer, tu vas l'avaler, tu ne pourras plus parler. Enfin, on comprend rien. Ah, si, on dirait du chinois. Ouais, c'est vrai, mais enfin, bon, ça veut pas dire grand chose. Hein. Alors, essayons de parler sans langue pour voir. C'est quoi, on l'a en rien, quoi. C'est un enculé. Ça marche, hein. Tu vois, sans langue, on a l'air con quand même. Oui. Bon, alors arrête de mentir, Clément, ou je te mets une patate, t'as compris? Plus jamais. Encore une. Voilà. Salut, Clément. Salut. Allez, attends, respire un coup. Un bon coup, là, fais. Voilà, c'est top. Hop dans ta gueule. Voilà, comme là. Ça, au moins, tu seras calmé. Bon, non, salut, Clément. Il avait mérité. Ouais. Salut, Clément. Ciao à toi. Clément. Clément. Oui. Bah, dis au revoir, au moins. Oh là là, quel mal élevé, ce garçon. Voilà, Clément. Oh là là, la prochaine fois, j'appelle sa mère. Tu vas voir. Ça se passera totalement différemment. Bon, j'ai une bonne nouvelle pour tous les non-fumeurs comme moi. Ah. Bon, évidemment, il faut habiter l'autre bout du monde. Hein. Mais il y a Melbourne, c'est en Australie. Melbourne va interdire de fumer partout dans la ville pour 2016. Ah ouais. Ah, terminé. On fume, mais même dans la rue, on pourra fumer qu'à l'intérieur de la maison, donc de son propre appartement ou de sa propre maison. Mais on pourra plus fumer même dehors, sur les terrasses, dans les magasins. Nulle part. Fini, terminé. Plus de fumée. C'est sympa. Plus de Ouais, c'est peut-être un peu violent, mais bon, moi je suis pour, évidemment. Donc, est-ce que vous pensez qu'on devrait faire pareil en France et en Belgique, en Europe en règle générale? Donc, donnez-nous vos avis, hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission. Vous demandez également, enfin, vous donnez vos avis sur le Facebook également, facebook.com/Mickaël officiel. Je vais vous mettre le post dans quelques minutes et vous pouvez également nous appeler, bien entendu, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Il y a Alexandre qui dit salut la team. Salut Alex. Mickaël, tu ressembles au chanteur de Milky Chance. C'est qui le chanteur de Milky Chance? C'est celui-là là. Vas-y, attends, t'es en train de l'ouvrir. Tu vois d'ici ou pas? Mal, mais clique dessus, va agrandir la photo pour attends, voir. Attends, mais il y en a une, il faut trouver une qui te ressemble. Bah oui, donc c'est que je ressemble pas, s'il faut commencer à fouiller. Mais non, mais parce qu'il non, a si, des y a un petit air, de merde. Bon, attends, vas-y. Attends. Voilà. Là ou c'est là ou c'est là? Bah j'en sais rien, ouvre là, je vois rien moi, l'écran qui est à 15 mètres de moi. Là, c'est bon. Ouais, il on dirait, si, on dirait toi, mais après une allergie, avec le visage gonflé. Ouais, il a le visage un peu plus gonflé et. Si, y a de oui, ça. parce qu'il est pas bien rasé comme moi. Et... Non, mais même là, regarde là. Mais il a des cheveux de ouf, c'est-à-dire que les cheveux ça fait 10 cm de haut en pique, on dirait un hérisson. Mais après, oui, non, mais il est pas mal, mais ouais, vite fait. Bon, ah, je préfère lui à l'autre là, à Mario. Mario de la Starac, oui, ouais. Bah, je te confirme. Mais non, mais moi aussi, ouais. Il y a Dismay qui dit Mickaël, il vous respecte pas, le doux, virez-le et diffusez pas sa chanson en mousse. C'est vrai, est-ce que vous pensez qu'il faut donc mettre la team BS que le doux a demandé alors qu'il nous a mitonné? Ouais, moi je trouve ça mérite pas. Hein. Ou est-ce qu'on le met pas et du coup on met Mister Props ce qui était prévu? Voilà, bon, vous nous dites, hashtag Mickaël avec votre message sur le Facebook de l'émission, vous nous dites également. Il y a JC également qui dit un petit bonjour du Québec et à toute l'équipe, je suis parti de la France il y a un an, mais je continue d'écouter Fun tous les dimanches, merci de votre bonne humeur, c'est JC. Merci JC, puis merci d'écouter Fun aussi. Et Jordan qui dit posé en train d'écouter Mickaël No Limit, c'est cool Jordan, t'as bien fait. Et Scarpone qui dit gros big up au TBRES2 de Bellegarde, on passe le bec demain, merci à nous. Merde à nous, merci à nous. Eh ben merde à vous, Scarpone, la bonne chance tout le monde. Et puis Lucas qui dit, moi je garde les 40 000 par rapport au sujet de tout à l'heure. Ah bah oui, j'imaginais bien, effectivement. On a également le retour de Noémie, là, qui est de nouveau là. Noémie qui nous avait donné son avis par rapport à si elle trouvait de l'argent, etc. Noémie, t'es de retour? Oui. Bon, et toi, tu nous avais, t'avais une question à poser, toi, Noémie? Oui, alors on t'écoute. Bonjour, Mickaël. Ben, salut à toi, Noémie. Bonjour, voilà. Alors, la question c'est la suivante. La musique ou toute autre forme d'art est-elle du stress ou l'annihile-t-elle? J'ai rien compris. La musique ou toute autre œuvre d'art? Ou toute autre forme d'art cause-t-elle du stress ou l'annihile-t-elle? C'est-à-dire la supprime. L'annihile, ouais. J'avais une question. Est-ce que quand tu as appelé, la fille qui a décroché a dit « Bonjour, bienvenue chez France Culture » Non mais après bon, ça dépend. Non mais ça dépend de la musique. Non mais juste la culture. Non mais ça dépend de la musique. La culture, ben c'est intéressant, ouais. Non mais d'accord, mais Noémie, ça dépend de la musique. T'as des musiques stressantes et puis t'as des musiques qui sont pas stressantes. Donne-nous des exemples. Attends, donne-nous des exemples. Non mais t'es sérieuse là? T'as fumé quelque chose? T'as bu un truc avant de nous appeler ou pas? Non, j'ai rien fumé. Mais tu devrais parfois, ça t'aiderait. D'accord, ok. Juste, Miguel. Tu écoutes quoi? Juste. Ah voilà. Bah très bien, là, bah c'est bien. Non mais t'as des musiques, voilà. T'as des musiques stressantes. Rien tu vois, moi j'aime bien le rock, mais t'as des morceaux de trash, mm-hmm. où ça fait ça je déteste, okay. par exemple, tu vois. Ouais. Bon ça peut stresser, voilà, par exemple. D'accord, pas de problème. Après t'as des chansons qui, bon je sais que le sous-chef et le sous-chef vont gueuler, mais moi par exemple Magic System me stresse. Tu vois, quand je l'entends ma voix, ça me. Mais bon, non. Après c'est une question de goût. Je parle de Magic System, pas de ta voix. Non mais t'es pas sérieuse Noémie, t'as picolé un truc là. Non, j'ai rien picolé. Si, parce que tu parles différemment de tout à l'heure. Je suis juste bipolaire. Voilà, alors il y a une raison. Voilà. Hein, très bien. Alors ok, très bien. Bah, bon, on va attendre que t'arrives à l'autre pôle. Hein. Non mais on va demander, c'est quoi la chanson qui stresse? Vas-y, que c'est méchant ce que tu dis. C'est quoi la chanson qui stresse? Si t'as fait toute la journée de ménage, c'est méchant. Noémie. Le feu est rouge. Okay, voilà. Top. Une chanson qui stresse. Putain, qu'est-ce qui stresse? Alors, ou qui te relaxe justement. Quelque chose de stress. Attends, je vais t'en donner du stress. Oui, donne-moi alors, du stress. Alors, à quelle heure tu te réveilles le matin? Ça dépend, c'est très variable. Ça dépend des jours. Ouais, c'est très variable. Voilà. Ça va entre minuit est-ce et. Que tu prends du café. On s'en fout là. Ouais. Non, jamais. Je bois jamais de café. Moi, jamais. Je touche pas à ça. Jamais. Ouais. Pas de café. Non. Tant mieux. Voilà. Et c'est tout Noémie. Ça va? Eh ben voilà, mais écoute, j'espère qu'on a répondu à ta question. Tout va bien. Eh ben voilà, parfait, écoute, tant mieux. Je pense qu'on a eu la discussion là. Pour toi, mais bien. Non, elle déstresse, elle est au top. En fait, si, j'ai trouvé ce qui me stresse le plus, c'est toi. Je voulais pas me dire. Et ben voilà, écoute Noémie, moi c'était avec plaisir, hein, si on peut rendre service. Merci beaucoup Miguel. Avec plaisir. Oh là là. Avec plaisir Noémie. Je pense que là on a quand même fait avancer on a fait avancer l'émission là. La musique. Ah, je pense que là on est pas mal. Il y a Fun de Fun qui dit ne diffuse pas la team BS, il ne le mérite pas. Il faut pas le mettre, il vous a pris pour des cons, il mérite pas qu'on passe la chanson. Le JT insolite qui dit un doux qui ment, ce n'est pas possible, il est en dehors du règlement doux. Ne lui passez pas la musique, ne mettez pas team BS pour Phoenix, ça se fait pas de mentir à Michael. Susbit, Phoenix. Jojo également qui dit non, il a menti, il ne mérite pas que sa chanson soit diffusée. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme message? Il y a Sylvain qui dit c'est ici qu'on s'exprime, elle est bourrée la Noémie. Oui, elle n'a pas l'air très clean. Effectivement, c'est là qu'on s'exprime, oui, tout à fait. Ne passez pas la chanson, c'est pas bien de mentir, c'est Célia. Et alors Jordan qui dit oui, on peut mettre la team BS quand même, car je l'aime bien aussi. Gros bisous à toute l'équipe, je vous adore. Bon, bah, à l'unanimité, effectivement, visiblement, on ne doit pas la mettre. Rassurez-vous, on la mettra un autre jour, hein, mais là c'est en l'occurrence pour faire chier le doux. Et ben voilà, la team BS au placard. Ouais, et Camonti, ça se fait pas. Ah bah oui, non, mais la team BS au placard. Bien mal acquis. Exactement. Jamais ça le doux. Tout à fait. Bon, on va récupérer Damien en quelques minutes. On aura Jérôme qui s'est fait larguer. Et puis Lucas pour parler de la colle. On aura les canulars de Toff également. Les appels de Toff, j'ai dit qu'on parlerait gros sexe. Oui, parce qu'il paraît qu'en fait, les mecs qui ont un gros sexe ont plus de chances d'être cocu que ceux qui en ont un petit. Très bien. Eh ben on va en parler. Bah oui. Plus compliqué que ça. 21h29 sur Fun Radio. Soyez les bienvenus. Du coup, on se met le son de Mr Probs. Et là, on va chier. Car celle-là, elle relaxe, par exemple. Le son de Waves, on va chiller pendant que Toff va chier. Bien entendu. Bonne soirée sur Fun. C'est Mickaël No Limit. On est là jusqu'à minuit sur Fun. Mr Probs, sur Fun Radio. Là, on a chillé. Ah, j'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux. Alors, que Mickaël nos limites durent longtemps, qu'il continue à nous faire rire, et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou de vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Oh my god! Mickaël, No Limit, de 20h à minuit, sur Fun Radio. Et on est toujours en direct, évidemment, avec vous toutes et vous tous. Vous nous appelez d'ailleurs, vous soyez un 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Et appelez-nous deux fois plus, puisque j'avais dit que j'avais une bonne nouvelle pour tous les non-fumeurs comme moi. Là, il y a Melbourne, une ville en Australie, donc qui va interdire de fumer partout dans la ville pour 2016. Et donc, je voulais avoir vos avis. Voilà, est-ce qu'on devrait faire pareil en Europe, hein, en France, en Belgique, tout ça? Ou au contraire, laisser comme c'est actuellement, bref. Appelez-nous, donnez-nous vos avis. 01 42 48 5000. Et Toff, un avis? Aucun, moi je m'en branle. D'accord. Le seul truc que j'ai kiffé, c'est que les gens puissent plus fumer dans les restos. Ouais, même dans les restos, dans les boîtes, dans les bars. Ouais, mais c'était surtout dans les restos, dans les boîtes et les bars, je m'en fous un peu. Ce qui serait bien, c'est de faire comme aux US. C'est-à-dire que même sur les terrasses, parce que le problème, c'est que maintenant il fait beau. Donc tu te dis en tant qu'enfumeur, ah bah je vais en terrasse, sauf qu'en fait, c'est le fumoir en fait à terrasse, donc c'est ingérable. Ouais, mais ça, moi ça me dérange pas. C'est vraiment au resto quand t'es en train de bouffer que c'est chiant, mais sinon après en boîte. Ah oui, mais quand t'es en train de bouffer en terrasse et que t'as toute la fumée qui vient partout, ça reste relou. Oui, c'est ça, mais c'est, voilà, au resto, c'est le seul endroit où ça me fait chier. D'accord. Bon, bah dites-nous vos avis, donnez-nous vos avis. Polo s'en branle, lui. Complètement. D'accord. Bon, bah pour voilà. Moi, la terrasse, c'est un truc de baltringue, donc. N'importe voilà, quoi. Mais c'est vrai qu'il se fait jeter les terrasses chaque fois. Non, moi, je trouve qu'on est mieux dans le resto avec la clim. Bah non, mais non. À fond de balle, c'est rien. C'est ça la vraie vie. N'importe quoi. Bon, appelez-nous. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. On en parle donc dans quelques minutes. Florian qui dit vous gérez les gars, je vous écoute presque tous les soirs, continuez comme ça. Et je voulais. Jean-François, il arrive quand? Ah bah je sais pas, ça c'est lui qui doit appeler. Hein. C'est quand Jean-François décide. Bah c'est ça, voilà. Donc après c'est JF, hein, il faut qu'il appelle. Bonsoir l'équipe, je suis de retour, c'est Virginie66, ah, salut Virge. Candice aussi, direction Paris en écoutant Fun. C'est cool Candice, bonne nouvelle, tu viens d'où Candice? T'as passé le week-end d'ailleurs, c'est ça? Et Jeanne-François, ce qu'il dit au Japon, ça fait déjà des années qu'il y a des quartiers où il est interdit de fumer. Ah ouais, mais là c'est la ville complète en fait où on pourra plus fumer. Hein. Et Fan de Fun qui dit il faudrait le faire en France, c'est pour la santé des gens. Et Andréva qui dit bah perso je fume pas, mais je voudrais pas qu'il y ait ça en France car on est dans un pays libre. Oui, c'est vrai qu'après, mais ça marche dans les deux sens aussi. Hein. Le fumeur va dire qu'il est dans un pays libre et qu'il a le droit d'aller dans un endroit où on fume pas et inversement. Donc c'est un peu compliqué. Johan qui dit je pourrais avoir un message de bienvenue. Petit fils d'enculé. Voilà Johan. Fils de putain même. Et puis Sarah qui dit faux Mister Probs, c'est largement mieux que la Team BS. Eh ben voilà, on a écouté. Puisqu'on l'a passé il y a quelques minutes, on parlait gros sexe avec oui. Les appels de Toff. Et oui, et donc il y a une grande étude qui s'est rendue compte de ce drame pour les gens qui ont une grosse bite. Ouais. Malheureusement pour eux, ils ont plus de chances d'être cocus. Exactement, ce qui est les dur. Hein. Bah évidemment. Oui, je les plains. Bah c'est ça. Donc du coup, bah, on va appeler afin de leur demander comment ça se passe s'ils ont un gros ou un petit sexe. Bah oui. Et bah, c'est parti, on y va grâce toujours au numéro que vous nous avez envoyé, comme d'hab, sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Continuez d'ailleurs, hein. On appelle encore évidemment jusqu'à minuit et puis toute la semaine. Si vous avez des numéros de gens très sympathiques que vous voulez piéger ou même des ennemis éventuellement, on a juste besoin du numéro de téléphone, hein, pas du nom ni quoi que ce soit, rassurez-vous, c'est anonyme. On les appelle et on leur demande leur avis sur des sondages aussi divers que variés. Bah oui. Allez, c'est parti, on y va. Oui, allô? Allô, allô? Allô? Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si votre mari avait un gros sexe, madame. Vous êtes vraiment con. Hein. Mais pourquoi vous dites ça, madame? Vous posez des questions connes. Mais pas du tout, madame, enfin, pourquoi vous dites ça? Encore quelqu'un... Non, encore quelqu'un de lucide, hein. Oui. Qui, dès le début, oui, a grillé que t'étais un idiot. Non, je suis pas d'accord. Ah, si, bah si. Non. Bon, on y va, on rappelle. Allez, c'est parti, 21h36, toujours en direct sur Fun. Oui, allô? Allô, faut pas vous énerver comme ça, madame. Non, mais sérieusement, franchement, vous avez pas autre chose à faire. Bah, allez voir le truc de votre meuf ou allez vous occuper d'autre chose et lâcher les gens, quoi. Bah oui, non, mais sérieusement, mais là, attendez, quoi. Ça tue votre monde à poser des questions connes. Non, mais sérieux, quoi. Vous n'avez pas autre chose à faire. Mais enfin, elle est pas conne, ma question, madame. Vous y avez juste pas répondu. J'ai pas envie de vous y répondre. Pourquoi vous voulez que je vous réponde à ça? Bah, parce que je vous ai posé la question, madame. Mais vous êtes qui, vous, pour me poser des questions comme ça? Moi, vous je m'appelle Toff, madame. Ouais. Bah oui. Ouais, et après, bah, c'est pour vous. Bah, c'est tout. Moi, je veux juste savoir si votre mari a une grosse bite ou pas, madame. Mais, franchement, arrêtez vos conneries, quoi. Mais arrêtez vos conneries. Mais c'est pas une connerie, madame. Allô? Ah, elle s'en branle, hein. Non, elle s'en branle, Attends, on va la rappeler encore un petit coup, là, toujours pour cette grande question, ma foi, intéressante. Donc, fort intéressante. Bah, oui, c'est ça. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, non, madame, c'est pas gentil de raccrocher comme ça. Mais franchement, vous m'emmerdez, donc qu'est-ce que je vous dise, moi? Vous m'emmerdez. Bah. Donc, j'ai pas envie de vous parler, j'ai pas envie de vous répondre à vos questions connes. Je suis désolée, quoi, j'ai autre chose à faire, quoi. Bah oui, mais et c'est... En plus, franchement, vous avez de la chance parce que c'est pas ma fille qui vous répond, parce que franchement, vous posez ce genre de questions alors que c'est ma fille qui est au téléphone, donc, je vous jure, vous passerez un mauvais quart d'heure. Donc maintenant, vous arrêtez vos conneries, ok? Sérieusement, votre émission, là, ou je sais pas quoi, là, votre délire, vous l'arrêtez. Vous allez appeler à notre numéro. Peut-être que la personne vous répondra. Ah bah oui, okay, mais... Moi, j'ai pas envie de vous répondre. Bah oui, mais c'est plus facile si vous répondez, madame. Je serai pas obligée de vous rappeler. J'ai pas envie. Écoutez, bah vous savez quoi? Je vais raccrocher, continuer à rappeler, je vous répondrai pas. Oh bah c'est pas gentil, ça, madame. Oh bah mais tant pis, alors. Ah bah non, dommage mais... Dommage pour vous. Ah bah oui. Oh, elle est pas gentille, la dame. Hein. Bah la non. Dame, vous la faites chier. Pas du tout. Ok. Bah oui, mais répondre à la question, je vous rappellerai plus. Ouais, bah non, t'as raccroché au nez encore une fois, dis donc. Hein. Bon, on va la rappeler encore un coup. Hein. D'après elle, il faut arrêter l'émission. Hein. Bah oui, bah on. Arrêtons l'émission cash, on ferme voilà. Le bordel. Bon, voilà, on arrête maintenant. Voilà, hein. C'est ça. Attends, on va rappeler encore. Oui. Oui, donc en fait, je demandais à votre femme. Allez vous faire enculer. Mais enfin, monsieur, pourquoi vous dites ça? Eh bah, ça a le mérite d'être clair au moins et rapide. Hein. Rapide, efficace. Bah oui, bon, on en fera d'autres des appels tout à l'heure, alors on parlera de tromperie au bureau. Ah bah oui. Eh ouais, ce sera dans moins d'une heure. Donc restez sur Fun Radio. Il y a Alexandre qui dit salut Mickaël. Je suis en train de glander devant la radio. Ton émission est top. Merci beaucoup, j'adore. C'est gentil Alex. Bah c'est bien de glander en écoutant Fun, c'est cool. Sophie aussi, moi je suis d'accord au resto, mais après c'est de la dictature. On est libre. Il y a Niki qui dit je peux appeler pour devenir doux. Bah oui Niki, hein, tu fais comme Siegfried t'a dit hein, sur le Twitter. Tu appelles le 01 42 48 5000 ou si t'es en Belgique le 02 851 4x0. Amandine avec l'histoire avec les cigarettes, je trouve que c'est le meilleur moyen pour enfin diminuer la diminution, Amandine. J'imagine oui, c'est que ça. T'as voulu dire enfin diminuer la clope. Et Mickaël qui dit je trouve ça super d'interdire la cigarette partout, ça va calmer tout le monde. Maëva qui dit vous m'avez grave manqué ce week-end. Moi ce week-end je suis allé à la plage, j'ai grave bronzé, j'ai aussi pris un coup de soleil. Bah bravo Maëva. Il y en a qui ont de la chance. Ouais, et Maëva qui dit tout nouveau sur Twitter, je peux avoir mon message de bienvenue. Bien sûr Maël. Alors attends, je vais t'en choisir un beau toi, comme t'es nouveau. Alors attends, hop là. Évidemment je ne connais pas ta mère. Hein. Ferme ta gueule fils de pute. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec ta mère, Maëva, je ne la connais même pas. Bon, 21h40, avant de refaire un coup, un petit tour du côté de la colle avec Lucas, avant de prendre Anthony pour parler de la clope, je propose que nous tuions Toff. A tout de suite, ah, là. Ah bah là, on y va. Là, on là va perdre, brûle pour point. Eh ben, on va pas perdre de temps. Alors, le concept, bah 5 minutes, t'as le temps, là. Largement, bah, ouais. Même. Bah largement, on t'entend mal, parce que t'as de nouveau pas ton micro allumé. Je disais oui. Voilà. Bon, on a reçu un espèce de méga fusil. C'est un nerf de compétition. Voilà. C'est un sniper. Hein. C'est un sniper, voilà, ouais. C'est ça. Et donc, c'est une machine de guerre. Le rêve de Polo, c'était de tirer dans la gueule de Toff. Du tirer dans sa sale gueule de merde. Voilà. Alors, et donc, du coup, on s'est mis en mode, Toff, il a été acheté une paire de lunettes ridicules. Et on va mettre une pomme au-dessus de sa tête. On va essayer de tirer. Il a quand même été mettre une GoPro sur sa tête. Hein. On dirait un gogol. Ah oui, on dirait. Tu vas faire de la spéléologie. Grave, grave, grave. Et donc, attends, je peux expliquer. Un jour, j'étais dans le bureau. Il était une fois petite musique d'histoire. Alors attention, petite musique d'histoire. Il y a quelques jours, j'étais dans le bureau comme ça, parce que mon bureau est à côté de celui de Toff. Donc je regardais sa gueule de merde et j'avais le nerf dans la main et j'ai regardé Toff. Et je lui ai dit, Toff, est-ce que je pourrais tirer dans ta gueule? Et là, il a commencé à faire... Après, je lui ai dit, bon, écoute, si on met une pomme sur ta tête et qu'on tire dessus, est-ce que ça te ferait kiffer? Voilà. Et là, il me dit, eh oui, faisons-le. D'accord. Faisons-le, c'est eh bien, génial. Eh bien, on va le faire dans quelques minutes, d'ailleurs, justement. Bah, le temps de prendre Lucas, tiens, pour la colle, hein, puisque Toff est pas ready. Lucas, t'es là? Ouais, je suis là, ouais. Bon, très bien. Bon, on va se faire un petit coup de colle, là, puisqu'on a un petit peu de temps devant nous, là. Allez, c'est parti. Je rappelle qu'il y a toujours les GoPro à gagner. GoPro Hero 3 Plus, ça vaut plus de 250€. Vas-y, Lucas, fais péter la colle. Alors, attends, 2 minutes. J'ai juste bougé un peu parce que je vous entends mal. D'accord, bah nous, on t'entend très bien, mais vas-y. Voilà, vous m'entendez, là? Très bien, vas-y. Alors, c'est tu aimerais m'avancer ou me reculer? Tu aimerais aussi me posséder, mais et parfois les gens en manquent. Qui suis-je? Très bien. Si vous avez la bonne réponse, envoyez Mickaël et la réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Je répète, donc tu ne peux pas m'avancer, tu aimerais me posséder, parfois les gens en manquent. Qui suis-je? Vous pouvez aussi jouer, d'ailleurs je vous ai mis la colle sur le Facebook tout à l'heure. On donnera la réponse dans une petite demi-heure là maintenant. Tapez M-I-K-L officiel sur le Facebook de l'émission. Et celui qui sera tiré au sort et qui donne la bonne réponse à l'antenne gagnera la GoPro. Si personne ne trouve la bonne réponse ou que la personne qu'on appelle eh bien ne répond pas à la question ou ne décroche pas, c'est toi qui gagneras Lucas, d'accord? Ok. Très bien. Allez, bah bouge pas de là, Lucas. Allez-y, bonne chance. Vous tapez Mickaël officiel sur le Facebook de l'émission et vous pouvez répondre donc à la question. Il y a Jeanne-Françoise qui dit on dirait un gogol pire que d'habitude, donc pour l'interrogation. Ah ouais. Vous verrez la photo pire que d'habitude. Ouais. Il y a Jojo qui dit allez, tu on t'off. Et là, Elien qui dit Mickaël no limites, ça rend tout de suite super heureux. Bah c'est gentil. Et fan de fun qui dit j'ai un pote qui est un sniper de airsoft. Nerf, c'est de la merde à côté. On fait avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a. Bon, Toff est prêt, attention, c'est parti. Ah mais regarde cette gueule là. Donc il a... il vient de faire tomber la pomme. Donc là, c'est parfait, évidemment. Hein. Là, c'est magnifique. On va donc faire la photo maintenant, live and direct. Et on va même faire une petite photo de Toff avant le drame. Comme ça, vous allez pouvoir voir directement à quoi ça ressemble sur le Facebook de l'émission. Avant que la vidéo n'arrive, on va faire une petite photo. Regarde, Toff, quand il dit « Oh, qu'il est beau !»« Oh, qu'il est beau !»« Qu'il est beau !»« Oh, quelle horreur !» Bon, alors, Polo. On peut pas avoir, c'est dommage qu'on peut pas avoir, on puisse pas avoir le son là de quand il va se prendre le flingue en pleine gueule. C'est malheureux. Alors attends, je vais quand même mettre tous les micros allumés, on verra bien. On verra bien. Allez hop, c'est parti, on y va. C'est parti, Toff. Oui. Parfait. On y va, j'enlève même la musique pour être sûr. Polo qui se trouve de l'autre côté du studio avec son heure, c'est une espèce de flingue assez violent quand même. Hein. Et c'est parti, on y va. Et Toff qui fait retomber la pomme. Oh là là. Il le fait exprès, il va la pourrir. Exactement, ouais. Alors attention. Donc, Polo, tu vises la pomme. C'est ça. Tu gagnes un pot de Nutella. Tu vises la gueule. Et là, il faut que je réfléchisse. Bah oui, c'était 50 ans de Nutella, donc on y va. Alors attention, on y va. Toff ne bouge pas. Polo est en train de viser. Va-t-il viser la gueule? Va-t-il viser le ventre? Va-t-il viser la pomme? On verra. Attention. Merde, la pomme est tombée. Voilà, c'est ça. En fait, Toff, il n'a pas la tête. Il a une tête ronde. Allez, vas-y, vas-y, Polo là. Ouais, mais la pomme est tombée parce qu'il a bougé ou la pomme est tombée parce que tu l'as visé? Il a visé la pomme? Il l'a raté. Attends, vas-y, remets. Sandro, on t'entend pas. T'allumes pas ton micro. Il l'a raté. D'accord. Allez, hop, on y va. On y retourne. Et bouge pas. Ouais! Bingo! Attends, je veux essayer. Vas-y, viens. Attends, viens. Bah, donne-moi d'ici, moi je vais tirer de là. Attends, je vais tirer de là, Il est chargé, c'est ouais, bon? Ouais, il est chargé. Attends, si j'essaye sur Sandro, peut-être, non? Non, ça va aller. Alors, attends. Attends, j'essaye de viser, hein. Ah, attendez, on est là. Attends. T'es prêt? Non, je suis jamais prêt pour ça. Attention. Ah dans la gueule. Oh, on est bon, là. Là, on est bon. Putain, c'est bien, le flingue, là. Oui. Attends, je réessaye encore un coup, là. Ah, y'a plus? Attends, j'essaye. Non, y'a pas. Je le savais. Ça c'est bon. Je suis à sec. Oh merde, tant pis. Bon bah tant pis. Je vais mettre la photo de la gueule de Toff qui est quand même assez magnifique hein, dans quelques instants sur le Facebook de l'émission, sur l'Instagram et sur le Twitter. Tapez MIKL officiel pour nous rejoindre. Il y aura le canular dans un instant. Il y a Anthony qui voulait réagir par rapport à la clope. Et puis je vous calerai aussi le son de Black Pearl, Rebelle et Sydney House. Ça sera dans un instant sur Fun Radio. Et la vidéo va arriver aussi hein. Je vous la mettrai là. 21h45, c'est MIKL No Limit. On est là jusqu'à minuit comme tous les dimanches. Bienvenue tout le monde. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. MIKL No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Toutes les nuits, au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. MIKL de 20h à minuit sur Fun Radio. En direct sur Fun avec le canular de Vincent dans quelques secondes. Il y a The Box Academy qui dit salut en direct de ma chambre. Je peux avoir un message de bienvenue, vous déchirez, MIKL. Bah merci. Mais ta grand-mère, la grosse pute au PD que tu es. Oui, je n'ai pas choisi le mot, le truc, je l'ai pris au hasard. En plus, je ne connais pas ta grand-mère. Kylian qui dit il y a vraiment une tête de con, Toff. J'ai mis la photo avec sa pomme, hein. Vous pouvez aller la voir sur le Facebook. Je suis trop beau. Ah, tu parles. Facebook, Instagram et Twitter. Tapez MIKL officiel pour nous rejoindre. Il y a Cassie aussi, je vous ai envoyé un message, mais vous l'avez pas fait. Alors, est-ce que je pourrais avoir un petit message de bienvenue, s'il vous plaît? Merci d'avance, Cassie. Si tu veux, face de sodomie, toi. Bah voilà, comme ça, tu l'as eu, le petit message. Message de bienvenue. Je rappelle aussi d'ailleurs que si jamais vous avez envie de venir vous abonner à la chaîne sur YouTube MIKL officiel, si vous vous abonnez à ma chaîne, je m'abonnerai à la vôtre. Évidemment. En toute simplicité, un normal. Petit win-win. Voilà, on dit ça comme ça. Donc n'hésitez pas, tapez l'info à tout le monde. Vous tapez MIKL officiel pour vous abonner à ma chaîne. Et donc je m'abonnerai également à la vôtre. Allez, c'est parti. On va se faire un petit canular maintenant à 21h53. Et c'est avec Vincent. Vincent qui est avec nous maintenant là. Bonsoir Vincent. Oui, bonsoir. Comment ça va? Bah ça va, tranquille. Là, je suis sur la route en train de monter sur mon point relais là. Sur ton quoi? Sur mon point relais à la Rochambrenil. Ah, ton point relais, d'accord, ok. Je me dis, qu'est-ce qu'il raconte, hein, son point René, qu'est-ce que ce truc? Donc, t'es camionneur? Ouais, enfin, chauffeur poids lourd, exactement. Chauffeur poids lourd, ouais, c'est ça. C'est quoi la différence? La différence, c'est que camionneur, lui, c'est plus le gars qui va aller faire du TP ou de la messagerie ou des trucs comme ça. C'est... Ah. Voilà, moi, c'est plutôt le gros, les gros poids lourds, en fait. D'accord, le gros poids lourd. D'accord, ok, très bien. Bon, on va faire... donc, t'appelles pour faire un petit canular, on va piéger qui?

Je sais ce que je vais faire. Je vais rentrer de tournée, je vais te faire ta mise à pied, je vais porter plainte contre toi, tu vas aller te faire enculer, toi, t'es mort et t'es vivant. T'as jamais compris, là? Non, c'est bon, mais quelle embrouille que t'es en train de me monter, là? Allô? Faire comment? Ouais. C'est Michel. Ouais, Michel va te faire enculer, parce que Vincent. Non, mais il discute avec le camionneur du Nord. C'est bon, je raccroche. Bah non, il faut pas raccrocher. Allez vous faire enculer. Putain, je suis en train de péter un câble, là. Je suis détourné. Ouais, c'est Marcel, là. C'est à moi que le camion. C'est à toi, le camion? Ouais. Putain, je suis désolé. Qu'est-ce qui se passe? Il a du mal, ton camion? Non, il a rien. Le camion, là, moi, je peux pas rouler, là. C'est tout arraché. Non, il a rien. Comment je fais, là? Le gars, il me dit, ouais, tu vas m'arranger, tu vas me trouver un camion. Non, mais il y a rien trouvé, on va faire un constat. Mais c'est rien. Moi, je peux pas dire à mon patron, le camion, il est défoncé. Mais il y a rien. C'est pas de ta faute, à toi. C'est pas ma faute, mais je devais être déjà plus loin, là. J'ai oublié de prendre la route, je me suis endormi. Non, mais t'avançais pas. Après, tu t'es endormi, tu devais prendre la route. Écoute, mon garçon, c'est pas mon problème. Moi, j'ai rien fait. Mais je sais que t'as rien fait. Prends-moi pas la tête, vous faites un constat, point. Mais on s'en branle. Eh, vas-y, rends-moi le téléphone. Mais vous êtes des adultes responsables. Mais à quoi vous jouez là? Qu'est-ce que vous faites là, putain? C'est le nom de ma boîte que vous êtes en train de pourrir. Mais vous êtes des garçons de cirque. Ouais. Vous avez fait l'école du rire, vous êtes pas dégoûté. On n'a qu'à faire transport Yves la prochaine fois. Yves Transport. Yves 2000. Mais toi, je vais te faire un... Moi, je peux faire transport Marcel. Hein. Ouais. Super transport. Non? Allez vous faire... Faites le constat. Oh non. Mais j'ai pas les papiers, Yves. Tu te démerdes. Yves, Yves, ils vont arriver, tu vas en garde à vue. Je vais porter plainte contre toi, tu vas en garde à vue. Tu vas te faire enculer. Oh, Yves, pas de sang entre nous. Quelle vulgarité. Non mais attends, mais... Bon, Yves, hein. Yves, du calme. C'est Mickaël, t'es sur Fun Radio. C'est quoi ce bordel? Y'a pas de camion. C'est piégé, Yves. C'est une blague. T'es sur Fun Radio, y'a pas de camion. Enfin, si, y'a un camion, mais y'a pas d'accident, ouais. y'a pas de riff, y'a rien. Le camion va bien. Tout va bien. Vous êtes des malades. Mais oui. Mais comment j'ai pu me faire baiser? Je sais pas. Hein. Tu te souviens, le coup que tu m'avais fait une fois, Yves? Bah là, je te l'ai rendu. Oh putain, Vincent. C'est quoi le coup qu'il a fait? C'est quoi? Non mais il est plein de conneries, c'est un mec, il est malade. Il voulait me faire partir en international et il sait très bien que j'aime pas l'international et tout, et il m'a fait croire jusqu'au jour même et tout. Et après il se permet de gueuler là derrière, genre mais quel coup ouais, il m'a fait. Il n'y a pas de casse. Attends, il n'y a pas de casse. Oh Michael, en plus je vous écoute avec l'autre teuf, le chien là. Mais vous êtes des fous. Quelle gentillesse, dis donc. Tu sais que c'était Teuf le chien qui a fait le routier du Nord. Qui a fait gros beau tort. Exactement. On va faire enculer gros beau tort. Exactement. Vous êtes des chiens verts. Oui, totalement vert. Va te faire enculer, gros bâtard. Voilà. Bon, alors du coup... Je peux avoir un message de bienvenue, moi aussi? Bah, bien sûr. Attends, on va d'abord vérifier qui repart avec le cadeau. Alors, plutôt Yves, le piégé, ou Vincent, le piégeur? C'est quoi le cadeau? C'est le casque du DJ. Eh ben, écoute, voilà. Eh ben, le casque DJ. Allez, tu sais quoi? Tu lui mets le casque de DJ, tu dis à Toff et à machin, à tout mort, bah, vous vous grattez contre le cul, qui publie, il se mettra sur les oreilles avec le dents. D'accord, moi je suis d'accord. D'accord, ok, c'est noté. Eh ben, écoute, je le fais avec plaisir. Un petit message de bienvenue en attendant. Allez, c'est plaisir. Attends, voilà. J'ai bien léché la chatte de ta mère, connard. Voilà. Au moins comme ça. C'est moyen. Oui, bah écoute, moi je choisis pas, je prends au hasard. Vas-y, Vincent, ouais. Ouais, je fais une dédicace à Sylviane, ma copine, et puis DJ Toff. DJ Toff, très bien, c'est le DJ. Mon game, pas de problème, le message est passé. Salut Yves, salut Vincent. Bande de fous. Allez, ciao. Au revoir la famille. Allez, ciao à vous. Bon, et si vous voulez faire un petit chéri, je peux... Je mélange tout. Si vous voulez faire un petit canular, on remet le couvert un jeudi. Vous nous appelez, il y a Lucas qui dit trop le canular du camion. Il y a Lucas qui dit énorme le canular. Mort de rire la gifle pour Mathis. Achetez bien mis dans ta gueule, Toff, hein. Oui, oui, j'ai beaucoup souffert. Bien violemment. J'ai encore mal. Ouais. C'était pire que la pomme. La pomme, j'imagine. Les morts de rire, ils plongent dans le canular à fond. C'est Sophie Zakaria qui dit il n'y a pas mort d'homme. Non, mais c'est vrai, il n'y avait pas mort d'homme. Hein non, bah non, c'est, y a pas c'est mort que d'homme. De la tôle. Bah là, fan de fun qui dit oh, comme il gueule le Yves là. Je suis pété de rire avec le camion pour Kevin. Il y a Pauline qui dit connard de camionneur. Vous m'avez tué, bande de fous. Le mec, il est énervé, je crois. Oui, je pense aussi qu'il était un petit peu énervé. Hein, on est d'accord. Nathan qui dit ah là, énorme le canular, ça partait en vrille. C'était énorme. Et Laura aussi. Je suis plié de rire avec le canular, vous êtes une bande de ouf. Et Clément aussi, il va faire une crise cardiaque, le patron. On le recollera, je suis plié en quatre. C'est fun de fun. Il y a Marinette aussi, tof. Et il y a le tête de cul avec son t-shirt de merde, il est horrible, putain. Bah oui, mais comme ça, vous pouvez voir à quoi il ressemble. Hein. Facebook, Instagram, Twitter, avant qu'on lui tire dessus, enfin, on lui a déjà tiré dessus, mais avant qu'on lui tire dessus, il y a la photo donc, hein, vous pouvez aller la voir sur le Facebook de l'émission, l'Instagram et le Twitter. Vous tapez MIKL officiel. Vous restez là. Je vous cale comme promis le son de Rebel et Sydney House, ce sera Black Pearl. On va récupérer Anthony pour parler de la club comme promis, Nathan qui voulait donner son avis, Joël également, la bonne nouvelle, Joël de Bruxelles, vous vous souvenez ? Eh ben, elle va nous donner son avis dans quelques minutes, vous restez bien là, c'est Fun Radio, Mickaël No Limit, on est là jusqu'à minuit car oui, il y a enfin quelque chose à écouter le soir à la radio et c'est sur Fun Radio que ça se passe tous les soirs. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle, envoyez M-I-K-L, suivi de votre message au 64 900 par SMS. Mickaël No Limit, de 23h à 2h sur Fun Radio. Allez, on arrête la pub, on est de retour sur Fun. Toutes les nuits, au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. MIKL de 20h à minuit sur Fun Radio. Et dans un quart d'heure, on se fait encore les appels de Toff là. Donc si vous en avez des idées là, n'hésitez pas bien sûr. Et si vous avez des numéros de téléphone de gens qu'on peut appeler ce soir ou même de toute la semaine, hein, n'hésitez pas sur le mail de Toff. Vous envoyez les numéros de téléphone toph@funradio.fr. Message d'Akim sur le Facebook. Vous êtes trop fort, je peux avoir un message de bienvenue. Si tu veux, face de Sotomica. Bah voilà, Akim. Hugo également, c'est quoi ta page Twitter pour te suivre? Bah c'est pas compliqué, c'est MIKL _ officiel. Et le underscore, c'est le petit tir en bas. Et si tu me suis, je te suivrai également, Hugo, ainsi que tous les autres. Cédric aussi, mort de rire, le canular, c'était trop fort. Pareil aussi pour The Box Academy. Et Arnaud qui est en direct de Suisse, petit message de bienvenue pour un Helvète. Bah. Mais va niquer ta grand-mère, la grosse pute, au PD que tu es. Évidemment, je ne connais pas ta grand-mère, ça n'a rien de personnel, Arnaud, bien entendu, tu l'auras deviné. Delphine aussi, bisez, bon courage, toutes les infirmières vous écoutent, merci de nous t'y réveiller. Ah. Écoute, avec plaisir, Delphine, hein, nous, bah, on peut rendre service aux infirmières. Hein. Bien sûr, s'il y a 2-3 infirmières qui ont besoin d'un coup de main pour être réveillé, je suis bien entendu. Disponible. C'est toujours avec grand plaisir. Bah évidemment. 22h12 sur Fun Radio. Soyez les bienvenus si vous débarquez. Si vous débarquez, il y a Anthony, il y a Nathan, il y a Joël qui voulait réagir par rapport à la clope. Ce sera dans quelques minutes. Et puis en attendant, si vous êtes sur Fun Radio, peut-être pour la première fois, sachez que vous êtes les bienvenus. C'est Mickaël No Limit. Car oui, il y a enfin quelque chose à écouter le soir à la radio. C'est de 20h à minuit le dimanche et de 23h à 2h tous les soirs de la semaine. On écoute maintenant Rebel et Sydney House. C'est Black Pearl. Mickaël No Limit, le dimanche soir, 20h minuit, sur Fun Radio. Fun Radio. Et en direct avec à 22h15 avec le son dans quelques minutes, là, Davichi. Je vous le cale dans moins d'un quart d'heure, Avicii avec Lay Me Down. Ça va être du lourd. Et il y a un message de Maeva qui dit mon tofouné, il est trop beau, je t'aime mon chouchou. On mais salue oui, évidemment merci, tous Maeva. Nos amis de la Ligue Braille qui nous écoutent ce soir. Enfin quelqu'un Thomas de bien. Thomas également, trop envie de vous rencontrer et de faire la soirée de dingue avec vous. Ce serait top, bonne soirée. Bah quand vous voulez, hein, quand tu veux Thomas. Il y a Nicolas aussi qui salue, j'écoute l'émission depuis 3 ans. Est-ce que je peux avoir un message de bienvenue? Alors Nicolas, pour t'expliquer qu'on est même pas là depuis 1 an. Donc faudra quand même m'expliquer comment tu nous écoutes depuis 3 ans. Et alors un message de Wattie Boss qui dit une dizaine de merdes putain en 1 minute. Ah oui, c'est par rapport ouais, au boss, canular. Le canular, là, le patron qui avait dit merde, enculé, putain, fais chier. Il était d'une violence quand même, c'est assez violent, effectivement. Et Sarah Svati qui dit le cousin de Toff, oui, une ressemblance, mais il manque le sourire. Oui, le cousin de Toff, c'est donc celui que j'ai rencontré ce week-end. J'étais persuadé que c'était Toff, et en fait, non. J'ai fait un selfie avec lui, et après, le gars me dit, bah non, en fait, c'est moi, je suis pas Toff. Mais son cousin. Et c'est normal que tu as pu le confondre parce que Toff a une espèce de veste en poil comme voilà, ça. Voilà, exactement. Ouais, il adore la mettre pour aller sortir en boîte de night. J'adore. Donc si vous voulez voir la photo, elle est sur le Facebook de l'émission. Allez la voir. Hein, vous tapez MIKL officiel. C'est aussi simple que ça. Il y a Tania qui dit c'est pas sympa pour l'âne cette comparaison. Et Laura qui dit j'ai vu la photo de l'âne, il ressemble beaucoup mais je préfère Toff. Oh, énorme merci, ressemblance Laura. Pour Nicolai. Et alors message de Marilyn qui dit aujourd'hui c'est mon anniversaire et je suis seul. Oh. Génial. Oh attends, on va te mettre une petite musique pour ton anniversaire alors attention. Oh, voilà. Bon anniversaire Marilyn. Je suis la suite en nuit. Ah oui. Voilà. Et bon anniversaire Marilyn. Voilà, tu vois, t'étais pas vraiment seule au final. Et Annie qui dit un air de famille, les mêmes yeux, dommage on ne voit pas les dents du selfie, c'est dommage. Et Nicolas qui dit bonsoir Mickaël, est-ce que tu penses que Toff est dingue de fouet quand il parle mal aux femmes? C'est Yvan. Oui, je pense qu'il aime bien les fouets. Ah mais... oui, j'adore me faire fouetter, surtout sur les croix. Bah, je pense aussi, effectivement. Surtout sur les croix. Anthony est avec nous maintenant, de Haute-Savoie. Salut Anthony. Salut. Salut. Salut. Comment ça va Anthony? Ça va et toi? Bah écoute, plutôt pas mal. Hein, là, le beau temps est de retour, tranquille, pépère, à la cool, bien quoi. Bon week-end qui vient de passer. Et, ah ça va. Ah bah ouais, plutôt moi, cool. J'ai la pluie donc... Ah bon, il pleut en Savoie? Ouais. Non, t'es sérieux? Ouais, non, je te jure. Oh merde. C'est bien voilà. Fait pour votre gueule. Oh bah écoute, c'est pas grave, hein, ça, le soleil brillera un jour ou l'autre, à mon avis. Bon, Anthony, alors, toi tu nous appelais par rapport à la clope, puisque je rappelle qu'à Melbourne, c'est en Australie, ils ont décidé d'ici 2016 de supprimer totalement la clope partout en ville, sauf à la limite bah, chez vous, la maison, ça vous pouvez encore fumer, mais je veux dire, sinon, dans les rues, dans n'importe quel endroit, en fait, c'est pas compliqué. Hormis chez vous à la maison, vous ne pourrez fumer nulle part. En gros, c'est ça. Et ça, ce sera à Melbourne d'ici fin 2016. Et du coup, bah, je vous ai demandé votre avis. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire pareil chez nous? Donc, bah, vous avez été nombreux à appeler le sondage. Vous avez encore la possibilité de nous appeler d'ailleurs. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Quel est ton avis, Anthony? Bah, franchement, personnellement, je me vois pas en train de pas fumer dans la rue, m'interdire de fumer dans la rue une cigarette. Bah, tu prends une amende, quoi, si tu le fais. Hein. Oui, je serais très bien, ça, mais ce serait complètement con, personnellement. Que, par exemple, je serais avec mes amis dans la rue, on fume une cigarette, et on me dit non, c'est interdit, on met une amende. Ouais, c'est comme tu pisses dans la rue, c'est 35 euros, mais on te met jamais l'amende. Ouais, mais bon, non, mais là, t'inquiète pas, je donne pas là-bas. Oui, ouais, j'en doute pas. En fait, c'est-à-dire que là, je crois que si mes souvenirs sont bons, dans les années 50, il y avait quand même 50% de fumeurs, et que là maintenant, parce que c'est un des endroits au monde où c'est le plus strict en termes de clopes, ils sont descendus à 15% de fumeurs, et grâce à ça, ils aimeraient bien arriver à moins de 10% de fumeurs dans la ville. Donc ça marche dans l'idée. Le but c'est ça en fait, le but c'est qu'il y ait moins de gens qui fument, hein. C'est pas juste le plaisir de faire chier le monde. Enfin, ouais, mais est-ce qu'on pourra toujours fumer du shit? J'en sais rien, je sais pas si c'est autorisé là-bas ou pas, donc je crois pas, non. Donc toi ça te ferait chier? Non, moi ouais, personnellement. D'accord. Ouais. Bon, alors... Après c'est au niveau de... Moi je pourrais pas tenir dans la rue peut-être une journée entière, je vais dans la rue, je marche et je pourrais pas arriver à fumer une cigarette en pleine rue. D'accord. Pas. Ok, pourquoi pas, c'est ton avis. Attends, on va demander également l'avis de... Ah bah super. On a Joël également là maintenant de Bruxelles. Allô Joël. Bonjour. Ah, toujours là pour le petit avis bien entendu. Hein. Ça va Joël? Ah, c'est star. Ah, bon. Alors Joël. Oui. Bon, je pense que ça va être le meilleur avis qu'on va avoir. Ah oui, avoir. Alors attention, écoutez bien. Bon, alors quel est ton avis toi par rapport à cette question? Eh bien voilà, moi je trouve qu'on doit respecter les gens qui ont envie de fumer et ceux qui n'ont pas envie de fumer. Ouais. C'est-à-dire faire des endroits non fumeurs et des endroits fumeurs. Ouais. Donc ça veut dire qu'en fait on fera un côté du trottoir fumeur et l'autre côté de la rue il sera non fumeur. Voilà. Non, on fait une galerie souterraine, t'as raison. Ouais. Les fumeurs en dessous. Non, mais tu sais, Joël, le problème avec cette règle, c'est que je sais, effectivement, dans l'absolu, ça paraît un bon compromis. Mais imagine, il y a un groupe. Dans ce groupe, il y a deux fumeurs, dont non-fumeurs. Qu'est-ce qu'on choisit? On va du côté fumeur ou du côté non-fumeur? Et autre exemple... Non-fumeur. En tant que fumeur, j'y choisirais non-fumeur. Bon, bah, c'est très bien. Et autre exemple que j'ai déjà donné... Et même au restaurant, je serais accommodé, je le dis franchement. Et autre exemple que j'ai déjà donné tout à l'heure, là, les beaux jours sont de retour, il y a des terrasses... Et donc forcément, bah du coup, tu te dis, bah j'ai envie d'aller me mettre en terrasse, au soleil, etc. Sauf que du coup, bah c'est devenu un fumoir la terrasse, donc c'est invivable d'y rester. Je parle en tant que non-fumeur. Hein. C'est juste, c'est super chiant d'y rester et t'as envie de te dire. Ouais. Ah non, tu m'interromps. Bah, j'avais pas remarqué. Vas-y, dis-moi. Non, Joël, elle fait pas ça. Tu fumes pas toi. Non. T'as jamais fumé? Jamais. Jamais, je n'ai jamais mis une cigarette sur mes lèvres. Eh ben, c'est pas quoi, moi j'ai arrêté de fumer pendant 7 ans. Bah, tu devrais essayer, Mickaël. Ouais, c'est super, ouais. Non, c'est 7 ans, et je me suis dégoûtée, je me suis parfumée pour pas puer la cigarette. Et alors. Pour, avant de nous appeler, ça c'est bien, Joël, c'est sympa. Je te jure, ça marche, hein. Ouais, ouais, bah, c'est ça, là, d'ailleurs. Des gens positifs qui ne fumaient pas. D'accord. Pour tenter. Et après ça, quand j'allais même à l'arrêt du tram ou du bus, hein, ça m'accommodait. Et du coup, je suis arrêtée de fumer. Eh ben, t'as arrêté de fumer, c'est une bonne idée. Ouais. Bah, attends, on avait. Bah, voilà. Attends, d'ailleurs, je vais remettre un peu de parfum, là. Mais il faut respecter quand même les gens dans la rue. Parce que, juste de dire quelque chose, hein. Attends, excuse-moi. Dans Bruxelles, propreté, hein. Ouais. Quand tu vois tous les mégots dans la rue, ça te donne envie de vomir. Mais tous oui, les mégots, les cadavres, là, c'est dégueulasse. Oui, parce qu'à Bruxelles, il y a beaucoup de mégots qui sont en décomposition. Attends, Joël, c'est ça qui est bien parce qu'en fait, tu peux parler en même temps qu'elle, elle s'en rend pas compte, et c'est ça qui est fort. Quelle horreur! Putain, je deviens ouf! Une petite boîte, point à la ligne. Voilà, bah c'est parfait. Tu veux c'était dire génial, Joël. Et là, c'est un respect pour attends, parce qu'il y a Popolo qui voulait donner son avis. Attends. Mais je crois qu'on devrait, t'obliger à être poli, toi. Oh là là, c'est improbable. Mais Mickaël, t'as appuyé sur le bouton, tu nous fais une vanne. Qu'est-ce que t'as mangé aujourd'hui, des lions, quoi. Mais et toi? Bon. Stop. Shut up your face. Don't worry, it'd be happy. Oh là là. Même ça, n'arrive pas à faire, quoi. C'est pas que... Tais-toi. Non, c'est pas l'heure. Tais-toi. Ok, je t'écoute. Oh, vous avez entendu la vanne de merde. Tais-toi. Mais attaque. Ah, c'est pas l'heure, le thé. Un, deux, trois, on y va. Ah, t'as pas quand, là. Bon, Joël, du coup, tu nous as donné ton avis, là. Ah bon, ton avis. C'est fini, là, ou pas? Je pense, oui. Eh ben, c'est génial. Arrêter de fumer, il faut se faire dégoûter et être préparé. Voilà. Ah, toi, tu nous as dégoûté, toi, déjà. Ouais. On va plus fumer, t'as raison. Ah bah, merci. Là, c'est sûr. Bon, on est quand même une équipe fraîche. No smoking, hein. Ouais. Mais il faut changer de marque de cigarette. À part Sandro qui fume des poils de cul. Arrêter tout et fréquenter les gens positifs qui ne fument pas. Voilà. Et beaucoup sortir. Non, mais elle parle. C'est arrêté. Tout à fait. Bah, elle parle. Oui, parce que. Bah, très bien. Bien sûr, je vous avais dit. Oh my god. Oh, bien good. Je vous avais dit que Joël, c'était la vie tranchée. Ah bah. Bon, allez, salut Joël, on va pas te déranger plus longtemps. On sait que t'as beaucoup de travail. Tu ne déranges pas. Si, je sais. En plus, il est poli, c'est bien. Non, t'es poli, c'est bien. Bon, salut Joël. Allez, un dernier mot ou pas? Non. Surtout pas. On a Kat qui est avec nous maintenant de Hans. Salut Kat. Tu devrais faire une pause. Non, ça ira. Pourquoi? C'est la même. Quoi, non, quitte Kat. Kat. Ah oui, une pause. Non, mais non, elle a pas fait de vanne pour ça. L'autre, il a trouvé une vanne où il y avait pas de vanne. C'est parce que Kat était un peu... Attends, on va demander Kat. Une anse. Dis-moi, où est la tasse, le reste de la tasse? C'est drôle, ça. Ouais, j'aime bien. Non, Kat. Mais déjà, regarde son âge, Mickaël. Bah oui, mais enfin bon, 3017 ans. Kat. Ah bah oui, c'est moi. Ah bah quand même. Allô, M-I-K-N. Oh, t'es dit, mais un disque. Bon, on fait une pause. Kat, reste avec nous, là. 2 secondes, on va te reprendre dans un instant. Je suis pas prêt pour 2 d'affilée, je peux pas. 2 d'affilée, là. Ah non, là, 2 d'affilée, je peux pas. Faut m'écouter, quoi, je te... Bah ouais, bon, Kat. Kat. C'est laquelle que tu demandes, là? Ah, parce que vous êtes 2 dans son corps, oui. Peut-être moi, même plus. Pas de... T'es où? Moi, je suis de Bruxelles. Ah, d'accord, ok, parce que Sandro a mis 3017 ans et moi, je pensais que t'appelais de Hans. D'accord, ok, parce que c'est une ville aussi. Donc, peut-être à Bruxelles, très bien. Donc, c'est à toi que je voulais parler, Kat. Enfin, mais pas maintenant. Hein. Tu voulais parler de la clope, toi, c'est ça, hein? Ah oui, de la zig. De la zig, d'accord, ok. Alors, Kat, ne bouge pas. Je pense que tout va bien se passer. Nous sommes dans une faille spatio-temporelle. Et tu sais quoi, j'ai un peu d'avance. Donne la réponse à la colle. Alors, Lucas est avec nous. T'es là, Lucas? Non, Lucas, il s'est suicidé, je pense. Ah bah oui, il a raccroché. Attends, on va le rappeler en il direct. Il s'est pendu avec son téléphone, le pauvre garçon. Ouais. Attends, on va le rappeler en direct. Hein, voilà, là, je pense que ça a coupé au même moment. Là. Il m'a fatigué là. Ah ouais. C'est les 5 dernières minutes. Oh là là, m'a tué. Paf. Ouais, je suis là. Ouais, Lucas. Bah oui, ça a coupé, c'est pas grave. Alors Lucas, t'étais là pour la colle, toi. On va donc appeler maintenant un éventuel gagnant ou gagnante afin de voir si il ou elle a la bonne réponse à ta colle. Si c'est le cas, il repart ou elle repart avec la GoPro. Si c'est pas le cas, c'est toi qui gagne. On y va, c'est parti, on l'appelle. Lucas, je te souhaite bonne chance. Merci. Et puis on écoutera le son de Avicii. Ça va être du lourd, ça. Lay Me Down à suivre. Allez, déjà ça ne téléphone pas, donc on est plutôt bien là. Eh ben c'est parfait. Ah voilà. Allez. Voilà, ça ronfle. Allô ? Oui. Oui, bonjour, comment tu t'appelles ? Jean-Fabien. J'ai entendu, j'en sais rien. J'ai dit, ça y est, l'autre, c'est un ouf. Alors, c'est Jean-Fabien ou j'en sais rien ? Ah, il est dans un moteur de tracteur là, ouais. Je pense, ouais. Non, il y a des grenouilles, il y a des grenouilles, ça fait crac. Bon, comment tu t'appelles ? J'en sais rien. Je sais pas qui je suis. Non, mais j'entends rien. Comment ? Jean-Samuel. Ah, Jean-Samuel. Ah, bah, c'est encore pire. Jean-Samuel, parfait. Bon, alors, JS. On va donc demander à Lucas de répéter la colle. Vas-y, Lucas. Alors. Tu aimerais m'avancer ou me reculer, tu aimerais aussi me posséder et parfois les gens en manquent. Qui suis-je ? Alors Jean-Sam. Alors JC, JS. Le temps. Le temps, Lucas. Ouais, c'est ça. Et ben voilà. Eh ben bravo à toi JS, la GoPro elle est pour toi, Hero 3 Plus, on va t'envoyer ça. Hein. Ah bah c'est super, je vous remercie bien. Mais attends, mais t'es avec des grenouilles là, non ? Ah, c'est parce que j'ai un Bluetooth et du coup, ça coupe la ligne. Ah, t'es en Bluetooth. D'accord, ok, ouais. Très bien. Ça a l'air très au point. Prends du sirop pour la toux. Bon, ben Jean-Samuel, on va t'envoyer la GoPro. Je t'envoie chez Sandro au standard, d'accord ? D'accord, merci bien. Salut à toi et bon week-end. Bon dimanche à l'écoute de Fun. Lucas, malheureusement, c'est perdu. C'est pas grave, tu retentes ta chance quand tu veux. Ok, ça va. Bon, salut, hein. Salut, et est-ce que je pourrais passer une petite dédicace ? Bon bah alors vas-y, il y a une seule personne, t'aurais gagné ça au moins, vas-y, je t'écoute. J'aimerais dire à ma copine que j'aime plus que tout. Oh, t'es avec elle là ou pas ? Non, je suis pas avec elle. Ah bah non, elle est avec un autre. D'accord, ok, bon bah écoute, je te souhaite bonne chance. Merci. Salut, elle nous a dit qu'elle pensait fort à toi. Oui, bien sûr. À bientôt, Lucas. Et puis, si vous voulez participer, si vous voulez poser une colle également, n'oubliez pas, vous pouvez bien sûr poser la colle sur le mail de Sandro. Sandro@funradio.fr. Avant d'écouter le son de Avicii, il y a Lali qui dit putain, elle fait que parler la vieille, elle est trop chiante. Et voilà la doublette, deux pour le prix d'une. Oh putain, on n'était pas aidé là. Stéphanie qui dit putain, mais les meufs, elles ont pris quoi ce soir ? Ben, je ne sais pas. La pause s'impose pour Nadia. Oui, je pense également que ça fera du bien à tout le monde. Hein. Oui. Ouais, oui. Ça fera du bien à tout le monde. Les appels de Toff à suivre dans quelques minutes. On aura tout à l'heure aussi le match d'impro. On aura des cadeaux pour vous. Et puis bonne nouvelle également pour les doux. Si vous êtes à l'écoute maintenant les doux là, restez bien là, je vous donne une bonne nouvelle après le son d'Avicii, Lay Me Down. Qu'est-ce qu'il est énorme le nouveau son d'Avicii à l'instant. Vous avez découvert sur Fun Radio, c'était Lay Me Down. Déchirez vos livres et vos cahiers. Pissez dans l'encrier. Coursez vos profs dans les couloirs. Écoutez Mickaël tous les soirs. Oh my god ! Mickaël, No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Vous êtes reposé ou pas là, c'est bon ? Ouais. Après ouais. Le passage de notre ami Joël, on va avoir 4 dans quelques minutes. Tu peux pas faire un appel avant ? Bon, on va faire les appels, ouais, je pense. Je pense. Il y a Nadia d'ailleurs qui a envoyé un message sur le Twitter. Elle a dégoûté, je suis arrivé avec 2h20 de retard. Autant dire que j'ai loupé plus de 120 minutes. 120 minutes, pardon, de bonne radio. Ah bah oui, Nadia. Oui, comment ça se fait ? Bah, je ne sais pas. Justine également, Fun Radio, so perfect. Oui, presque, parce que dans toute perfection, il y a un problème et nous, on a toffe. Oui. Voilà, c'est une espèce de petite. C'est une espèce de verrue. C'est voilà. Le chancre, ouais. Exactement, ouais. Le champignon. Ouais, il y a Marlex aussi qui dit moi, je me tape une barbe, tant mieux. Trollol, la Joël, c'est Cassie. Romain qui dit ils interdisent tout et n'importe quoi là-bas. GTA est interdit d'ailleurs en plus. Ah, bon, je sais pas. Et Jeanne-Françoise qui dit fumez-vous les uns les autres et tout ira mieux. La cigarette électronique aussi est interdite à Melbourne. C'est une question de Romain. Je ne sais pas du tout, tiens, aucune idée. Hélène qui dit à Melbourne, ils sont fous, ça sert à rien. 2/3 des Parisiens fument, alors ça passera jamais. Je suis pas sûr qu'il y ait 2/3 des Parisiens qui fument, mais bon, peut-être. Stéphanie qui dit, si je pouvais pas fumer en buvant mon café en terrasse, je serais bien malheureuse. Eh ben, moi, c'est pareil. Quand je bois mon café en terrasse, je suis bien malheureux quand j'ai la clope en pleine gueule, mais bon. Ouais. Il y a Félix aussi, je rentre de la boule, un petit coup de pelle pour me réveiller. Merci l'équipe. Bah, comment c'est que t'es fatigué? Attends, un petit coup de pelle. C'est le soleil, voilà. Hein, ça fatigue. Ah oui, il y a peut-être de ça, effectivement. Bon, allez, on va continuer les appels de Toff maintenant avant de récupérer Kat qui voulait réagir à la clope. C'est parti donc pour les appels et on va parler de tromperie au bureau. Oui, bah enfin, on s'est rendu compte que c'était sur le lieu de travail que les gens trompaient le plus. Ouais. Et que c'était encore pire pendant les voyages d'affaires ou les séminaires. Exactement. C'est-à-dire que tous les collègues couchent entre eux. Voilà, donc on appelle des gens grâce au numéro que vous envoyez. Non-stop hein, sur le mail de Toff, continuez d'ailleurs. Toph@funradio.fr. Allez, c'est parti, on y va, 22h36.

C'est oui, c'est mignon. Si vous voulez profiter, offrir le coffret avec des soins pour le spa, des cours de pâtisserie. Ça, c'est un très bon plan. Ah bah oui, c'est le meilleur. Très bon plan. Croisière sur un voilier, baptême en hélico, etc., etc. Donc, si jamais ça vous intéresse, je veux un doux au téléphone. Donc, le doux est un petit qui n'a pas encore mué. C'est ça. Comme à cette heure-ci, normalement, il doit dormir. S'il m'appelle et qu'il nous passe sa mère, et qu'il se fait engueuler accessoirement, il repartira avec le coffret Wonderbox I Love Maman qu'il pourra offrir à maman de manière à ce qu'elle se calme. Voilà. Ou à sa meuf, après, c'est comme ça. Donc, si vous êtes un doux et que vous voulez faire plaisir à maman, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. On vous offre ça ce soir avant minuit, donc vous pouvez nous appeler les doux. Allez-y. Et faites attention, les doux, parce que, enfin, même les gens qui veulent tricher, se faire passer pour des doux, on a le nez. On a une machine, on a le. Exactement. On a le doux, doudard. Voilà, le doudard. Bon, 4, allez, c'est parti. 4 de Bruxelles. Oh merde, c'est pas, je m'en vais, je me casse, les gars. Non, mais non, oui, mais non. Ah, t'es là, 4? Oui. Ça va? Oh, ça va être oui, dur. Je vais bon, bien. Alors, tu voulais réagir par rapport à Melbourne, où pour fin 2016, ils ont décidé d'éradiquer toutes les clopes donc, de Melbourne, puisqu'on ne pourra plus fumer que chez soi à la maison, plus à aucun autre endroit dans la ville. Il y a Kalash qui dit « Ouais, il faut faire pareil en France, quand j'ai les odeurs de cigarettes, moi ça me dégoûte. » Il y a un message aussi qui est arrivé, où est-ce qu'il est, je ne sais plus, c'est pas grave, je vais le rechercher, je le dirai après. Quel est ton avis, toi, Kat? Bon courage. Bien, je dis bon courage à vous. Ben, bon courage à toi. Oui, la charia contre la cigarette, ça devient une grosse chérie. Non, ne mélange pas tout, ne mélange non, pas, n'utilise attends, pas des termes comme charia avec ça. Ça n'a oui, rien à voir. Si je peux, si je peux. Mais si non, peux. Tu ne peux pas. Si ça, si ça, peux. Mais non, parce qu'en fait, c'est pour leur santé. Bon. Et pour qui? C'est pour Monsieur Santé, c'est un mec on très va, sympa. On va trinquer. Bon, 4, alors donc, vas-y donc. Et bien justement, pour la santé de tout le monde, je vais également éliminer les imbibés au blond. Les gens qui les boivent de la bière, parce que madame a des, élans poétiques, elle se prend pour un écrivain voilà. De talent. Non, mais attends, les hybrides, les barbares, l'intérieur de la machine à paix. 4. Les pervers du bulbe et les solitiques merdeux. Donc tout ça, on élimine aussi. Ah, c'est la même que l'autre. Parce mais vous que êtes tout sœur. Ça est très mauvais pour ma santé. Oui. Il y a plein de trucs qui sont mauvais. On parle pas de ce qui est mauvais. Le diesel, c'est pas bon pour la santé. On parle de la clope, là. Pas de boire, pas du reste, etc. Oui, mais moi, j'en parle. Oui, mais on s'en fout. Il y a des mecs mais qui fument oui, leur voiture. Mais moi, je m'en fous pas. Mais non, mais on parle... Mais attends, mais... Kat, moi, je me Kat, fous de Kat, ceux qui ne supportent pas la fumée en plein air. Kat. Là, on parle de la clope, Kat, c'est comme oui, si c'est on parle hilarant, de la clope et qu'il y a quelqu'un qui arrive mais derrière moi, et qu'il dit et qu'il y a quelqu'un qui arrive derrière en disant ouais mais moi j'aime pas la peinture rouge sur le mur, mais quel est le rapport? Mais le rapport c'est que tu me parles de santé. Non, pas du tout. Hein. Moi, non, je te parle pas de santé. C'est moi qui l'ai dit, ouais. Je te parle pas de santé. Moi, je te parle de la cigarette qui est interdite, enfin, qui va être interdite à Melbourne. Bah oui, mais tu m'as partout. Bien parlé. De bon, santé, je porte là. Plainte contre 4 pour appel malveillant à caractère pornographique. Voilà, c'est ça. D'accord. Non mais, okay. Non mais 4, toi, t'es fumeuse. Parle, non, là, c'est Polo. Mais c'est en parlant de santé, est-ce qu'on peut aller boire un verre? Non, pas du tout. Ah pardon. Ah bah voilà, tu vois. Hop là, pas. Mieux au placard, ça c'est bon ça. Dans ma gueule, ça c'est bon. Bon, 4, donc toi, t'es fumeuse. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça. Pourquoi tu dis pas simplement moi je suis contre et j'ai envie de fumer et c'est ton droit. Au lieu de me dire ouais mais alors il y a les mecs qui fument, qui boivent, bah ça c'est pas bon non plus. On s'en fout, c'est pas le débat. Mais non, mais moi je m'en fous aussi. Enfin ce débat n'a ni qu'une idée de Kantoff. Mais non, pas du tout. C'est simplement parce que tu comprends pas le propos, tu comprends pas. Ah c'est ça, c'est parce qu'on n'a pas compris. Ah on n'a pas compris. C'est parce que vous êtes un petit peu sur votre truc là de Melbourne, mais bon, moi je passe au-dessus du sujet, tu oui, vois. Oui, tu passes au-dessus, un peu plus loin. Mais elle est bien au-dessus, hein. Tu vois, elle est pas terre à terre, tu vois. Elle est au-dessus, tu vois. Elle a réussi à prendre, comment dire, de l'envol par rapport à tout ça. Ok. Ouais. T'es un petit oiseau. Exactement. Et donc du coup, donc toi t'es fumeuse et t'as envie de continuer à fumer, voilà. Donc t'es contre la loi de Melbourne. Bah, je m'en fous de Melbourne à la limite, tu vois. Moi, je suis contre la loi qui interdit de fumer, tout simplement. Mais oui, elle est contre la loi qui interdit d'interdire. Voilà, c'est qui ça. Elle-même est interdite. Voilà. Parce que Melbourne, c'est un exemple. Je m'en fous aussi de Melbourne dans l'absolu, tu vois. Je vais pas y aller demain. Enfin, techniquement, c'est tellement loin, si tu veux, que bon. Mais c'est juste pour savoir si on devrait ou. Mais merci, merci, Kat. Ouais. Eh, merci d'avoir appelé. En tout cas, le message est passé. De toute façon, ton avis est donné. Ah oui, mais il est tellement percutant en plus. Voilà. Bah, je te fais des gros bisous, Kat. Mais moi de même. Eh ben, à bientôt. Ouais. Salut, Kat. À bientôt, Kat. Arrête de fumer des plantes. Dans, on fera le... Dans pas longtemps, je suis perturbé, ça m'a perturbé. On va se faire le match d'impro dans quelques minutes. Ah oui. Ouais, si vous voulez participer au match d'impro, bah vous nous appelez maintenant. On a des... qu'est-ce qu'on a à vous offrir ce soir au match d'impro? Tiens, dans le match d'impro... Ah oui, on a les Divoom Voombox et les enceintes d'extérieur Bluetooth et waterproof. Oh, c'est bon que ça. Vous pouvez aussi utiliser à l'intérieur. Mais si vous l'utilisez dehors, tout près de la piscine, tout près à la plage par exemple, bah, ils sont waterproof, donc ils risquent rien. Et en plus, ça, ils vont plutôt pas mal. Ça vaut 100 euros. Et on vous les file. Pour ça, il faut être bon. Match d'impro. Le principe du match d'impro est très simple. Un auditeur, une auditrice, vous vous affrontez en improvisation. On vous donne un sujet. À vous d'aller jusqu'au bout du sujet pendant 2-3 minutes. Et il faut que ça termine en scène pornographique, en scène de cul. D'accord ? C'est normal. Si vous voulez jouer, vous nous appelez 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Je vous souhaite bonne chance. On va s'écouter le son de Pharrell Williams dans un instant, Marilyn Monroe. Et il y a Cassie qui dit après Joël, il y a Cathy, la totale, pété de rire. Ah bah ouais, là c'était chaud quand même. Et la Ligue aussi qui dit à Toff que je l'aime. Ah bah, moi aussi je t'aime. Tu as le droit d'avoir mauvais goût. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Ah, j'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux. Alors, que Mickaël, nos limites dure longtemps, qu'il continue à nous faire rire et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou d'un vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Oh my god! Mickaël, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. Exactement, et je vous cale le son de Pharrell Williams à suivre. Et bonne nouvelle également, on est au cœur d'une heure sans pub. Tranquille, ça, c'est beau, tranquille, ouais. Je vous calerai d'ailleurs aussi, on l'avait demandé sur le Twitter, la Calvin Harris avec Summer. Et si vous voulez des titres en particulier, bah, n'hésitez pas à demander, il reste une heure d'émission. Hein, donc hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission, n'hésitez pas. Et il y a Fritri Alba qui dit « Salut Mickaël, tu as aimé le Morito, la prochaine fois je t'envoie un Meat Bel Canto sauce Morito. » Ah, sympa, il veut aussi lancer la mitraillette, donc c'est le sandwich là. À la sauce Morito, bah, je suis curieux de goûter la Fritri Alba. Ouais, parce que la Fritri Alba, quand on a fait l'émission en direct de la friterie à Charleroi il y a un mois, je pense, un peu plus d'un mois, je crois. Ouais. Bah, il m'avait offert pour mon anniversaire un espèce de truc de 2 litres de Morito, comment on appelle ça, un cubi de Morito que j'ai ouvert ce week-end et bon, il malheureusement s'est bourré la gueule. Non, pas du tout, j'ai bu 2 verres et bon, il y a mon ami photographe qui est venu qui m'a flingué le reste ce matin. Cet après-midi je me suis dit tiens, je prends un petit verre avant de partir et bah vide. Ah non, ouais. Il a tout bu. Non, pas tout, mais presque. Donc voilà. Quel gros porc. Mais oui, bah qu'est-ce que tu veux. Donc du coup, non, mais dans l'absolu, bon, effectivement. Et donc du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait un 7-Up, un auditeur qui m'a envoyé la photo d'une bouteille de 7-Up saveur Morito. Donc ça, c'est quand même cool. Et cet après-midi, je m'arrête à la pompe à essence sur l'autoroute. Je me dis qu'est-ce bon, qu'il y avait. Je vais quand même aller prendre une petite glace. Tu vois, il faisait chaud et tout. Je voulais prendre un Magnum. Et qu'est-ce que je vois? Une glace Morito. C'est pas vrai. Figure-toi. Je cherchais une pute moi ce week-end et je suis tombé, devine quoi, une pute saveur Morito. Eh bah tu vois, c'est quand même pas mal. Donc du coup quand même pas mal. Bon week-end, hein, trouvé plein de trucs à base de Morito, donc c'est plutôt sympa. Bon, je viens de voir une info sur Facebook. Il paraît que 18% des tweets sont des insultes. Ah c'est bon ça. Que 12% des tweets sont des menaces de violence. C'est quand même assez surréaliste. J'ai quand même du mal à croire que autant de... Parce que c'est quand même gros quand même, 18 et 12% c'est quand même pas mal. Et donc je voulais savoir si les filles justement, est-ce que... bah, venez nous dire si vous avez déjà eu affaire à des gros lourds comme ça sur Twitter ou sur Facebook qui parce que vous ne leur répondiez pas par exemple, répondez pas à leurs demandes, bah, vous ont pris la tête. Voilà, donc appelez-nous 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Ça c'est et d'ailleurs on a une demoiselle dans le studio. Est-ce que t'as déjà été violent? Attends, branche ton micro. La cour après le micro. Prends le bien devant. Comment tu t'appelles? Audrey. Alors Audrey, est-ce que tu as déjà été violente sur Facebook ou Twitter? Non, pas du tout. On t'entend pas. Attends, parle un peu plus fort. Pas du tout, non. Voilà, c'est parfait. Jamais. Non, jamais de. Même quand Toff te parle, tu l'envoies. Quand il est relou, tu dis pas écoute, va te faire enculer, maman, tu m'as saoulé quoi. Non, gros bâtard. C'est assez cordial littéralement. Ouais, cordial, mais c'est parce que t'es poli, t'as été bien éduqué quoi. C'est ça, ouais. D'accord, mais tu n'en penses pas moins. Voilà, t'es éduqué. Ouais, c'est parfait, t'as très bien. J'ai tout compris, y'a pas de problème. Bon, les filles, dites-nous, Sandro, toi la violence sur Facebook, Twitter? Si j'ai déjà eu des mecs violents? Non, si toi t'as déjà été agressif, puisque je rappelle que 18% des tweets sont des insultes et 12% des tweets sont des menaces de violence. Non, non, bah non. Jamais? Non, non. Pas, c'est pas fait pour régler ses comptes. Bon, mais Twitter. Mais non, encore moins. Encore moins. Mais c'est tu sais que, en fait, ça, c'est la technique des mecs qu'on, ou des mecs, ou des meufs qui ont la rage. Tu sais, c'est comme le mec dans la rue qui dit, t'as pas un numéro de téléphone. Et la meuf, elle dit, non, je suis pas, espèce de chalope, tu t'es regardé, en plus, t'as un gros cul. Ah oui, ça, c'est clair. Et ça, c'est trop du cul, ça. Tu fermes ta gueule, t'as rien demandé. Non, mais c'est clair. Ouais, sachant que si elle avait dit oui, t'inquiète pas que ça l'aurait pas dérangé. Ah, mais ça, c'est évident. Donc, du coup, appelez-nous et on en parle. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. N'hésitez pas. Tiens, il y a un message d'ailleurs qui dit, première baignade avec le beau temps aujourd'hui, mais au maximum à 13 degrés dans une rivière. Ça gèle les couilles malgré le beau temps. Ah, oui, mais c'est les premiers rayons là. Ah, bah tu m'étonnes, et 13 degrés, c'est quand même bien froid. Laura Roxalienne qui dit moi je me suis coupé les pieds en marchant pieds nus, bourré, ça fait mal. Ah oui. Enfin, c'est malin aussi. Et Delphine qui dit coucou, ce serait top une GoPro, alors hésite pas à me téléphoner et merci pour le peps que tu nous donnes chaque soir, Mickaël No Limit Biz. Merci Delphine. Bah la GoPro est partie, mais on enfile toute la semaine, hein, donc t'inquiète pas. Et puis tous les messages qui arrivent encore avec le hashtag et Mickaël No Limit, enfin et Mickaël plutôt sur le Twitter de l'émission. D'ailleurs, comme on parle de Twitter, faisons un petit point Twitter maintenant, mais un bien petit point sûr. Top tweetos, puisque dans une heure on saura quel est le gagnant ou la gagnante, hein, quelle sera la personne la plus influente sur le Twitter de l'émission avec le hashtag Mickaël. On va donc faire un tour du côté du top tweetos maintenant. Voyons maintenant quel est le numéro 5. Clément. Numéro 4. Nadia Le Prince. Bien sûr, alors qu'elle est arrivée avec du retard. Hein. Oui, numéro 3. Elle remonte bien. Ouais. Cédric. Numéro 2. Fan de fun. Et numéro 1. Siegfried. Ouais, alors Siegfried par contre lui cartonne, effectivement. Bon, je rappelle que celui qui est le plus influent, en l'occurrence là maintenant, c'est Siegfried. Mais si ça tient comme ça à minuit, eh ben le numéro 1 repartira avec le sextoy offert par passagedudésir.fr. En plus, on a tout nouveau qui sont arrivés avec télécommandes, des jeux vibrants, des jeux, etc., etc. Bref, la totale. Et rassurez-vous, si c'est un doux, on lui offrira autre chose, bien entendu. Ah. Évidemment. Pas offert par passagedudésir.fr. Du désir. Ah oui, parce que c'est pas passage du désir. Ah d'accord, ok. C'est comme c'est un doux. Mais évidemment. Bon, en parlant de doux, on a Balthazar avec nous là. T'es là, Balthazar. T'as le même nom que Picsou. Ouais. Bah ah oui, c'est vrai. Et puis c'est un des prénoms des rois mages. Exactement, ouais. Melchior et l'autre. Ça va, Balthazar? Ouais, ça va. T'es en forme? Pas trop. Ah bon, pourquoi? Parce que je suis fatigué. Ah bah oui, mec, mais comment ça? Et c'est dur la vie de doux, hein. Bah oui, t'as déjà été doux officiel ou pas encore? Non. Bon, alors avant toute chose, il va falloir que je te passe Polo pour que tu puisses devenir un doux officiel avant que tu puisses gagner le cadeau. D'accord. On y va. Allez, es-tu prêt? Oui. Balthazar, malgré ton prénom ridicule, tu veux devenir doux? Oui. Donc, moi qui suis grand maître de la confrérie des doux, je peux accéder à ta demande. Es-tu prêt? Oui. Mets-toi à genoux. Bon. C'est bon. Insulte-toi, doux. Va te faire foutre. Non, toi. Ah oui, va te faire foutre, moi. Non, mais bon, Balthazar, insulte-toi. Je suis un con et que ça, toutes ces merdes, quoi. Je suis un con, je suis une merde et un gros con. Ouais. Voilà, parfait, jeune doux. As-tu ton téléphone dans la main? Oui. Tape-le-toi contre la tête. Encore. Encore. Balthazar, par les pouvoirs qui me sont conférés par la grande confrérie des doux, tu es officiellement un doux. Et comment s'appelle-t-il? Tu es le gros bâtard. Voilà. Le doux gros bâtard, ça rime avec Balthazar. Voilà. Allez hop là. Eh ben, bienvenue à toi alors, le nouveau doux Balthazar. Merci. Bon Balthazar, j'imagine que t'es au téléphone. Bah j'imagine pas, t'es au téléphone, mais j'imagine qu'à cette heure-ci, normalement, tu devrais dormir à 23h là. Oui. Bah forcément. Bon, tu es au courant que la semaine prochaine, c'est la fête des mères? Oui. Bon. Est-ce que tu lui as fait un collier de pâtes? Attends, qu'est-ce que t'as prévu pour la fête des mères? Ah ouais. Bah justement, rien. Un collier de pâtes. Ah, t'as rien prévu pour la fête des mères? Mais tu achètes un paquet de pâtes, enfin tu lui voles les pâtes à ta mère et tu fais un collier. Bah ouais. Ah, la bonne nouvelle, c'est que éventuellement tous les Belges peuvent filer un coup de main aux Français, puisque c'était la semaine dernière. Donc au niveau des cadeaux que vous avez faits, est-ce que ça a plu ou pas à vos parents, enfin à votre mère en l'occurrence? Bah donnez les avis, ça aidera les Français en l'occurrence à pas donner des cadeaux ridicules si jamais vous vous êtes passé pour un idiot. Bon, donc du coup, toi t'as pas encore t'as rien prévu pour ta mère? Non. T'es vraiment un saligo, hein. Un enfoiré. Ah, d'où garde ton dessous pour t'acheter des chewing-gums. Bon, est-ce qu'elle est là, ta mère? Oui. Bon, passe-la moi. Oui, allô. Allô, maman. Vous avez assisté à toute cette scène. Bon, comment ça va? Ça va bien, je suis un peu surprise, mais bah, moi contente, aussi de voir un enfant de 12 ans debout à 23h. Bah ouais, alors. Non, mais il a pas le droit normalement. Mettez-lui une claque. Je veux l'entendre. Mettez-lui une petite claque. Balthazar. Viens ici. Attends. Balthazar, donc voilà, tu as droit à une petite claque. sur la tête, hein, comme petite calotte. Sur la tête. Voilà, parfait. Ça y est, c'est fait. Non, mais c'est très bien, c'est parfait, c'est tout ce qu'il mérite de toute façon. Comment sont ses notes à l'école? Bonne. Ah, mais bonne comment? Très bonne. C'est-à-dire une moyenne? C'est-à-dire 15. Ah oui, ça va. Hein oui, c'est très non. Bien, 15. Ah, oui. Oui. Non, 15, ouais. C'est pas mal. En tout cas, bravo à son voisin qui lui donne tous les... Non, maman, c'est normal. Avec le prénom ridicule que vous lui avez donné, il ne peut qu'être bon dans les études. Non. Qu'il a des très bonnes notes. Mais par ailleurs, voilà. Balthazar est un très beau prénom. Non, mais justement, j'allais en revenir là. Pourquoi Balthazar? Parce que c'est pas commun. Enfin, si, à l'époque, mais aujourd'hui. Parce que c'est beau, parce qu'on trouvait que c'était chic comme prénom. Voilà. Oui, mais madame, si oui. Je peux me permettre... Non, c'est maman. Maman, vous n'avez pas pensé, quand vous avez réfléchi à ce prénom, que vous dire que Balthazar rime avec connard, avec bâtard, avec oui, salopard? Il y a beaucoup, de prénoms et de noms qui riment comme ça. Oui, non, vous appelez comment, chez ta mère. Vous, déjà vous appelez comment, vous? Moi? Moi, c'est lui, c'est Tof, un volo. Tof, T-O-P-H. Je suis désolé, j'ai rien entendu. Mais Tof, en fait, je m'appelle Christophe. Michael. Non, Tof. Christophe. Ouais, et Michael. Ah, Michael, ça rime avec... Avec Belle, avec... Et Christophe, ça rime avec, pardon, avec... Ouais. Christophe, c'est plus difficile. Ah, voilà. Christophe, c'est plus difficile, effectivement, ouais. Mais bon. J'avais la tête qui m'aidait pas, donc au final on a... Bah oui, c'est ça, au final, comme ça au moins la... Enfin, même. Là, l'affaire elle est pliée. Avec moche, pardon, c'est voilà. Mon fils. Hein, qui... Bon, il est pas mal, Balthazar. Bon, alors du coup, comme il n'avait pas d'idée pour la fête des mères, c'est quoi qu'il vous a offert l'année dernière? Je sais plus, l'année dernière, un bouquet. Un bouquet de fleurs, ouais, payé par papa, quoi. Non, avec ses choux. Non, il a cassé le petit cochon. Ah oui, c'est bien. Il est sympa. Bah parfait. Bon, du coup, c'est moi qui vais l'offrir à Balthazar et puis après, il vous l'offrira un petit coffret Wonderbox I Love Maman. Voilà. Oh, c'est génial. Et bah voilà. Je suis très touchée. Comme ça, tu pourras choisir entre le soin spa, le cours de pâtisserie. Si jamais tu prends ça, tu n'oublieras pas de nous faire un petit gâteau, une croisière sur un voilier avec papa, un baptême en hélicoptère, bref, peu importe. Je préfère la croisière au cours de pâtisserie. Bah voilà, très bien. Une petite croisière sur un petit voilier là. Histoire de prendre un petit peu l'air. Voilà. Bon ben voilà, bonne fête maman la semaine prochaine du coup. Hein. C'est super, merci. De rien, vous me repassez Balthazar deux secondes? Ouais, je vous le passe. Allô? Sale gamin. Sale gamin. J'espère qu'elle t'a mis une vraie claque. Hein. Oui, oui. Bah je t'en mets une, tiens. J'ai la joue qui est toute rouge. Ça c'est les Balthazar, tu vois, il faut toujours exagérer. Comme Picsou. Toujours exagérer. Voilà. Bon allez, Balthazar, passe une bonne soirée et va au lit. D'accord. Tu t'es brossé les dents? Oui. Tu t'es lavé les pieds? Oui. Ah, attends, est-ce que t'as nettoyé entre le petit orteil là et l'autre? Ouais. C'est celui-là, il pue souvent là. Très bien. Oui. Bon, je te fais confiance. Allez, salut Balthazar. Salut. Allez, bonne nuit. Ciao à toi, bye bye. Bon, il y a Damien qui est avec nous maintenant là. Salut Damien de Haute-et-Garonne. Salut Damien, ça va? Salut Max, c'est Mickaël, ça va et vous? Ça va Damien, continue à pas parler, cette voix me dit quelque chose. Je suis participé à plusieurs jeux. Ah, dont lequel? Le jeu de je t'emmerde, le canular, c'est ça mon père. Le canular avec la pomme. Ouais. En plus, on l'a réécouté la semaine dernière. Et il avait kiffé ou pas ton père? Ah bah ouais. Ben mon père, il a foutu un 4-0 après. Il t'a quoi? Il a foutu un 4-0. Un 4-0? Ouais, un vent. Un vent? Ah oui. D'accord, c'est bizarre. Hein, c'est... Attends, excuse-moi, je te remets au sonar deux secondes, ne bouge pas, hein. Donc là il m'entend pas. Il faut savoir que la semaine dernière, pour ceux qui n'étaient pas là, donc là il m'entend pas. Quand on avait repassé le canular, en fait, donc c'est Tof qui s'était fait passer pour son père. Ouais. Voilà. Et donc là il vient de dire que c'est son père qui lui a mis une patate. Sauf que son père n'est pas au courant puisqu'on n'a jamais réussi à le joindre. Ouais, c'est ça. Bah oui. Ah voilà, donc excuse-nous, on a eu un petit problème technique, Damien là. Bon, et tu nous appelles pourquoi du coup Damien? Mais j'appelle parce que j'ai une bonne question pour Tof pendant ces appels malveillants. Ah alors une idée, vas-y, balance. Non, c'est pas malvoyant, c'est malveillant. Non, c'est malveillant. Malveillant, ouais. En ce moment, il y a une étude là où les geeks, quand ils finissent de jouer, ils ont plus envie de faire l'amour après qu'ils jouent. Bah parfait, bah moi je propose qu'on l'appelle. On va le faire immédiatement, cet appel, il a l'air parfait. Attends, ouais, Damien, est-ce que tu veux qu'on appelle des gens et que tu montres l'exemple à Tof? Ça marche. Bon alors on va prendre quelques numéros et on va appeler et comme ça il va te comme ça tu lui montres comment faire. Parce que comme il n'est pas très bon, comme ça tu lui montres un petit peu comment faire quoi, d'accord? Ça marche. Bon, c'est quoi la question Damien? C'est pour savoir si pendant que vous geekez pendant votre ordinateur, c'est pour savoir d'accord. Si vous avez déjà fait l'amour après. Ok, très bien. Alors attention, c'est important. Il faut faire un peu comme Toff aussi. Si jamais la personne te parle mal, tu dis oui, mais enfin bon. Pas de ça entre nous. Pas de ça entre nous. Enfin bon, bref, tu connais. Bon, hein. Tu connais un peu. Hein, ça n'a aucun rapport. Je t'inquiète parce que j'en fais, ça s'appelle malveillant. Ah, t'en fais aussi, bah c'est parfait, alors t'as l'habitude. Ouais. Bon, je te rappelle juste deux chiffres, 150 000 et 1 an. Attends, mais tu fais ça gratuitement comme ça? Oui. Ouais, je l'ai fait gratuitement. Ah d'accord, bah... Et bah voilà, et bah très bien. Bon alors, bouge pas. Bon Damien, bah bouge pas, prépare-toi, on fait ça dans quelques minutes. Toujours au cœur d'une heure sans pub, ça va être lourd ce qui arrive là. Il y a Stéphanie qui dit des gens qui insultent, il y en a beaucoup, mais souvent en anonyme. Oui, étonnant, tiens. Et très étonnant même. Ouais, c'est très bizarre. Très bizarre. Allez, on aura Jérôme également, on aura Jacques et puis vous toutes et vous tous en direct. On est là jusqu'à minuit, 01 42 48 5000. C'est Fun Radio et Mickaël No Limites. One goes out to all the lovers. C'est Fun Radio avec le son de Pharrell Williams. À l'instant, c'était Marilyn Monroe. Mickaël No Limites. Le dimanche soir, 20h minuit, sur Fun Radio. Fun Radio. Exact, 23h09, avec toujours évidemment au cœur d'une heure sans pub. Il y a Katharina qui dit je crois que je vais arrêter pendant quelques mois de vous écouter parce que je suis en kiff sur un de vous trois, les garçons. Oh, oui, bah, je pense que c'est moi, clairement. Bah, et... Bien sûr, évidemment. Évidemment. Ah, dis-nous qui c'est, Katharina. Non, mais c'est surtout Kat que c'est pas la peine d'arrêter de nous écouter. Oui, si c'est vraiment ça, oui. Je peux arrêter de faire l'émission si c'est moi. Ouais, c'est ça. Il y a Justine qui dit je peux avoir un message de bienvenue. Ta grand-mère, la grosse pute, au prix d'écoutumée. Je vais en prendre d'autres dans quelques minutes. Et Jeanne-Françoise qui dit ce soir, c'est comme la montée des marches à Cannes du côté du Standard of Fun. Que des grandes personnalités. Ah oui, c'est vrai. Il manque plus que JF, on a fait la totale ce soir. Ah, alors on sera bon, on sera ah bon. Oui, mais on l'aura certainement dans la semaine, notre ami JF. Bon, alors Damien qui est avec nous là. Damien qui avait fait le canular il y a quelques semaines maintenant. Hein. Canular à base ouais. De. Bon, on avait appelé ton père. Ouais. Pour lui faire croire que t'avais mangé une pomme. Ouais, et que j'ai remporté le casque DJ. Et que quoi? Et que j'ai même remporté le casque DJ d'ailleurs. Oui, oui, oui, c'est ça. Et du coup, est-ce que t'as le kit ma libre ou le haut-parleur là, Damien? Ou alors non, j'ai même pas de radio. Même pas de radio, mais. Le téléphone est enfoncé dans ta gorge? Oui, peut-être, parce qu'on l'entend mal. T'as pas un autre téléphone? Ben non. Ah non. C'est le double appel, mais c'est bon. Ah ouais, enfin le double appel ça va pas nous aider. Si beaucoup. Vas-y, attends, branche le double appel, on va. Non, j'ai pas. Ah t'as pas le double appel non plus. Bon c'est pas grave. Si, bon alors toi tu nous appelais parce que t'avais des idées pour les appels de Toff, qu'on va d'ailleurs refaire d'ici même pas 20 minutes. Puisque Toff n'est pas très bon, faut dire les choses. Donc vrai. Du coup tu voudrais simplement lui montrer comment faire, puisque toi-même tu fais les appels appels malveillants chez toi à la maison. Ouais, j'ai filmé même. D'accord, ok. Bon, tu filmes les appels malveillants. Ouais. Non, c'est vrai, t'as raison. J'ai une chaîne Facebook, moi. Ah, tu fais quoi? Il a une chaîne Facebook. Une chaîne qui s'appelle Code Botch, et là, il y a la plupart des canulars que j'ai fait, en fait. Ah bah c'est parfait, parce que de toute façon, personne n'a rien compris. Parfait. Bon, alors Damien, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on fasse le premier appel maintenant, d'accord? Donc on va tomber chez quel? Bah je sais pas chez qui on va tomber, on va faire comme avec toi, enfin, on appelle des numéros au hasard ouais. Et tu gères le truc quoi, essaye de nous faire rire, sois bon et puis pas de ça entre nous et tout ça, d'accord? Oh mais madame, je vous préviens. Allez vas-y. Je vais les appeler 10 fois. Oui bah très bien, bah on va commencer par une fois déjà. Allez vas-y. Chaque chose s'entend Damien. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. En fait, vous savez que pour savoir soi-même que vous quittez, c'est pour savoir si après ça, vous avez déjà fait l'amour à votre femme. Pardon? C'est juste pour dire si pendant que vous geekez, vous avez déjà fait l'amour pendant à votre femme. Quoi? Pendant que je fais quoi? Un geeké. Si vous avez déjà fait l'amour à votre femme. Oui, j'ai déjà fait l'amour à ma femme, oui, mais pourquoi tu m'appelles? J'appelle pour vous poser des questions, c'est tout. Et c'est quoi ta question? Ben, juste pour savoir si pendant que vous quittez, après ça vous avez déjà fait l'amour à votre femme. Et rigole, quoi. Écoute, je comprends rien à ce que tu me dis, donc tu vas réfléchir et après tu me rappelles, connard. Non, attends, les questions, la question. Non, attends, il a raccroché, Damien. C'est bon. On va le rappeler, pas évidemment. Entre nous, et n'oublie pas, dès qu'il commence à mal te parler, tu dis, mais écoutez, monsieur, pas de ça entre nous. Oh, monsieur. Bah, pas de ça entre nous. Ça voilà, attends, on le rappelle. Parle-lui de son chien, je pense que ça va énerver. Allô? Oui, désolé, c'est pas ça, c'est entre nous. Pas ça quoi? Pas ça entre nous, c'est vrai quoi, j'ai fait l'amour à votre chien pendant que vous geekiez. Quoi? Mais j'ai fait l'amour à votre chien pendant que vous geekiez. Tu as fait l'amour à mon chien? Ouais, j'ai fait la mort au chien. Si, si. Tu as un fou, tu veux juste te mettre une bombe dans le cul. Ouais, si tu veux, mais c'est pas la question. Mais non, c'est pas la question c'est que tu as besoin de pute. Je m'en tape, c'est pas ça. Attendez, vous n'avez pas même pas répondu à ma question, je vous appelle juste pour savoir si vous avez déjà fait la mort à votre chien, c'est tout. Comment j'ai fait la mort à mon chien? Ouais, c'est pour ça, si vous avez déjà fait la mort à votre chien, et en quelle position vous l'avez fait? Écoute-moi bien, fils de pute. Ouais, vas-y, je peux dire hein tout, je m'en fous. Écoute-moi bien, si je te retrouve, je te bug. Toi, tu devrais me tenir, ok? Et moi, je non, c'est pas gentil, ça, vous n'avez pas répondu à la question, je vous appelle pour poser une question, et vous m'agressez, franchement. Dis, pas de ça entre nous. Pas de ça entre nous, ouais. Il pense ça. Non mais madame. Oh, tu dors? Ah, il a raccroché, attends. Bon, oh, j'en fous, ça rappelle. Attends, on rappelle encore une fois. Ah, il est motivé. Il y a Cédric qui dit non, mais il est sérieux, Damien? Bah, bien sûr, attends, c'est un professionnel de l'appel. Bon, on le rappelle, Damien. Alors, il faut que tu lui dises, effectivement, pas de ça entre nous. Et alors, qu'est-ce que tu pourrais dire? Dis-lui que t'as baisé la voiture. Ouais. Dis-lui que t'as niqué dans sa voiture. T'as pris la voiture? Non, t'as baisé. Ouais, la voiture, ouais. Voilà. T'as fourré la voiture. Le pot d'échappement. Et, ouais, le pot d'échappement, voilà, c'est ça, ouais. Et okay, pas de ça entre nous, mais madame, mais enfin bon. Voilà, d'accord. Mais bon. Voilà. Très bien, allez, c'est parti, on y va. On le rappelle, sois bon, hein, Damien. Ça marche. Allez, on y va. Il y a Marlex qui dit il pète littéralement un câble. C'est tof, hein. Damien le fait pas, mais le mec qu'on appelle, c'est tof. Hein. Bon, monsieur, pas ça entre nous. J'ai fait la mort à votre voiture en même temps. Qu'est-ce que c'est à ma voiture? Qu'est-ce que tu veux encore? J'ai fait l'amour au pot d'échappement. C'est normal qu'il y aura du sperme qui sortira du pot d'échappement parce que je l'ai baissé la voiture. Tu as baisé la voiture? Est-ce que c'est une petite pire, hein? Ouais, je l'ai baisé. Je suis sur la question, rapport. Déjà, je vais t'accrocher au poche quand même ma voiture. Hein, et on va aller déjà te faire un coup là, ça pour rien. Je vais te faire un coup de chaussures, espèce de petit calme. Et toi aussi, ouais. Ah, il a raccroché. Oh. Bon, écoute, on va pas l'appeler plus encore, hein, parce que sinon après ça. Non, on peut plus. Non, on peut plus parce qu'après là, on a plus le temps là, parce qu'on a plus le temps là, Damien. Mais en tout cas, on pas mal. Hein. Écoute, on peut demander l'avis de Tov, qui est quand même un professionnel des appels, puisqu'il appelle tous les soirs. Monsieur Canular. Voilà, je pense que ton chèque est disponible à la compta, Tov. Ouais, non, je pense que je vais lui laisser ma place, quoi. Voilà. Donc, il est tellement au-delà, quoi. Ah bah Damien, c'est du lourd, hein. Damien, non, c'est du lourd. Non, c'est franchement. Bon, en tout cas, je sais pas si j'y arriverai à faire un jour comme lui. Hein. Ah bah ça, c'est bah, je te confirme que non. Parce que là, premier appel direct, le mec, il est putain, non, il était fort. Hein. Dis-moi, direct, il s'énerve et tout là. Ah, non. Et puis le coup du chien et de la voiture, bon. Ouais, bah, non, ça, écoute, c'était énorme. Damien, bah en tout cas, bravo à toi. Hein. Non. Et tu reviens quand tu veux. Hein. Ça marche. Et je peux avoir un message de bienvenue du Marseillais, si possible. À quoi? Un message de bienvenue du Marseillais que vous avez appelé. Quel Marseillais? Parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Celui que vous avez fait, allez Paris. Uh-huh. Ouh là là, toi t'en veux en plus... Attends, où est-ce qu'il est celui-là? Ah ouais, mais toi t'es un spécialiste. Soit celui-là, soit la chinoise. De quoi? Soit celui-là, soit la chinoise, sinon. La chinoise? Ah oui, au tout début. Ouais. Ouais, mais je sais pas si je l'ai encore celui-là, ça fait tellement longtemps là. Non, écoute, là, je vais pas pouvoir accéder à ta demande, mais en échange, je peux te mettre celui-là. Ah, t'as été coupé, mon con. Eh bien, viens, moi, je te coupe entièrement. Espèce de petit pédé de merde, va. Amène-moi, tu vas avoir un petit peu, je t'accroche derrière ma voiture, et je te fais courir jusqu'à Fourriane. Tu vas avoir un petit peu, et tu vas plus mettre de chaussures pendant toute ta vie. Espèce d'enculé, va. Voilà. Eh ben voilà, Damien, passe une bonne soirée. Attends, hein. Excuse-moi. Mais je t'en est-ce que après la pub, je peux en faire d'autres après? Pas ce soir parce qu'on a piscine, mais dans la semaine. Ça marche. D'accord. Juste une question. Oui. Est-ce que je pourrais faire le juste en mer de le mercredi, si possible? Attends, laisse-moi réfléchir. Non, parce que là aussi on a piscine. En plus, t'as déjà fait le jeu juste en merde. Je l'ai fait il y a 3 mois. Ah bah 3 mois. Oui, bah oui, 3 mois. Mois. On va laisser la place à tout le monde, hein, Damien. C'est normal. Mais on le refera à l'occasion, t'inquiète pas. D'accord. Allez, salut Damien. Salut. Ciao, à bientôt, bye bye. Bon, bah voilà. Non, il était fort. Bah oui, oh là là, il était tellement fort. Ouais. Bon, Jérôme qui est avec nous également. Jérôme? Ouais. Bon, écoute, je vais m'en mettre une. parce que je t'avais oublié dans le standard, faut lire les choses comme elles sont. On t'a eu à 20h, tu voulais parler de ta meuf qui t'avait largué, il est 23h18 et je t'avais oublié. Non mais ça va, ouais. c'est pas comme s'il avait attendu longtemps quoi. Non mais écoute, je suis désolé, ce sont les choses qui arrivent. Il y a eu trop de trucs, trop d'appels, Damien, tout le bordel et tout là, je suis perturbé. Et puis Joël et tout ça, enfin bon bref, une histoire. Et Kat aussi. Et Mickaël. Oui. Ouais, Damien était trop fort, l'auditeur d'avant, waouh. Ah t'as vu hein. Oh putain, il était trop fort le mec. Voilà, et il y a Justine qui dit je préfère Toff que Damien. Bon, je comprends pas pourquoi. Non, parce qu'il était fort Damien. Ah, et Al Capone aussi, je suis plié en deux là, je pleure, je ris. Cédric aussi, non mais il est sérieux le Damien là quand même, c'est incroyable. Ah et Katharina qui dit. Je crois que Toff il devrait laisser sa place. Hein, ça, ah oui, mais ça, le, ça va pas le, faire, hein. Le chômage l'attend, hein, ça c'est sûr. Ah bah bien sûr. Et Katharina qui dit je suis en kiff sur toi Mickaël. Oh c'est gentil Katharina, bah, je te fais des gros bisous Kat. Même temps, c'est normal, c'est logique. Tu vois. Franchement, Toff il assure pas, hein. Ah bah je confirme. Bah non, là en plus je viens de me prendre un râteau avec Katharina. Donc... Ah bah là, une catastrophe, un drame. Bon Jérôme, on va parler de quoi avec toi dans quelques minutes du coup de ta meuf qui t'a largué, c'est ça? Bah ouais. Bon bah t'es plus à 2 minutes là, on peut passer Calvin Harris. Oh bah ouais, t'inquiète. Bon. Ah bah c'est parfait, je te reprends juste après, on écoute Summer sur Fun. When I met you in the summer. C'est Fun Radio avec Calvin Harris, à l'instant c'était Summer. Ah, j'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux. Alors que Mickaël nos limites durent longtemps, qu'il continue à nous faire rire et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou d'un vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Oh my god! Mickaël, No Limit, de 20h à minuit sur Fun Radio. Ouais, ça c'est tous les dimanches. Et puis la semaine de 23h à 2h, il y a Marlex sur le Twitter. Je vais pas tarder à vous quitter la team là. J'ai cours demain, Mickaël, j'ai bien rigolé. Bah tant mieux, bah bonne nuit à toi. Et puis bah bonne chance pour les cours demain. Et Rock'n'Wolf qui dit moi je viens d'arriver, ça mérite un coup de pelle. Oui, je te le confirme. Effectivement. Dans un instant sur Fun Radio, nous allons faire comme tous les dimanches soirs le magnifique match d'impro. Il y a Fan de Fun aussi. Non, moi 100% des tweets sont pour Fun Radio. Bah tant mieux. Et Marie qui dit coucou, aujourd'hui c'est mon anniversaire, je pourrais avoir la chanson exprès pour ça. Bah, bien sûr Marie, avec plaisir. Tu nous as pas dit quel âge t'avais Marie là, regarde, petite musique pour toi. Voilà, bon anniversaire à toi Marie. Allez, jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout, comme ça tu l'as eu, tiens. Bon, il y a un message aussi de Déborah qui dit ça faisait longtemps que je vous avais pas écouté, mais ça fait du bien de vous retrouver. Je me souviens encore la première fois quand je vous écoutais, c'était juste trop bien. Bah merci Déborah. Bah il fallait continuer à nous écouter Déborah, pourquoi t'es partie? Tu nous as manqué Déborah. Ouais. Bon, Jérôme donc, qui est de retour avant de faire les appels de Toff, là, t'es là Jérôme? Ouais, je suis là. Bon, alors explique-nous l'histoire de ta meuf là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben en fait, je me suis fait larguer par téléphone, tu vois, donc genre. Bon déjà ça c'est pas de la glace. Non, ça c'est clair. Ça faisait combien de temps que t'étais avec elle? Ben parce que elle a retrouvé un autre mec derrière et puis voilà donc. Ouais mais ça faisait combien de temps que t'étais avec elle? Ben ça faisait 5 mois. Ah oui bon c'est encore récent. Ouais. Bon elle était triste. Donc c'est ça quoi, elle a retrouvé un autre mec derrière et puis elle m'a largué par téléphone quoi. Bah dis-toi que c'était une meuf qui était pas pour toi, que c'était une salope, etc. etc. Et... Non mais c'est vrai, dis-toi ça, au moins comme ça t'as gagné des trucs. Ouais, motive-toi. Ah, au moins, tu vois. Ouais. Tu vois. Bah de toute façon t'as pas trop le choix là maintenant hein. Ah bah là maintenant ouais, maintenant je suis célibataire, voilà. Bah là, célibataire, seul comme un chien quoi. Là c'est clair. Ah bah ouais. Bah, écoute, ça arrive même au meilleur, la preuve, hein. Non écoute, bon bah voilà, tu cherches une autre meuf, c'est ça concrètement? Ouais, c'est clair. Bon bah très bien, t'es dans quel coin là? T'es dans l'Allier à Montluçon. Bon bah si vous êtes intéressé, il y a Jérôme qui a 30 balais qui est là-bas, qui a un cœur brisé, catastrophe, il est triste, et qu'est-ce que vous voulez jouer? Alors bah, qu'il était arrive. Si amoureux. Mais oui, voilà, donc appelez-nous les filles si jamais vous avez envie de discuter, peut-être en toute amitié bien entendu dans un premier temps. Mais la grande question c'est si que tu la cherches en tiers. Je peux donner ma description, il n'y a pas de problème. Bien hein. sûr. Non, en fait, on tombe. Bah vas-y toujours. 1m83, 75 kilos. Les yeux bleus, cheveux bruns. Ouais, voilà, quand Ah, tu te la ramènes un peu là, non? Ouais, tu te la ramènes un peu là, non? Non, pourquoi? Non, je sais pas. Or, en même temps, ça ne veut rien dire. Parce que je rappelle que Toff fait à peu près les mêmes mensurations. Oui, c'est vrai. Et on connaît le résultat. Et qu'est-ce que je suis beau gosse? Non, pas du tout. Je n'irai peut-être pas jusque-là. D'ailleurs, il y a la photo, allez voir. Hein, si je viens de la mettre. Enfin, je viens de la mettre. J'ai mis il y a une heure sur le Facebook de l'émission. Facebook.com/MIKLOfficiel. Moralité, les mensurations ne veulent rien dire. Voilà. Bah, mais moi, tu cherches quoi comme matériel? De la grosse, de la petite, de... Mais Polo comme matériel. Ah non, mais non, mais. Brune, bien foutue, quoi. Tu vois. Ah, brune. Donc les blondes, non. Ouais, pas trop, quoi. Mais pas trop. Bien foutu, ça veut dire quoi? Tu la veux entière ou tu si manque un bout, c'est pas grave? Un morceau. Ah, tout entière, quoi. Tout entière. Bah, bien foutu, quoi. Bon, okay. Je t'aurais bien proposé Sandro, mais t'as dit bien foutu, donc... C'est vrai que Sandro, elle est belle, ça c'est clair. En genre... Ouais, mais moi, je prends pas les cœurs brisés, hein, je ramasse pas la merde. Hein. Voilà. Oh là là. Oh, Sandro, non, mais c'est vrai, il est encore amoureux de son ex. Enfin, faut qu'il revienne quand il se sera réglé. C'est ça, ben reviens. Ben, ah, mais c'est réglé, de toute façon, c'est fini maintenant. C'est réglé. Hein, oui, c'est fait, j'ai terminé, moi, je suis plus toi amoureux, j'en ai rien à foutre. Hein. Alors là, la foutre, cette chalope, heureusement qu'elle est partie. Voilà, c'est ça. Bah, elle est partie, de toute façon, c'est fini. Je peux plus la récupérer, c'est clair. Si on donne un bout de fesse de Sandro, ça te va ou pas? Hein? Un bout de fesse. Ah non, moi je veux le tout. Hein. Oui, mais si on se met ensemble et qu'elle revient, ton ex, tu vas me jeter. Non, non, t'inquiète pas, Sandro, c'est même pas la peine. Elle reviendra pas, c'est fini. Ouais, mais si elle revient. Non, c'est fini. Ah, imagine, demain elle t'appelle, elle te dit, je reviens. Imagine. Non, elle a quelqu'un dans sa vie maintenant. Ouais, mais fini. Imagine que quelqu'un se barre avec une autre. Eh oui. L'homme est volage, l'homme n'est pas fidèle, tu le sais, c'est un chien. L'homme est un chien. Un connard. Un chien, c'est pareil. Oui, c'est ça. C'est, ouais, c'est moi, un homme. Moi, c'est fini. Si elle revient, si elle me demande de revenir, c'est fini. Moi, t'es un menteur. Ah, toi, c'est fini. C'est pas vrai. Eh ben, les filles, appelez-nous 01 42 48 5000, 02 851 4x0 depuis la Belgique. Jérôme, bah, du coup, tu restes là. On va voir si on trouve quelqu'un. On va jouer au match d'impro avec Jeanne et avec Anthony également dans quelques minutes. On va déjà les accueillir. Salut, Anthony Grenoble. Oui, bonjour à tous. Oui, comment ça va et toi? Directeur d'une société, ça va, d'une bien, PME. Bon, bah, bienvenue à toi, Anthony. De l'autre côté, il y a Jade, 23 ans. Salut, Jade. Salut. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, je m'appelle Jade, j'aime la bite. Voilà, elle est très grosse. Alors, on va se faire un petit match d'impro dans quelques minutes. Le principe est très simple. Je vais déjà vous donner le thème, ça vous permettra de réfléchir un petit peu. Vous êtes un garçon, une fille, ça tombe très bien. On va être en ambiance plage, puisqu'il a fait beau ce week-end. On va imaginer que vous êtes à la plage, que... Bah, peu importe, hein, soit vous êtes déjà ensemble, soit vous vous rencontrez pour la première fois, vous vous draguez, vous êtes le serveur, vous êtes à un bar au bord de la plage, enfin, peu importe, tout est ouvert. Et là, évidemment, eh bien, vous parlez, et quoi qu'il en soit, ça dure 2-3 minutes maximum, et à la fin des 2-3 minutes, il faut que ça parte en film de boule. Okay, enfin, en film, pas forcément, mais en tout cas, en caractère érotique, pornographique. Il faut que ça jouisse, faut qu'il y ait, faut que ça se frappe, faut qu'il y ait du... Non, voilà, quoi. Il faut qu'on ressente tout. Il faut que ça claque, par exemple. Voilà. Donc, réfléchissez bien à ce que vous allez faire, quel rôle vous allez prendre, et dans 5 minutes, on joue ensemble, d'accord? Ça marche, ouais. Bon, réfléchissez. En attendant, on fait les appels de Toff. Allons-y. Hein, ça fait un peu bouche trop comme ça, non? Ouais, mais j'ai l'habitude. Ah bon, d'accord, ok, alors tout va bien. C'est moi, je suis pas regardant ce genre de truc. Et on va parler des robots. Allons-y. Ah bah, c'est parti. Et donc, les robots, c'était quoi encore? Ah bah, c'était une femme sur 6. Ah oui, c'est vrai. Qui a déjà pensé à avoir une relation sexuelle avec un robot. Tout à fait, normal. Oui, donc, évidemment. Il faut se poser la question, une femme sur 6 est tombée sur un mec vraiment pas doué. Exactement, une femme sur 6 est sortie avec Toff. Ou alors, elles ont envie de coucher avec un robot. Moi, ça me plairait bien de coucher avec une meuf robot. Avec une robot? Ah ouais, je la démonte. Ah ouais. Bah, enfin, un peu d'huile de coude là. Pas d'huile pour astiquer le truc, puis on y va quoi. D'accord. Ça peut être sympa. Écoute, bah appelons les gens déjà pour voir ce qu'ils en pensent. Hein. C'est parti, 23h30 sur Fun, et puis il y aura Selfie à suivre. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si votre femme avait déjà eu envie de faire l'amour avec un robot. Pardon? Est-ce que votre femme a déjà eu envie de faire l'amour avec un robot? Est-ce que ma femme a déjà eu envie de faire l'amour avec un robot? Oui, voilà, c'est ça. Vous rigolez ou quoi? Non, pas du tout monsieur, pourquoi vous dites ça? Ah bah il est parti, très bien. C'était rapide. Oui, ouais, là pour le coup, et bon, on rappelle. Je sais qu'il y a Chainsmokers qui est à suivre. Allô? Oui, bonsoir madame. Oui monsieur. Oui, j'étais en communication avec votre mari mais on a été coupé madame. Oui, c'est pourquoi? Bah en fait je voulais savoir si vous aviez déjà eu envie de faire l'amour avec un robot madame. Bah non, c'est quoi pour une couillonnade? Mais c'est pas une couillonnade madame, c'est une question. Ouais, mais c'est pas sorti qu'au téléphone chez les gens, monsieur. Bah si, la preuve, je vous ai appelé. Ouais, bah elle a raccroché en l'occurrence. Hein. Bon, on rappelle encore un coup, hein. Hop là. Allez, c'est parti. Et puis le badge d'impro à suivre. Oui, allô ? Oui, allô ? Oui, écoute, mon petit gars. Oui. Tu as envie d'aller en vacances cet été ? Je vois pas pourquoi vous dites ça, monsieur. Je vois pas le rapport. Tu sais pas qui tu t'adresses, toi, ici. Je te demande si tu as envie d'aller en vacances cet été. Bah, sinon, je vais te faire ta peau, toi. Ah, bah non, monsieur, c'est pas gentil, ça. Écoute, ta mère, elle s'est déjà fait niquer par un robot. Je vois pas pourquoi vous dites ça, monsieur. C'est pas la question que je vous pose. Bon, écoute-moi bien. Tu sors encore une fois. Oui. Moi, je vais te trouver, ok ? Mais je peux vous dire où je suis, monsieur, ça ira plus vite. Oh, bah non, il a raccroché. Attends, il a, du coup, t'as pas donné l'adresse. Bah, on rappelle. Bah oui, ah bah oui. Bah évidemment. Obligé. Allez, c'est bon. J'ai mauvaise nouvelle, t'es mort. Bah, allô ? Ah, non, mauvaise nouvelle, t'es mort. Bon, bah voilà, au moins comme ça, c'est fait, hein. Bon. Force est de constater que t'es encore vivant. Oui, tiens, enfin, en tout cas pour le moment. Pour l'instant. Mais il m'a dit que je partirais pas en vacances. C'est vrai. Bon, allez, on va se faire le match d'impro dans quelques minutes. On aura Jérôme qui cherche toujours une fille vers Montluçon, une brune de préférence. Il a l'air plutôt beau gosse d'après la description. Et puis, bah, on fait tout ça juste après le son de Chainsmokers au cœur d'une heure sans pub. C'est Mickaël No Limit jusqu'à minuit, comme tous les dimanches. On s'écoute le son de Selfie maintenant sur Fun. Le son de Chainsmokers à l'instant, c'était Selfie sur Fun. Pendant que la nation s'enfonce dans la bêtise, il reste un endroit où vous détendre, vous amuser et respirer. Mickaël No Limit, nous, on vous laisse pas tomber. Mickaël, de 20h à minuit sur Fun Radio. Exact, 23h35 sur Fun Radio avec un message d'Anaïs qui dit « Coucou, j'écoute l'émission tous les soirs, je vous kiffe. Tu peux dire à Toff qu'il est moche, mais qu'il est mieux que Damien pour les canulars. » Ah, merci. C'est déjà ça de prix, Anaïs. Ouais, j'ai au moins un compliment, quoi. C'est toujours ça, ouais. Et Rock'n'Wolf qui dit « Je viens d'arriver, ça mérite un petit coup de pelle quand même. Bah, » oui, je te le confirme. Hein. Parce que là, quand même, là, il reste plus que 30 minutes d'émission, même pas. Donc bon, il y a Polo contre le reste du monde qui va débarquer dans quelques minutes. Ouais. Et puis nous allons faire le match d'impro maintenant avec Jade, avec Anthony. Vous êtes là tous les deux ? Ouais, ouais. Très bien. Alors, attention. Le principe est simple. Et les auditeurs, écoutez bien si vous êtes derrière votre radio, puisque vous allez devoir voter, bien entendu, avec le hashtag Mickaël. Ensuite, vous mettrez Jade ou Anthony. Et pour voter par SMS, vous allez pouvoir le faire également en envoyant M-I-K-L suivi de Jade ou suivi de Anthony au 64-900 ou au 30-44 depuis la Belgique. Ok, tout est clair dans l'esprit de tout le monde. Jusque-là, tout va bien. Le principe est donc très simple. Match d'impro entre Jade et Anthony. On leur a donné un thème. C'était la plage, puisqu'il a fait beau ce week-end. Ah voilà. Oui, donc, et que les gens sont allés se baigner. Exactement. Donc, c'est la plage. Et vous vous êtes rencontrés. Vous avez prévu quoi, là ? Vous avez prévu un truc, déjà ? Vous êtes déjà ensemble ? Vous venez de vous rencontrer On vient de se rencontrer. Vous venez de vous rencontrer. Pour l'instant, on ne s'est pas vraiment parlé. J'ai une petite idée, voire deux, trois. Très bien, bon écoutez, de toute façon improvisé, chacun part c'est de son côté, le principal c'est de vous imbriquer l'un dans l'autre, d'accord ? Eh ben y a pas de problème. Allez, c'est parti, vous avez, j'ai envie de dire deux minutes à peu près, on verra bien, grosso modo. Les auditeurs votent, celui qui remporte le plus de voix repartira avec le cadeau, on y va, c'est parti, nous sommes à la plage. Allez, nous sommes à la plage, Jade on s'est rencontré hier, tu passes à côté de moi et là je te vois. Oh Jade, mais c'est pas toi que j'ai vu hier ? Viens, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça fait plaisir de te revoir. Tu sais que tu m'as beaucoup plu hier. J'aimerais faire quelque chose avec toi ce soir. Je pense qu'on peut peut-être commencer par manger un truc, non ? Voilà. Il faut qu'il arrête. Regarde les vieux films de boule. Tu vas aller où ? Bah le kiosque à côté, il fait des churros, des kebabs, enfin bon, il y a de quoi se péter le bide quoi. Tu viens, on y va ? Vas-y. Allez, c'est parti. C'est pas un feuilleton de. Attends, c'est pas un roman feuilleton à l'eau de rose, hein. Tu t'y vas, tu bourres, mec. Ouais, tu sais. Allez, regarde, il fait des churros, c'est parti. Un paquet de churros, par 50, s'il vous plaît. Impeccable. Par 50. Regarde-moi cette beauté de churros. Tu aimes ça, hein ? Mets-le dans ta bouche, tu vas voir. C'est pas bon, ça. Avec du Nutella, c'est mieux. Un pot de Nutella de 1 kg, s'il vous plaît, monsieur. Ouais. Regarde, on le verse sur le churros. Tu aimes, hein ? Regarde. Derrière, il doit y avoir un chiot. Regarde, on va aller là-bas. On va verser sur mon décolleté. Arrête, putain, attends, je vais le lécher, bouge pas. Attends, oh putain. Oh merde, j'en ai renversé plus bas, putain, je suis vraiment, vraiment un con. Ah, attends, bouge pas, je vais faire pareil, je vais nettoyer. Ah, attends, vas-y, viens, rentre dans le chiot maintenant, putain, une envie de fou. Oh putain. N'oublie pas de parler également, hein, parce que là, il me le met la bouche pleine, on va tout faire. Hein. Non, mais je dis ça, c'est pour toi, hein. Vas-y. J'ai la bouche pleine en ce moment, donc... Ouais, mais mange pas trop de churros, t'inquiète, y'a la sauce blanche qui arrive, ma salope. Oh, que tu es belle comme ça. Regarde ses fesses, putain, j'ai envie de les claquer sans m'arrêter. Bah, vas-y, claque. Oh, putain, attends, je le rentre, là, mon prépuce, il bloque, bordel. Attends, comment ça se fait, ça? Regarde, regarde. Oh, putain, tu l'as senti, celle-là? Oh, vas-y, tiens. Ah, non, j'ai pas senti. Ah, attends, bouge pas. Vas-y, oh, dans le cul, dans le cul, attends, bouge pas, ouvre ton cul. Oh, tu l'as senti, tu l'as senti. Oh putain, non, non, non, non, non, non, non, attends, pas encore, j'ai envie de profiter un peu, attends, attends, ouais, suce-moi, là, suce-moi, là, vite fait. Ah. Vas-y, oh, oh, oh, vas-y, je préfère en fait quand je te prends, vas-y, retourne-toi. Oh, vas-y, tiens, une poule. Ah, oh, je te prends. Oh, vas-y, retourne-toi, je te prends encore. Ah, salope que tu es. Oh, putain, que tu es bonne, en fait, putain, à croire que franchement, tu es la meilleure. Ah, oh. Oh, oh, oh putain, tu aimes pas ça ou quoi? Tu sens rien? Bah si, allô, tu cries mon nom. On dirait que tu es au téléphone. Pourquoi tu dis? Oh putain, j'ai pris un plaisir de fou. Je sais même où je suis, oh bordel. Jade, tu t'appelles, c'est ça? Oh putain, le mec, une fois qu'il l'a baisé, ah, bah, oui, oh, putain, tu vraiment, ça n'a pas d'importance. Oh putain, crois que j'étais le seul à prendre le pied, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai bien aimé. Bon, top, déjà... top, top, top, top. Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà. Ah, je vous laissais 3 minutes là quand même, facile. Hein. Ah, bon, à vous, toi tu parles beaucoup toi, Anthony, hein? Bah, je lui laissais 2-3 blancs de temps en temps pour lui dire de placer un truc. 2-3 blancs, oui, on a compris. Bon, bah, c'est un 5 quoi. Allez, à vous de jouer maintenant. Vous envoyez M-I-K-L suivi de Jade ou de Anthony par SMS au 64 900 depuis la France, au 30 44 depuis la Belgique, et vous pouvez bien sûr donner vos avis sur le Twitter, vous tapez hashtag Mickaël, et puis vous mettez bah, Jade ou Anthony, évidemment pareil. Bon, on fera le tirage là, juste avant Polo contre le reste du monde, ce sera dans moins de 20 minutes. Allez-y, bonne chance, Jade et Anthony, en attendant, vous restez là, et puis on va... hey, Jérôme ? Ouais ? Bon, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ouais. Comme dirait Polo, il y a son père. Non, parce que Jérôme nous avait appelé parce qu'il s'est fait larguer par sa meuf, blablabla, etc. Et tu cherchais une meuf. Bon, déjà, t'as mal démarré parce que si t'étais un vrai gentleman, t'aurais pas dit ouais, je cherche une brune bien foutue. Ouais, bien foutue, faut qu'elle soit bonne. Voilà, t'aurais simplement dit ouais, bah, je cherche une fille, machin. Ouais. Après, t'aurais pu donner quelques indices. Non, ouais, non, non, pas forcément, faut pas être menteur, mais quelques indications sur le physique, bien sûr. Mais de là ouais, à dire démarré, ouais, les blondes, pff, je les exclus, j'en ai rien à foutre. Ouais. Moi, je prends non, que les brunes. C'est les plus voilà. bêtes. N'importe quoi. Mais tu sais c'est où il a merdé, c'est qu'il disait non mais elle reviendra pas. Donc en gros t'as l'impression quand tu l'écoutes que, non, il a, que il se dit qu'elle va jamais revenir, donc c'est bon, il va prendre non, une autre meuf. Après il a dit que de toute façon même si elle revenait, de toute façon lui on voulait plus. Oui mais il a dit ça au bout de 10 minutes. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ouais, c'est vrai bon. Aussi. Et ce que je t'ai pas dit Mickaël, c'est qu'elle appelle toujours. Elle m'appelle toujours. Mais si elle t'a viré, pourquoi est-ce qu'elle t'appelle? J'en sais rien, mais elle m'appelle toujours, mais je réponds pas, c'est clair. Ça, c'est les ex, c'est moi pour moi. Ah ouais, c'est comme les elle chats, ils pissent. Elle continue de marquer son territoire, casse-toi. Ils pissent autour, et après, je peux plus y aller. Non, mais c'est vrai, hein. Dès qu'il y en a un autre qui arrive, paf, il met un coup de griffe. C'est fini, enfin, c'est fini. Bon, hey, Jérôme, bon, écoute, si ouais. on a une meuf, écoute, on te tient au courant de toute façon. Hein. Bah ouais. Bah mais ouais. Elles ont pas l'air d'avoir, enfin, d'oser passer l'antenne, quoi. Non, c'est ça qui est dommage. Là, pour le coup, effectivement, ou alors il y a personne à Montluçon, alors ça c'est possible aussi. Donc, bah, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Bon, du coup, Jérôme, ouais. bon courage. Eh ben, reste encore un petit peu avec nous si tu veux, et puis on essaie de te ouais, reprendre juste après. D'accord. Et au pire, tu peux toujours passer dans Polo contre le reste du monde. L'audience y est plus importante. Ah bah c'est le pic hein. Bah c'est écoute, Mickaël, je reste jusqu'au bout, t'inquiète pas. Bon, eh ben écoute, tant mieux. Alors Jérôme, reste avec nous. Donc si vous voulez d'ailleurs passer dans Polo contre le reste du monde, c'est une grande émission où il n'y a rien à gagner sinon ouais, on fait raccrocher au nez. Ouais. Et le bonheur de parler à Polo. Et ouais. le bonheur de parler à Polo, ce psychologue, ce fin gourmet. C'est ça. C'est pas psychopathe. C'est ça. Oui aussi. Je suis ouais. un peu tout ce voilà. que vous voulez. Je suis votre éponge. Voilà. Donc 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Alors, il y a des messages sans réveil. Il y a Walid qui dit Toff est bien mieux que Damien, mais il a une sale gueule. Oui, mais en même temps, c'est pour ça qu'il fait de la radio. Oui, bah oui, oui. Ah ouais. La télé, c'est mort. Hein, j'ai abandonné. Il y a Vanessa qui dit Toff, je t'aime. Mort de rire pour Cédric. Dylan qui dit ah, quel porc celui-là. Je suis plié en deux. Il parlait d'Anthony, évidemment. Hein. Je Jonathan qui dit Anthony, trop fort le churros avec la sauce blanche. JB qui dit oh le pervers. Il y a Kev qui dit merci de nous faire rire tous les soirs. Eh ben, merci d'être là aussi tous les soirs, c'est encore le plus important. Donc vous n'hésitez pas, continuez à voter avec le hashtag Mickaël. Vous mettez le hashtag Mickaël, puis vous mettez Jade ou Anthony. Et par SMS également, vous envoyez Mickaël et puis vous mettez le prénom qui doit gagner entre Jade et Anthony par rapport à ce match d'impro. Polo contre le reste du monde à suivre dans quelques minutes. On aura le top tweetos et puis on va également revenir, hein, dernière ligne droite de l'émission, ce sera dans quelques minutes sur Fun Radio, bougez pas de là. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te barres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Bon allez, c'est la dernière ligne droite de l'émission là. Et oui, avant l'arrivée de Party Fun, il y aura y a des messages. Il y aura Cassie qui dit trop cool cette soirée. Bah merci Cassie, on s'est bien marré aussi. Clément qui dit tof, il peut aller pointer à Pôle emploi avec Damien qui est passé tout à l'heure là. Ah bah oui, je confirme. Ouais, ouais. Bah oui, ça il est tellement fort. Et Max du 11 qui dit le bac c'est dans un mois et je révise en écoutant Mickaël No Limit sur Fun Radio tous les soirs. Hashtag tof t'es un con. Merci. Voilà, je pense que tout est dit également à ce niveau-là. Hein. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Il y aura le top tweetos dans quelques minutes et nous allons donner les résultats maintenant du match d'impro. Jade et Anthony se sont affrontés. Quels sont les résultats donc, Tof, sur les SMS et sur le Twitter? Est-ce que c'est Jade ou est-ce que c'est Anthony qui va l'emporter? Bah écoute, il y a des mecs qui ont voté pour Vincent, mais je ne sais pas qui c'est. Donc, écoute, je ne sais pas non plus. Donc je n'ai pas pris en compte, mais sinon c'est, ouais, c'est Anthony. Hein. C'est Anthony? Ouais, c'est Anthony. Ouais. Bah Anthony, ouais, ouais, ouais, bravo à toi Anthony. Bah merci les gars, vous déchirez, changez rien, vous êtes parfait. Voilà, bah, je t'en prie. Du coup on va t'offrir. Qu'est-ce qu'on va t'offrir? Attends que je regarde ce qu'il y a en stock là. Eh bah les enceintes là, Divoom, les Divoom Boombox, tu vas pouvoir t'éclater et surtout faire péter le son ce week-end. Enfin oui le week-end dans l'absolu, pourquoi pas. Et puis surtout aussi pendant les vacances. Voilà, ça vaut 100€, Anthony, on va t'offrir ça, tu vas retourner chez Sandro standard. C'est impeccable, merci l'équipe, vous déchirez. Salut Anthony, bientôt. Merci à toi d'avoir participé en tout cas, à bientôt, ciao. Et puis bah Jade, malheureusement c'est perdu, hein, c'est pas grave. Et bah tu reviens quand tu veux. Hein. Oui. Bon. Bon, c'est pas grave Jade, hein. Non, pas une balle, pas, c'est rien. Tout va bien, c'est pas catastrophique. Bah non. Hein? Je préfère agir que de parler au téléphone. Tu préfères quoi? Agir. Ah oui, mais bon, ça malheureusement, c'est le match d'impro. Note, on pourrait faire un match d'impro si, si Anthony veut, il vient dans le studio et puis vous agissez, mais après... Le problème c'est que ça restera quand même encore une fois virtuel pour les auditeurs quoi. Enfin bon. Bon ouais, mais nous on pourra mater, c'est le principe. Ah ouais. C'est pas faux. On va bon, ben, Jade, je te fais comme des bisous, tu reviens quand tu veux, d'accord? Salut, bye. Salut Jade, ciao. Avant de faire Polo contre le reste du monde, nous allons prendre Jacques avec nous de Marseille. Salut Jacques. Jacques. Allô Jacques. Jacques. Oh enculé là. Bon, c'est pas grave, hein, Jacques, ouais, bah, on Jacques jour, c'est pas grave, bah, on le rappellera demain du coup Jacques, hein, puisqu'il était pas là. Et on va terminer avec Jérôme. Jérôme ? Ouais. Bon écoute, là malheureusement on a vraiment tout raclé, on a fait les fonds de tiroir, on a essayé ouais, on a essayé nous-mêmes d'appeler des auditrices, tout le bordel, mais. Ouais, on a essayé de rappeler le fin du fin, Joël, Alexandra, Katia, non, c'est ça, c'était. Non, c'était Kat. Kat. Et malheureusement, ouais, là, malheureusement, non, elle n'était pas disponible. Ah ouais, malheureusement, sans succès. Hein. Oh. Ouais, on avait bien Gilou, mais bon, ça ouais, reste ouais, avec. Ouais. Ah bah on aurait pu effectivement Gilou. Je serais dessin et tout, je verrai. Mais malheureusement, non, c'est un échec cuisant. Je pense qu'il va falloir que tu restes célibataire encore un petit temps. Hein. Ah bah je crois, oui. Hein. Bah là ouais. Oh, tu pourrais pas me toucher un peu de. Non, bah non, il peut pas, non. Bah, il lui reste la branlette, hein, c'est toujours ça. C'est vrai. et ah ouais, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Exactement. Donc, astique-toi le manche. Un baiser à la coque, s'il vous plaît. Un petit baiser à la coque. S'il vous pourquoi plaît. Pas. Tout est possible, hein, malheureusement, là, on ne peut pas faire mieux, bah, je suis désolé. Hein. Ouais, mais bah, j'aurais donné une description, ça aurait été bon, mais. Mais dis-toi qu'on n'est jamais mieux branlé que par soi-même. Après, je t'invite toujours à rester dans Polo contre le reste du monde, on ne sait jamais. Ah, y a pas de problème, Mika, je reste, y a bon, pas de problème. Bon, ben, repasse ton annonce dans Polo contre le reste du monde et puis on verra, quoi. Ouais, ok. Bon, allez. On va faire ça alors, très bien. Bon, bah, je te dis salut alors, Jérôme, je te repasse Polo alors. Ouais. Salut à toi Jérôme. Polo contre le reste du monde qui va débarquer dans quelques minutes. Je rappelle également qu'on est là tous les soirs, hein, de 23h à 2h sur Fun Radio. Prévenez vos potes d'ailleurs bien sûr, si jamais ils ne sont pas encore au courant. C'est comme ça que ça se passe sur Fun Radio. Là vous en avez eu un exemple ce soir pour ceux qui ont débarqué et qui ont écouté l'émission pour la première fois. Et bien sachez que c'est comme ça, voire pire, tous les soirs de la semaine. Notamment avec notre ami Jean-François que nous aurons, que nous avons une fois par semaine de toute façon. On ne sait jamais quel jour malheureusement, c'est lui qui appelle. Mais que nous aurons, voilà, avec Cristal, avec Vanessa, avec que du beau monde bien entendu. Et toute cette semaine on vous offre également les GoPro Hero 3 Plus, les cadeaux également pour la fête des mères là, puisque en France c'est la semaine prochaine et en Belgique c'est déjà passé. Donc du coup, si vous avez des bons conseils, tous ceux qui sont en Belgique là, à donner à ceux qui vont faire un cadeau, genre à ne pas faire parce que vous avez essayé et que c'était de la merde, et ben n'hésitez pas, bien entendu on peut en parler tout au long de la semaine sans aucun problème. Exactement. 23h53, juste avant la fin de l'émission, c'est parti maintenant. Polo against the rest of the world. Bienvenue dans Polo Against the Rest of the World. Bienvenue dans Polo contre le reste du monde. Vous êtes sur Fun Radio et on commence tout de suite cette grande émission avec Jérôme, 30 ans. Jérôme. Salut. Je t'écoute ma gueule, vas-y. Ça va Polo? Ça va très bien. Bon, écoute, allez, t'es trop mou, allez, réfléchis. Allez, casse-toi. Maëva. Oui. Je t'écoute. Oui. Eh ben vas-y, parle. Oui. Ah, t'as du mal avec la conversation. Tu sais pas que quand quelqu'un te pose une question, tu réponds. Ça, tu comprends pas ça. Oui. Bon allez, casse-toi. Oh là là, Gagik, Gagik. Salut Polo, comment ça va mon pote? Bien et toi? Je suis pas ton pote, j'ai pas de pote moi, sache-le. Ok, t'as passé un bon week-end? Ça te regarde pas, dégage Gagik, tu m'as saoulé. Marvin, welcome. Marvin, explique-nous un peu ton histoire. Car tu as une histoire, Marvin. Oui, tu es devenu un mec... Ferme ta gueule Marvin quand je parle, d'accord? Tu es devenu un mec c'est important, quoi. Vas-y, exprime-toi. Ça fait 2 mois que je suis sur le Polo Again, the rest of the world pour les anglophones. Ouais. Donc ça fait 2 mois que j'appelle. Ouais. Et moi c'est la blague de merde. Donc et tu me dis de revenir tous les jours. Ouais. Donc et pour le jeudi, bah tu me dis de revenir le dimanche. Ouais. Donc je reviens, il y a pas de problème, je suis là justement. Bravo Marvin, t'es au top. Cristal, le retour. Oui allô. Salut salope. Non c'est pas le retour, hein, je viens d'arriver. Eh bah tu vas attendre un peu. Maxou. Oui bonsoir Polo, moi est-ce que je suis important? Pourquoi tu serais important toi? Non mais je te demande, moi je travaille toute la journée pour pouvoir monter dans ton émission dans le classement des intervenants. Des top nulos. Après le top nulos, le top nulos. Bah écoute, non, top bestos. Bon Maxou, hey, Maxou, on n'est pas là pour pour lécher l'arrêt là, alors dis des choses intéressantes ou casse-toi. Le pas drôle dans Polo contre le reste du monde. Ouais, c'est un poivron vert qui a une pomme et l'obèse et la réponse. Attends, hop, on aura la temps pour la réponse. Cristal, maintenant c'est à ton tour, vas-y. Oui, ben j'appelais parce que il paraît que Jérôme il est seul. Ouais, maintenant je te le passe, d'accord Cristal? Oui. Jérôme, ma gueule, vas-y parle un peu avec Cristal. Allô? Oui, bonjour Cristal. Oui, bonjour Jérôme. Ça va? Voilà, je suis brune, j'ai des gros seins. J'ai une grosse chatte. Oh. Ça c'est bon ça. Est-ce que tu veux me bourrer? C'est vrai que ça te tente très bien. Oui. Ah, ça te tente très gros cochon, hein. Hein, tu es un porc. Oui. Hein, espèce de porc, va. Jérôme. Ouais. Espèce d'idiot, attends, je te dirai après, dégage d'ici. Maëva, le retour. Polo, respire ouais. Encore pas la langue. Je comprends pas ce que tu dis, Maëva, si tu n'articules pas, ça n'a aucun intérêt. Respire en sortant la langue. Maëva. Oui. Fous-moi le camp d'ici. Gagik. Oui allô Polo, tu voudrais bien m'aider s'il te plaît. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai fait un pari. Ouais. Si mon site internet dépasse les 4000. Ouais mais je suis pas comme ça moi, viens pas négocier ici, j'en ai rien à foutre ton site internet. Marvin le retour. Ouais donc oui je te disais ça fait 2 mois que j'appelle, ouais. Je vais revenir tous les jours. Et bah c'est bien Marvin, bah tu vois t'es là aujourd'hui, c'est top ou pas? Oui non mais. Et c'est... bah c'est cool, Cristal. Oui. Est-ce que Jérôme peut crier son nom, ça m'excite. Ouais, vas-y. Jérôme, écoute Cristal, fais comme elle te dit. Oui, Jérôme, crie ton nom. Oui, Jérôme. Mais, oui, plus fort. Oui, Jérôme. Oh, oui, plus fort, oh, oui. Oui, Jérôme. Oh, oui, encore. Oui, Jérôme. Oh, oui, oh, Jérôme. Oh, oui, Jérôme, vas-y. Oui, Jérôme. Bon, les deux obsédés sexuels, dégagez d'ici. Maxou. Oui, pas conclusion, de... vieux. Conclusion, on y va, conclusion. Mais... Conclusion, ne faites pas la pêche aux méduses parce que j'ai eu pas mal de morsures et ça fait mal. Merci Max, où allez fous le camp. Le pas drôle. Et si vous aimez la couleur jaune et l'argent, prenez du jaune sans franc. Ouais, raccroche-toi la gueule là, tu m'as saoulé. Allez, on se raccroche là. On raccroche. Allez. Hop là. Hop, Gagik. Visitez le site Gagik Vidéo MDR. Allez, dégage d'ici. Marvin. Oui, tu reviens demain. Demain, je suis là, oui. Eh bah, ben, demain, salut. Jérôme et Cristal pour conclure, s'il vous plaît. On y va. Oui, oh, Jérôme, ne sors pas. Oh, oui, Cristal, oui. Oui. Oh, oui, là, Cristal, oui. Bon, rappelle-moi, hein. Oui, il n'y a pas de problème, Cristal, je serai plus demain. Il y a pas de problème. Tu me tiras ton nom au téléphone. Elle est de pervers. Oui, il n'y a pas de problème. Jérôme. Ouais. Dégage, Cristal, conclusion s'il te plaît. Ben rien, je pense que ça va bien se passer. Il a l'air tout chaud. Et bah parfait, allez Cristal, casse-toi. Ainsi se termine ce polo contre le reste du monde. J'espère que tout le monde a écouté, tout le monde s'est bien amusé, tout le monde s'est astiqué en m'écoutant, car je sais que cette voix est excitante. Ah bon ? Et je tiens à dire que je remercie ceux qui n'écoutent pas. Et je remercie ceux qui écoutent, car grâce à vous, tous les soirs, je suis numéro 1, et ça n'a pas de... Exactement, et ça c'est beau. Bon, 23h58 sur Fun Radio, dans un instant, le... Ah ben non. Oui, alors, quand vous expliquez au niveau du générique de fin, quand vous expliquez que j'ai oublié la machine, le générique de fin. Alors du coup, Polo va la faire en acapella. En live, ouais. Voilà, acapella. Et puis on va se faire également le Top Tweetos. Le Top Tweetos, donc, ce sont les auditeurs qui ont été les plus influents sur le Twitter de l'émission avec le hashtag MIKL. On va donc sélectionner maintenant celui qui est numéro 1, tout simplement. Alors il n'y a pas d'enfume, hein. On a un petit soft, un petit programme qui calcule tous ceux qui ont mis le hashtag MIKL sur le Twitter. Et puis du coup ça donne le classement numéro 5, 4, 3, 2, 1, etc. Et donc, qu'est-ce que t'as fait encore Non, en fait, je pensais charger, je voulais tirer dans la tête de Toff, mais la balle est partie. Ah, la balle est partie. Mais pas dans la tête de Toff. Il a un nerf. Enfin, le nerf. Alors, quel est le numéro 5 ? Clément. Numéro 4 ? Cédric. Numéro 3 ? Nadia Le Prince. Numéro 2 ? Fan de Fun. Et numéro 1 ? Siegfried. Siegfried, qui a donc gagné, hein, mais oui. Siegfried m'a l'air bien jeune pour repartir avec des sextoys offerts par... Passagedudésir.fr. On lui offrira donc quelque chose, certes, mais pas un sextoy, forcément. On lui offrira un porte-clés. Voilà. D'ailleurs, s'il pouvait changer son horrible photo de profil, ouais, je pense que ce serait mieux, bien pour tout le monde. Elle est pas horrible, sa photo. Ah, ah si, c'est qu'il l'a changé, alors. Regarde bien. C'est qu'il l'a rechangé, alors, à mon avis. Ça va ? Non ? Attends. Il y a une espèce de salpêtre. Ah non, il l'a changé, autant pour moi. Non, voilà, il l'a changé. Je pensais, il avait une autre tout à l'heure. Mais elle était un peu brûlée sur le côté, c'était ouais, voilà, c'est ça. Bah voilà. Siegfried, alors, c'est très bien, parfait. Bon, générique de fin ? Ouais. Je m'ai terminé alors, dis donc, c'est un truc de ouf. Allez, c'est parti, j'ai malheureusement pas la musique sous la main parce que j'ai oublié la machine. Mais donc, en acapella, attention, c'est parti. Ah, ça va être 3, drôle, ça. 2, 1, attends, c'est parti. Toff, fais-moi un petit rythme là, avec les doigts. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, Toff te suce, toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton oncle, y'a vraiment personne qui encule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Car c'est toi qui encule ton oncle, t'es un enculé. Voilà. Tu ne peux plus dormir ou bien manger, car t'encules ton oncle toute la journée. Oui, tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Suce ma bite. Et ben voilà. Acapella, la gueule. L'unplug de Polo, c'est un peu le moment de gloire. Et le MTV Unplugged. Ouais. Là, on était bon, là. Alors, c'est un peu ma grande fierté du soir, c'est de chanter cette chanson. Putain, magnifique, là, cette chanson à thème. Ah bah là, on n'était pas bon, on était très très bon. Ouais. Ah ouais. Bon, bah merci en tout cas à tout le monde d'avoir été connecté ce soir. Il y avait Alex, il y avait Christophe également qui était là, il y avait GTR, il y avait moi, il y avait Niki, il y avait Valentin, j'ai perdu tout les noms là, mais donc. Incredibox qui était là, il y avait Yanis aussi, il y avait Thomas, il y avait Aurore et tous les autres, bien sûr, que je n'ai pas forcément eu l'occasion de citer. Pendant que Toff se fait... Démonter la tête par Polo avec son espèce d'énorme flingue là. Et ben nous, on va vous souhaiter une bonne soirée. On va se retrouver demain, nous, à partir de 23h. Enfin, bonne nuit plutôt. On se retrouve demain à partir de 23h sur Fun Radio en pleine forme. C'est Party Fun qui prend le contrôle là. Et puis, puis voilà, passez une bonne nuit. Bon courage à ceux qui reprennent les cours demain là. Et puis, pour ceux qui reprennent pas, qui sont peut-être au chaume du, profitez bien du soleil. Voilà. Allez, salut tout le monde, à demain. Ciao. Mickaël. No Limit. Le dimanche soir, 20h minuit, sur Fun Radio. Fun Radio.